Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Bienvenue sur NRJ, Vince sur la mer. Oh, merci, merci, merci, on est là. Ah, ça fait du bien d'être présent de retour. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ce métier, qu'est-ce qu'on aime le faire avec vous les amis. Bienvenue sur NRJ, si vous venez de vous connecter, vous venez de vous brancher, bienvenue dans l'émission Vince jusqu'à bah, minuit généralement, enfin souvent très tard, souvent beaucoup plus tard. On est là pour faire de la radio ensemble les amis. Un numéro, c'est le 0422 222 002, le numéro WhatsApp. Il y a Nigel qui est là, salut Nigel. Salut Vince. Comment va Nigel? Mais ça va très bien, j'ai passé une très très très très très bonne journée. Ah bon, t'as fait quoi de sympa toi? Ah ben j'ai été en cours. Envoyer des enquêtes bizarres. Ouais, voilà, ouais. Ben ouais, ben merci d'avoir rempli mon enquête d'ailleurs. Ben avec plaisir, Nigel. Alors, comment ça se fait que tu m'envoies des enquêtes étranges comme ça? Je vais poser la question aux auditeurs. Hein. Mais parce que c'est pour un cours. Va faire l'enquête aux auditeurs, ça pourrait être sympa. Ben vas-y, parce qu'en fait, c'est pour un cours en psychologie. Un cours en psychologie? Ouais. Cours de psychologie? Ouais, c'est mon cours de psychologie, ouais. Non, mais attends, parce qu'il faut que je reprenne les questions. J'ai perdu le truc là où tu me l'avais envoyé, les questions là. Attends, c'est des questions qui sont méga, mais méga indiscrètes en fait. Mais elles sont discrètes, mais tu sais que ça pousse à la réflexion. Ah bon? Mais ouais, parce que quand tu regardes, si tu réponds à certaines questions, si tes réponses... Enfin, il y a des réponses qui sont pas cohérentes. Ah bon, sérieusement? Ouais, ouais, il y a des réponses. C'est pour ça que j'ai répondu à 2 sur 5 partout, en fait. Parce qu'il faut répondre avec des chiffres. Ouais, ouais. À un moment donné, j'ai eu flemme, je suis arrête, c'est quoi? Vas-y, on va mettre le même truc partout. Ouais. Les amis, il y a également Thibaut qui est là. Tiens, on a zappé une personne, attendez. Ça va Thibaut, tu vas bien? Ouais, ouais, super, super. T'entends le mec là. Ouais, ouais, super. Alors, mon petit Thibaut, qu'est-ce que t'as fait de sympa, toi, aujourd'hui? Ah, moi, aujourd'hui, rien de spécial. Hein. J'ai vu ma copine, puis j'ai un peu chillé chez moi. Putain, mec, ta vie, waouh. Ah, c'est ça, waouh. Vraiment une vie de merde. Hein. Bah, d'habitude, je vais au sport, mais j'avais trop la flemme aujourd'hui. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. On est dans une période de flemme, là, actuellement. Et puis, les amis, Lara n'est pas avec nous ce soir. Ouais, malheureusement, ouais. Parce que Lara est sur la route. Elle a fait une très longue route et je crois que la pauvre, elle a été bloquée par les gilets jaunes. Donc, grosse déviation, tout le bordel. Ouais, malheureusement, ouais. Voilà, elle m'a appelé en Vince, putain, écoute, j'ai pas prévu un truc. J'ai pas prévu les gilets jaunes. Je fais, bah, malheureusement. Donc, du coup, on lui souhaite bon courage. On a essayé de l'appeler, mais malheureusement, on l'a pas eu là sur le coup. Donc, on va essayer de rappeler. Je crois qu'il y a des pertes de réseau, tu sais, sur la route. C'est pas toujours évident. Non, ça, ouais. Donc on lui fait un bisou, peut-être qu'elle nous écoute à travers la radio en tout cas. Il y a Ryan qui est connecté. Coucou Vin, je veux vous prévenir qu'il y a eu quoi en fait parce que j'ai pas tout le message là. Quoi non mais c'est sérieux ce truc là Ryan, c'est bizarre ce que tu m'as envoyé là. Il t'a envoyé quoi? C'est même limite flippant en fait ce que tu m'as envoyé. Il m'a dit qu'il s'est passé quelque chose de pas très cool devant son voilà. On parle à ce soir-ci, c'est un petit peu chelou. Okay. On en parlera après. On va appeler Ryan parce que c'est quand même très curieux là. Il y a Olivier qui est également connecté ce soir. Il y a Martin, il y a Khalid, il y a aussi Émilie. Salut toute l'équipe, vous allez bien? Émilie dans la maison. Merci Émilie. Et puis bien sûr vous aussi là avec vos messages, 0492 222 002. Enfin, la soirée commence, allez big up la famille. Merci pour ton message, c'est big gentil up, ça. Et puis Julien aussi qui m'envoie une note vocale là. Vince dans la maison. Exactement comme tous les soirs là. Il y a Nathan, Alès, je vais vous écouter. Coucou la team aussi. Hello à tous, merci pour le message. Il y a Edwin qui est là aussi. Et à Ozil, il est très fidèle. Ozil, il nous envoie souvent des messages. Ozil est dans la maison. Et ben voilà qui fait plaisir. Et Tania aussi qui nous dit ça va être plus calme sans Lara, mort de rire. Elle va nous manquer, mais elle va arriver. Vous inquiétez pas, elle va venir. On n'a pas dit qu'elle allait pas venir dans l'émission. C'est juste que voilà, les gilets jaunes l'ont bloquée. Elle est partie très loin. Elle est partie jusqu'à Paris en fait. Non, en fait, elle t'a arnaqué. Hein. Quoi, comment elle ça? Elle l'a mal pris en fait. C'est-à-dire, je pense. T'imagines, c'est ça, en fait. T'as, j'espère pas, parce que j'ai eu 3-4 fois dans la journée au téléphone et genre, elle a pas soulevé le problème, tu vois. Qui ont pas suivi l'émission d'hier. En gros, j'ai vanné Lara sur un sujet, je sais plus sur quoi c'était d'ailleurs. Ouais, c'était sur. Ouais, promotion canapé. J'avais fait genre qu'elle avait fait promotion canapé, entre guillemets, qu'elle avait fait des. Tu sais, le cliché, on dit toujours, ouais, pour atteindre ce milieu-là, pour atteindre. Voilà, tu sais, dans le show business, il faut coucher. Et j'ai sous-entendu qu'elle l'a fait alors que c'est pas vrai du tout, tu vois, c'est pas le style de Lara. Tu l'as vanné. Et je l'ai vanné, sauf que ce genre de vanne, Lara, elle a pas du tout. Ouais. Elle m'a regardé, elle m'a fait. Non. Et alors du coup elle a bien râlé, mais on lui fait un bisou, je suis sûr que c'est pas pour ça, du moins j'espère, sinon ce serait quand même malaisant, hein. Et les amis, ce soir on a pas mal de sujets à vous proposer, on va en parler dans quelques instants, on a des cadeaux à vous offrir également dans l'émission là. On a Red Dead Redemption 2, du Fallout 76, Call of Duty, on a également des cadeaux Manga Brussels. Ouais, on a cadeaux Manga Brussels, on a des jeux Xbox One aussi. Ouais, grave. On a Call of, on a même des coffrets collector DVD là. C'est trop beau ça. Du coup, c'est cool. Des coffrets collector DVD de quoi? Je sais plus de quoi c'est, mais Goldorak, c'est une Seiya là ou pas? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Parce qu'on en a ramené là, Manga Brussels, ils ont été cool, ils en ont ramené plein. Je pense que c'est ça. Ouais. Ah bah c'est sympa, ce sera gagné ce soir dans l'émission, les amis, si vous participez au prank ou alors dans des concours, on vous dira comment faire tranquillement là. J'adore, il y a Laurent qui nous dit, oh émission entre couilles, ça va être le bordel ce soir. Non. On va ramener un petit peu d'oestrogène dans cette émission. T'inquiète pas, compte sur moi. Vince, c'est passé le message à la radio. Venez tous à la soirée fluo du patro de Morlanwe demain à partir de 19h30, entrée gratuite. Voilà, âge minimum 16 ans visiblement. Soirée fluo, c'est soirée gilet jaune parce que je sais pas, je me pose la question. Hein. Bon les amis, ce soir, il y a le bébé j'ai déconné dans l'émission. On a également le Give Mo 5 qui va avoir lieu, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire hier. On aura un Kiff ta mère ce soir également dans l'émission. Là, c'est en ce qui concerne les pranks. On va parler pour vous, c'est quoi le meilleur âge pour vous faire l'amour la première fois Ouais, ça c'est quoi pour toi le meilleur âge, Nigel? Bah, c'est un peu tabou, mais je pense que le meilleur âge, enfin... Je pense que c'est 18 ans. 18 ans pour toi? Ouais, quand t'es mature. D'accord. Pas quand t'es mature, mais une fois que t'as quitté les secondaires et tout, tu vois que tu commences à te prendre en main, entre guillemets. Ah, donc pour toi, avant ça, il faut rien faire? Ouais. D'accord, tu sais que la moyenne, est, il paraît qu'il est 17 ans en Belgique, la moyenne. Ah ouais, moi je pensais que c'était 12 ans. Ouais, moi je sais pas, là je me moyen. Je sais pas, je crois que ça dépend de chacun. C'est quand les gens sont prêts. Moi, quoi, tu veux savoir à quel âge ma première fois? Mais attends, on va le savoir après. Ouais, laissons le temps, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, bien sûr. Et on a, bah, parce qu'il vient de s'installer en fait, hein, Eddie qui est là dans la maison, ça va Eddie? Hola a todos, oui. Radio Énergie Espagnole. Énergie Espagnole. Énergie Espagnole. Comment ça va Eddie? Ça va super bien là. Ouais. Je courais, hein, j'étais un petit peu en retard, désolé. Ouais, j'ai constaté, qu'est-ce qui s'est passé là Eddie? Eh ben écoute, je voulais venir, et puis juste avant de venir là, j'ai une crampe qui m'a pris, donc j'ai été vite aux toilettes, puis je suis venu. Oh le crampé quoi. Ouais, ah, mais les crampes de caca du coup. Exactement, ouais. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire là. Il y a un mec à un hôpital, il a été rémunéré. D'ailleurs, c'est un hôpital à Paris carrément qui le fait, qui rémunère 50 euros pour un don de sel. Donc vous allez là-bas, vous faites caca et vous gagnez 50 euros. Un don de Thibaut? Ouais, ça c'était facile ça. Non, mais attends, parce que j'imagine que c'est pour la recherche qu'ils font ça. Je suis tombé sur l'info, j'étais un peu choqué de me dire qu'il y a un hôpital quand même qui vous rémunère 50 euros pour don de sel. C'est un truc d'ouf. Hein. Don de caca, bien sûr, sel. Hein. Ah, c'est pas comme si vous veniez avec votre vélo, il fallait filer votre sel, c'est pas le même délire, hein, on est bien d'accord. Et donc du coup on s'est demandé qu'est-ce que vous avez déjà filé de bizarre pour de l'argent Tiens Eddie, t'as déjà donné quoi pour de l'argent toi? Mais moi j'ai rien donné, par contre j'ai un pote à moi qui allait faire des dons de moelle. Des dons de moelle? De moelle osseuse, et t'étais rémunéré. C'est possible de faire ça Parce qu'il y a besoin de moelle pour faire des... Ouais, pour la leucémie et tout. Pour la leucémie, etc. Donc lui, mais il le faisait pas de bon cœur, il le faisait juste pour l'argent. Ah d'accord, oh putain ouais, donc il allait, je sais plus combien de fois par an, je sais plus du tout. Moi je pensais qu'il fallait être donneur compatible pour faire ce genre de truc. Ouais, mais ils en cherchent tout le temps, enfin... Même si t'es pas compatible, en fait, il garde la moelle et du coup, bah, lui, il y allait, il faisait son don et il repartait. Ah ouais, d'accord. Ah, oh, c'est des trucs qu'on pique là, comme trop ça. Chelou, là. Ouais. Et donc, à un moment, il était en galère d'argent et donc il essayait d'y aller le plus souvent possible. Ouais, c'est pour les cellules souches, c'est pas ça, un truc ouais, dans le genre. Ouais, c'était ça, exactement. Ouais. Ah, ok, je pensais que ça marchait que avec les membres de la famille, moi, ce genre de truc. Toi, Nigel, qu'est-ce que t'as déjà donné pour de l'argent? Alors quand on dit donner, on parle pas de vendre, mais genre, qu'est-ce que t'as déjà proposé de sympa pour de l'argent, toi? Ou d'original, je ne sais pas. Ben, c'est de préparer des chichas déjà. T'es sérieux, toi, t'as préparé... ouais. Attends, non. Mais ça c'est rien. Mais par contre, quand j'avais genre 12 ans, ouais. Tu vois, quand t'es en secondaire, en primaire, etc., tu peux vendre genre des boîtes de gaufres, genre au chocolat ou nature. Des boîtes de gaufres? Ouais, des boîtes de gaufres, genre que tu vends aux parents, etc. Quoi, comment ça? Ah ouais, ok, d'accord, genre en scout, un truc ouais, genre. Ouais, c'est ça. Et en fait, normalement, cet argent, elle revient à l'école. Ouais. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais volé plein de boîtes à l'école. T'es fier? Ouais, non, je suis très très fier, hein. Franchement, je me suis plein de thunes. Bravo, genre, ouais. J'ai volé, je pense, 15 boîtes de gaufres au chocolat. Ouais. Et j'ai été les revendre à mes voisins. Je disais, ouais, c'est pour l'école, c'est pour notre voyage scolaire et tout. Je crois que je me suis fait une histoire de 400 balles. Ouais, je me suis fait une histoire de 400 balles. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? 12 ans. Mais quelle honte, mais incroyable. Ouais, non, mais j'étais trop content. Mais c'est du vol de. Mais, pas grave, c'est ta réputation en même temps. Hein. Et après, avec ça, j'ai acheté un chien. N'importe quoi, putain. Non, c'est vrai, hein. T'as acheté un chien, j'ai avec ça. J'ai acheté un chien et après, je l'ai donné à une mamie. Non, mais ouais, qui okay, est bon. C'est histoire d'en sucette. On a Marie qui est là. Salut Marie. Allô Marie? Allô? Ouais, Marie est dans la maison! Ça va Marie? Ça va bien et vous? Ben, ça va très bien Marie, t'es en haut-parleur, t'es en quittoriette, qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi? Parce qu'on t'entend pas très bien du tout en fait, t'es dans ta voiture je pense. Oui, attendez. Ah. Ouais, non, mais fais gaffe quand même, hein, pas d'accident, ma chère. Ah ouais. Marie, t'inquiète pas, on va parler avec toi dans quelques instants, on va parler avec Denis aussi. Là, Denis, il a fait un truc spécial là, avec des histoires de cartes Pokémon. Là. Salut, Denis. Allô, bonsoir. Yo, et Denis est dans la maison. Salut, salut tout le monde. Eh, hey, Denis, tu viens de quelle ville, toi? Moi, je suis Charleroi. Charleroi est là ce soir. Charlouz, les amis, tout de suite. On se fait Dean Lewis avec Be Alright sur Energy. Et on arrive dans quelques instants, on va parler avec Denis. Et on va parler également avec vous ce soir. Et n'oubliez pas, les amis, on est en direct là, sur Energy tous les soirs de 21h jusqu'à minuit. Vos messages sur le WhatsApp, je vous donne le numéro 0492 222 002. Start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Mais Vince est dans la maison. Bienvenue sur Énergie les amis, on est là, on est en live pépère, tranquille. Avec vous toutes et tous, merci d'être là d'ailleurs, il est 21h13, on est bien sûr en direct. J'espère que votre journée s'est super bien passée. Moi à part ça, je me suis fait flasher, voilà. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, non, je me suis fait flasher, mais alors là, mais je te jure, en plus j'ai une voiture mais qui me permet pas de se faire flasher. Je roule à une vitesse, mais elle avait, c'est une smart, tu vois. Toi, t'as été flashé par un gilet jaune, c'est sûr. Ouais, certainement. Il est passé comme ça. Hop là, il m'a chopé. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que ma voiture, elle peine pour dépasser les limitations de vitesse, tu vois. Ah ouais. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne musique qui passe à la radio, et tu sais ce qui passait à ce moment-là? Maintenant, c'était quoi? Je m'y attendais pas. Hein. Mais attends, est-ce que ton flash, est-ce que genre, t'étais vraiment au-dessus de la vitesse autorisée de ouf? Attends, regarde, c'est ça qui est passé. Alors moi du coup sur le coup qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je mangeais, je pense à toi, je pense à l'émission, je pense à Nigel qui faisait ah. Parce que ça c'est notre son fétiche de l'émission en fait, hein. On le joue le soir et ça nous permet de faire les, voilà, de faire les comptes dessus et tout. Ah, et ça, ouais. Ça s'appelle Fisher avec Losing It. Et alors du coup je commence à taper la danse et tout ça. Et tu sais au moment où je suis dans le rythme de la danse, il y a un truc qui m'éblouit et je me dis non c'est pas vrai. En plus j'étais pris de face, tu vois. Ah oui. Ouais, donc voilà, c'est passé du côté de la Flandre. Ah ouais, ça m'a ébloui. Alors j'ai gardé mon truc et je vois que je suis à 72 et effectivement c'est une route limitée à 70 à l'heure. Et en Flandre, je te dis, on te chope, mais genre pour 1 km. 2 km. Ouais, laisse tomber 1 km, je me suis déjà fait choper. Ça, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, ça me fait chier de voir donner de l'argent pour ça. Mais ah bon. Ouais, mais vraiment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et, et d'ailleurs, en parlant de faire chier, donner de l'argent, bah, un hôpital rémunère 50€ un don de sel. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez déjà donné, vous, pour de l'argent? Alors, j'ai eu plein de trucs, hein, des réactions de ouf qui sont arrivées. Sur le 0492 222 002, il y a quelqu'un qui m'a dit, Vince, moi j'ai un peu honte, j'ai déjà donné la PlayStation de mon fils. vite fait, je voulais pas avoir d'argent juste que mon fils jouait trop. J'ai donné ça au père d'un de ses amis et figure-toi qu'il m'a quand même payé en me disant allez tenez, ça fait plaisir. Dinguerie. Il y a des parents hardcore, hein. Y a beaucoup de parents qui ont envoyé des messages dans le genre du genre ouais, moi j'ai refilé j'ai revendu un truc comme ça. Alors il y a quelqu'un qui me dit Vince, moi un jour quelqu'un un pote m'a prêté sa PSP, la PlayStation portable. Ah ouais. J'étais en galère de thunes donc du coup ben je l'ai revendu et parce que je savais que mon pote allait jamais oser me la redemander. Mais ça c'est dégueulasse de faire des trucs pareils. Putain, ouais, j'ai un pote, il m'avait enculé comme ça. Ah, bravo. Ouais, pardon, ouais. Il est que 21h15, je tiens à le préciser. Ouais, pardon, hein. Il m'avait entubé, ouais. D'accord, pourquoi tu l'as passé quoi en fait? Mais non, en fait, j'avais un téléphone chez moi que j'utilisais plus trop. Ouais. C'était un ancien iPhone, tu vois. Du coup, je t'ai passé à une autre gamme d'iPhone. Sans faire le mec. Et en fait. Ouais, tu fais le mec, c'est pas grave. Et en fait, genre, il était sur mon bord de fenêtre. Et je devais aller le vendre en magasin, enfin bref. Et genre, du jour au lendemain, je vois plus mon iPhone. Je dis, oh, mais ouais, mon iPhone, il est passé où? Et au final, bah, genre, le mec, je viens de pas chez lui. Et je vois s'asseoir avec mon iPhone. Et j'ai dit, oh, mais frère, c'est à qui l'iPhone? Il me dit, oh, mais c'est le tien, tu l'utilisais plus, je l'ai pris. Mais c'est incroyable ce genre de truc. Là. Je suis sûr qu'il est cryptomane, il se l'est masqué un petit peu. En tout cas, il y a quelqu'un qui me dit, attends, il y a plein de messages, il y a d'autres vocales aussi qui arrivent, je vais essayer d'en lire quelques-unes. Là. Et effectivement, c'est une route limitée à. Fabien. Enfin, chocolat. Merci, Fabien, c'est gentil. Et quand vous avez des notes vocales, mettez pas la radio, les amis, ça fait un truc très bizarre dans notre oreille. On découvre notre vraie voix, on n'aime pas. Ouais, et même, c'est pas bon le rendu. J'adore le message, t'es une vraie maroise, Nigel. Ah, on a récupéré Lara, c'est bon, là, elle a du réseau, là. Oh, nous... Reste dans la maison! Oh là là! Non, non, c'est Lara, toi-même, tu sais. Bon, Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Les gilets jaunes, ils t'ont coincé ou quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Attends, je pense que je vais être coincée dans quelques minutes par les gilets jaunes. Genre l'envoyé spécial de Vince sur. Tu vois, sur le terrain, quoi. Ah, mais non, mais, je suis là. Non, mais CNN International, attention. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas l'actualité, Gilets jaunes, ils paralysent un peu tout. Ils paralysent les dépôts d'essence, etc. Pour empêcher les stations de recevoir de l'essence, etc. Je sais que la Wallonie, il y a eu beaucoup de gens en galère. D'ailleurs, dites-nous si vous étiez en galère avec les Gilets jaunes. Et Lara, donc là, t'es vers quel côté, là, plus ou moins? Bah, du coup, là, je crois que j'ai dépassé Mons et je pense que je vais être complètement bloquée, comme tu m'avais dit, pas loin de celui. Mais moi, j'ai pas. Enfin, voilà. En gros, c'est marqué sur le GPS et c'est que l'autoroute est toute bloquée. Donc ah, mais oui, l'autoroute, c'est pas qu'elle est bloquée, c'est qu'elle est fermée, en fait. Donc vous êtes dévié, hein. Mais pourquoi? Bah, parce qu'ils sont en train de faire la fête au milieu de l'autoroute. Voilà. Ah oui, non, complètement. Donc, du coup, Lara, ce qui est sûr, c'est que tu vas venir et on te donne rendez-vous demain à 21h sur Facebook. Mais qu'est-ce que je fais pas? Écoute, bah, viens, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure, quoi. Non, mais... Attends, il y a un truc. Il y a par exemple, il y a notre ami qui anime sur Nostalgie, Sébastien, ouais. qui vient de tourner, lui, et il nous a dit, j'ai mis exactement pour faire 100 km de tournée, un truc dans genre un peu plus loin de tournée, il m'a dit, j'ai mis 3h30. Ouais, non, c'est chaud, hein. Ouais. C'est le temps d'un Bruxelles-Paris. Mais du coup, moi, embouteillage. Peut-être, moi, ce que je conseille à Lara, c'est de recharger son téléphone et de rester avec nous à l'antenne toute la soirée. Ah ouais, bah tu as animé comme ça avec nous, à mon avis. Hein. Mais quoi, moi, du coup, ce que je conseille à Lara, c'est de donner son point du mot de la fin, comme ça, mais au mot de la fin, moi, je mets son point déjà. C'est ouais, vrai. Grave, c'est ça. Non, mais Lara, à mon avis, t'arriveras jamais à l'heure avec nous. Enfin, à l'heure déjà, c'est mort. Écoute, je vous tiens au courant, quoi. Je vous tiens au courant. Allez, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Alors, il y a Anthony qui nous dit éviter les autoroutes pour y aller, là. Elle doit passer par les petites routes. Ah oui, non, mais ça va prendre une plombe de plus aussi. Ah, hein. Mais non, on est dans la c'est qu'en fait, je me rends compte aussi que Waze, en fait, maintenant tout le monde utilise Waze. Donc tout le monde va dans le même endroit, c'est ridicule. C'est vrai, il fut une époque où personne l'utilisait, donc tu te sentais privilégié. Ouais, maintenant, au début, on était dans le turfu, maintenant laisse tomber, quoi, on est bloqué. Mais ça craint un petit peu parce que. Alors oui, parce qu'on nous dit comment l'autoroute est déviée. Non, l'autoroute n'est pas déviée, l'autoroute est fermée. Donc, ouais, c'est ça le problème. Donc c'est un peu galère. Ouais. J'essaie de regarder un petit peu sur Google Maps en temps réel, là je vais activer le trafic pour voir ça de plus près, mais... Et du coup, Lara, il y a quoi devant toi? T'as déjà vu des gilets jaunes ou pas? Et c'est mort, t'arrives à Oudaguni... Mais non, pas encore. Et vers la Louvière, c'est mort, hein. C'est la fin du game. Hein. Sérieux? Fin du game, non, mais laisse tomber. Mais non. Ah si, tu vas avoir une de ces déviations, ou alors tu vas repasser par Gosselies, Courcelles, Charleroi pour remonter. Et encore, quand tu repasses par Pontassel et que tu reviens sur la E19, elle est toujours fermée. Donc, Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Allez, je n'ai qu'une seule chose à dire. Au revoir. Au revoir. Ouais. Bonne merde, Lara, bonne merde. Allez, à tout à l'heure. Oui, à demain. Bisous. Ah ouais, c'est chaud. Allez, ça va être galère. En tout cas, vraiment courage à tous ceux qui sont bloqués actuellement sur certaines routes. là. Je sais qu'il y a une route près de Jodogne aussi qui est fermée. Faut le préciser quand même. Il y a vraiment quelques petites routes comme ça, des axes principaux. Mais en tout cas, la E19, tu vois. Ah ouais, c'est pas l'endroit où il y a le plus de passages en Belgique et elle est fermée. Donc, si vous êtes sur la route, vous n'êtes pas au courant, évitez, s'il vous plaît, la E19 Mons-Bruxelles ou alors Bruxelles-Paris parce que voilà, ça va être le boxon au niveau de Nivelles, dépasser Nivelles. Toi, ça va pour rentrer à la maison ou pour partir? J'ai dû prendre des routes pour dévier. Parce que t'habites à Nivelles, toi, Thibaut. Ouais, mais je devais aller chez ma copine et c'est à Arkane, c'est à la limite de Feluy. Du coup, j'ai dû prendre des petites routes pour faire. Pour éviter ça. Et il y a beaucoup de monde sur les petites routes? Non, sur les petites routes à l'heure à laquelle je pars, non, ça va. Mais bon, c'est le bordel sur les autoroutes. Ouais, c'est complètement. Ah bah, bon courage, franchement, bon courage à vous. Allez, ouais. Enfin, on va pouvoir parler avec Marie. Marie, est-ce que tu nous entends? Oui. Ah, ouais, Marie est dans la maison. Bon, Marie, comme t'es en voiture, fais quand même gaffe. Tu diriges pas vers Manage, la Louvière monstre. Mais je suis passager, de toute. Ah oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même relou, même quand t'es passager, d'être dans les emboutes. Hein. Marie, tu viens d'où, dis-nous? Je viens de Paris. De Paris, en France? Ah. Ok, très bien, merci pour le vent, super. Voilà. Perte de connexion. Marie. Allô, Marie. Oh, Marie. Oui. On ne t'entend pas. Oui, donc je disais avec beaucoup d'étonnement parce qu'il n'y a qu'un Paris en France. Ouais, mais on dirait que tu nous entends pas très bien en fait. Mais si, je vous entends bien. Ok, mais parce que je disais. En même temps, j'ai dit une connerie. J'ai dit quoi, Paris en France? Ah oui, mais oui, en France. Comment ça se fait, Marie, que tu écoutes l'émission? Parce que j'aime bien. Ah oh, bah ça fait plaisir, en tout cas, énergie.be. Alors, qu'est-ce que toi t'as déjà fait pour des thunes et tout, là? Pas très sympathique. Ah, moi, j'ai fait une bêtise à mes 15 ans. J'ai volé les bijoux de ma maman. Les bijoux de ta mère? Oui. Non, bah attends, mais c'est quoi cette éducation, là? Ouais, c'est les bijoux de sa mère. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Dans quel but? Il y avait un tout nouveau téléphone qui est sorti, je voulais trop l'avoir. Du coup, j'ai vendu ces bijoux à mes copines et j'ai acheté le téléphone. Hey, mais c'est trahison. Ouais. Attends, mais ta mère, elle est au courant ou pas? Elle a su après deux semaines, trois semaines. Parce qu'en même temps, elle m'a niqué. Ah, bah oui, bah ça. Tu voulais pas vendre les bijoux de famille de ton daron? Ouais, parce que ça aurait été mieux. Voilà. Bah non, je sais pas les couper. Capter le délire. Non, bah attends, c'est honteux quand même, voler des trucs à tes parents. Est-ce que vous avez déjà volé des trucs à vos parents? Je vais regarder Eddie, peut-être que ta mère écoute. Mais moi, j'ai jamais volé de l'argent à ma mère, mais parfois, je lui empruntais des pièces, tu vois. Bah, t'as volé, quoi. Mais je les remettais. Je fais toujours attention de remettre l'argent après, tu vois. C'est vrai, du complètement, coup, la même chose. Mais parce que je me sens trop mal, franchement, je le sens mal. Mon frère, ok, pas de problème, mais ma mère, c'est trop chaud. Ah, donc voler à ton frère, ça, y a pas de souci. Mais mon frère, il m'a sûrement déjà volé, sûrement. Ah, mais on se vole entre frères. Ouais, c'est normal, ça. Et toi, Thibaut, t'as déjà volé de l'argent à tes parents, toi? La vérité. Non, la vérité. Franchement, j'aurais trop mauvaise conscience. Déjà, jamais, à aucun moment, il y a eu un truc où t'as volé un truc, tu dis, allez, voilà. Non, franchement, non. Oh, quel garçon honnête. Ouais, il fait genre. Moi, il m'a volé 1,40€ qu'il m'a toujours pas rendu. Ah bon? Tu les auras. Ouais, il m'a toujours pas rendu 1,40€. Mais attends, parce que je me tourne vers Nigel maintenant. Nigel, j'ai peur de la réponse. Ah, frérot, tu connais? Ouais, non, oui, bien sûr. Je connais. Nigel, sérieusement, t'as fait ça à ton daron ou ta daronne? Non. À qui alors? Ça, ma grand-mère, wesh. T'as volé quoi, ta grand-mère? Ouais, j'ai volé de la thune, hein. Comme ça, sans pression. Ouais, j'ai pris sa carte bancaire, je suis parti en chicha au calme, j'ai allumé, j'ai fait genre le mec riche et au final, voilà, j'avais rien. Dis donc, voilà. Ok, t'inquiète pas, comme beaucoup de gens en boîte de nuit en même temps. Ouais, c'est ça. Et toi, t'as déjà volé quelque chose, toi? Oh, le malaise. Le problème, c'est que ma mère, elle m'écoute, tu vois, donc c'est. Ouais, c'est pas grave, là, elle va te dire, ah, c'est pas grave, bobo, tranquille. Alors, ouais, je l'ai fait, j'avoue, je l'ai fait. C'est pas cool. Quand j'étais petit, en fait, mes parents mettaient des. C'était en franc belge à l'époque, et ouais, parce que je suis vieux, j'ai 32 ans. Ah ouais. Elle a mis ils mettaient des pièces de 50, des 50 francs belges. Plus ou moins équivalent, je sais pas, moi, à 1,10€. Enfin, aujourd'hui, ça vaut. Avant, avec 50 francs, tu faisais beaucoup de choses. Hein. Ouais, tu faisais beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça vaut 20 centimes, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Et en gros, ils mettaient ça dans une sorte de grosse tirelire, et quand on devait aller à la piscine. Piscine de Molenbeek, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, ma piscine à l'époque. Il y a une je sais pas si elle est toujours là, il y avait une confiserie où tu pouvais acheter des bonbons. Elle est encore là. Elle est encore là, sérieux, putain, c'est énorme ça. Au premier étage, là, quand tu montes les escaliers. Ah putain, c'est énorme, mais ils avaient plein de trucs et tout. Et quand, tu sais, quand t'as nagé, on allait avec l'école et tout, t'avais trop faim, t'avais trop envie de sucre et tout. Et tous mes potes, voilà, gosses de riches, ils avaient plein de. Ils avaient des gros paquets et tout. Alors moi, le matin, une fois tous les deux mercredis, puisqu'on allait tous les deux mercredis à la piscine, je retournais cette grosse tirelière, j'attendais qu'il y ait des pièces qui tombent, je les prenais avec. Ah ouais. Mais comme il y avait tellement de pièces, je me suis dit, ouais, ça va passer inaperçu. Jusqu'au moment où, en fin d'année, je me me dis, bon, ça a quand même pas mal diminué, en fait, faudrait que j'arrête. Ah, et elle t'a cramé du coup ? Je ne sais pas, non, j'en ai jamais parlé. Donc ma mère, maman, je ne sais pas si t'es au courant que je l'ai fait. Donc si tu découvres ça dans l'émission, je suis désolé, voilà, je te rembourserai. Ouais, c'est ça. Bon, ça vaut plus que des clopinettes, hein, donc. en tout cas, on te remercie beaucoup, Marie, d'être passée à l'antenne, hein. Ah, je vous en prie. Quand ouais. tu veux, tu es la bienvenue. Mais par contre, pas cool, hein, cette histoire. J'espère que tu voles plus rien à ta mère maintenant. Hein. Non. Ouais, heureusement. Ouais. Le petit non, on l'a capté un petit peu. Non, je sais pas. Sauf la voiture. Non, maintenant, je vole que son god. Oh putain, c'est dégueulasse. Je vole jamais un god de ma mère. Ouais, bon, il est un peu tôt, hein, 21h25. Je peux pas faire le rabat-joie, mais. Ça parle de god et tout. Non, son god, genre son dieu. Ah oui, voilà, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah, le rattrapage. Bisous, Marie, à bientôt, hein. Au revoir. Au revoir. Allez, bye bye. On va parler avec Denis dans quelques instants, mais d'abord voici Jason Derulo. Yeah. Avec Goodbye sur Energy. Ah, Vince, Will et Violette, on a tous fait prendre 50 centimes ou 1 euro dans le porte-monnaie des parents. Ouais, mais quand t'as fait ça 10 fois, c'est pas cool. 100 fois, encore moins cool. Bienvenue sur NRJ, on est en direct. Hein. Ta WhatsApp, bah, ça tombe bien. Vince aussi. Eh ouais. 0492 222 002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Bah, bien sûr. Later, bitches. Non, mais comme si j'allais enregistrer l'émission, vous aussi. 21h28, on est en direct, on est en live. Merci les amis, merci d'être là. Il y a Nigel qui est dans la maison. Oh, c'est gentil, merci. Puis il y a Nigel aussi, il y a Eddie, il y a Thibaut. Et j'ai vraiment une très grosse pensée. Très grosse pensée pour Lara. Ouais, big up. Qui a improvisé un départ à Paris parce qu'elle a voulu partir à Paris aujourd'hui. Ouais. Je sais pas ce qu'il se passe avec cette ville, il y a tout le monde de cette émission qui part là-bas. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est pas. Je sais pas moi, à Villevorde. Pourquoi c'est pas en Anvers ? À Arlon ? Non, à Paris. Lara est partie à Paris. Tu sais pourquoi on va là-bas ? Pourquoi ? Parce que quand on revient en Belgique après, on aime la Belgique. Ouais, parce qu'on on retrouve les bonnes valeurs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et ça, c'est positif. Et donc Lara, sur la route du retour, m'appelle, me dit : bon, écoute, il y a eu des embouteillages et tout. Je fais : ouais, mais je pense que l'embouteillage de ta vie t'attend devant. Quoi ? Pourquoi ? Je lui dis au téléphone : bah, les gilets jaunes et grosse pensée pour Lara qui actuellement a certainement dû quitter la fameuse E19, une des autoroutes les plus empruntées d'Europe, puisqu'il y a le Portugal, l'Espagne, tous les pays du sud de l'Europe qui y passent pour aller jusqu'aux Pays-Bas et jusqu'au Danemark et le nord de l'Allemagne. Une des autoroutes, une des routes les plus prisées. C'est de dire les trous qu'il y a sur cette route quand même. Ouais. E19 Mons, pour ceux qui connaissent, Il y a des nids de poules, mais en plus fini, on dirait le Grand Canyon des États-Unis, tu vois. Ah non, mais il y a tellement de trous qu'au final, à un moment, tu peux tomber et plus revenir, tu vois. Mais vraiment, c'est ça. C'est un cratère. C'est des cratères qu'il y a sur la E19. Et vraiment, respect, parce que voilà, du coup, elle a été fermée par les Gilets jaunes. Ouais. Qui militent, qui manifestent, qui sont pas contents. Plein de gens se joignent au mouvement, d'autres le quittent. Ça dépend un petit peu. Ça dépend comment ils le quittent. Ouais, voilà, oui. C'est-à-dire ? Ils le quittent en fourgon de police ? Oui, certains, ouais. D'autres non, d'autres, c'est genre, bon, bah flemme, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule. Un jour au travail, c'est de la merde, votre voilà, truc. Genre, ou alors d'autres, les, bon, il y a mon patron qui m'a appelé, je dois y aller. Bah, deux, trois jours, je peux plus, et tout ça. Eh ben, Lara est coincée dans des embouteillages. Elle ne sera certainement pas là pour l'émission, à mon avis. Et si elle est vraiment là, c'est un miracle. Ouais, c'est que sa caisse est transformée en hélicoptère ou un truc dans le genre. Hein. Elle sera là pour le mot de la fin, je pense. Ouais, c'est ça. Elle sera là pour le 6-9 sur NRJ. T'imagines le truc, là. Non, mais voilà, franchement, on l'encourage. On a Kevin qui est là dans le standard. Là. Salut, Kevin. Oui, bonjour. Ouais, bonjour Kevin est dans la maison. Merci, les gars, merci. On a Energy. Bah, ça va, mon pote, tranquille, Kevin. Toi, t'as réagi là sur le WhatsApp parce qu'on était en train de parler. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour des thunes? Et puis, ça a dévié, on est parti. Qu'est-ce que vous avez déjà un peu volé et tout ça? Et toi, ton côté, Kevin, qu'est-ce que t'as déjà volé? Eh ben, j'avais 14 ans, j'ai volé une voiture, malheureusement. Oh putain, il s'est pris pour Nico Bellic. J'ai volé une voiture, bah ouais. Aïe, aïe, aïe. La pire connerie, mais bon, attends, l'histoire, en fait, ma soeur m'a appelé, je suis un gros flemmard, hein, moi. Ouais, ouais. Donc, elle Michael Tony. Voilà. Franklin. Trevor. J'étais à 3 km, elle m'appelle, mais viens me chercher. Pas envie de marcher, ben, il y a la voiture de ma voisine. Donc c'est même pas loin, c'est vraiment la voiture de ma voisine et on l'a embarqué. On est parti. Oula, attendez, une coupure là, Kevin. Ouais. Donc tu disais quoi? T'as embarqué la voiture de ta voisine? Ouais, la voiture de ma voisine. Mais comment t'as fait? Je vais pas dire la marque. Non, mais comment t'as fait, genre? Au câble. On a pété le câble qui tournait d'abord la porte. Ouais, en fait, la porte de cette voiture-là se plie facilement. Et puis on a pété le câble guidon au câble. Connaisseur! Ah oui! Attends, excuse-moi, est-ce que c'était pas une Twingo? Non, c'était une Ford Escort. Une Ford Escort? Putain, ça se fait avec des Ford Escort, faut faire attention, hein! Une Ford Escort, mais elle n'est jamais arrivée à l'école en fait. On a pris le premier pont, un peu jeune et con, on l'a pris au premier piquet, je vais dire. Non, vous avez craché la caisse en plus de l'avoir volée? Mais non! Ouais, on l'a craché, ouais. Et ben on s'est fait arrêter, hein, ça, il faut bien. Faut bien le savoir aussi. Hein. Ah bah, à un moment donné, il faut bien payer aussi. C'est ça. Ouais. Eh ben, attends, parce que c'est quand même un truc de ouf, Kevin. Je suis choqué de savoir que t'as réussi à voler. Enfin, t'as réussi. C'est pas cool ce que t'as fait, mais. Non, c'est clair. Attends. On va l'approfondir dans quelques instants, là. On va accueillir Marco aussi après. Denis qui voulait raconter son truc, mais c'est dingue. Dites-nous si vous avez déjà fait un truc de ouf comme ça. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de ouf à ce niveau-là? Voilà. Visiblement, Kevin, il a volé une voiture pour faire quelques kilomètres. Putain, et puis se cracher. C'est un malade. Mais lui aussi, il vole une voiture, il a pas de permis. Ouais, j'adore, quelqu'un me dit Vince, t'as dit Michael Tony, est-ce que c'est en référence à GTA? Mais oui, bien sûr, puisque le mec s'est cru dans GTA. Allez, on arrive tout de suite sur NRJ, welcome. Téléchargez maintenant l'appli NRJ Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. NRJ pour le sport, NRJ Nouveauté, NRJ Relax et beaucoup d'autres comme NRJ Hit 90. Je suis place de trêve qui pique ton cœur. Caro, place de trêve qui pique ton cœur. I'm a scared man. Revisitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique NRJ Hit 90 sur l'appli NRJ Belgique et sur NRJ.be. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't come to too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the block. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timing. And I don't wanna be so. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Et bienvenue dans ton émission préférée là sur Énergie. Tranquillou, on est là, là les amis. Et puis ce soir, n'oubliez pas, on a des jeux vidéo à vous offrir, des jeux sur PS4. À savoir qu'on a du Fallout 76, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Call of, le Black Ops 4 là. Et également Hitman 2. Merci à Gamelord qui nous offre ça là. www.game-lord.com. D'ailleurs, un site que je vous invite à aller visiter, puisque là-bas, en fait, vous avez l'occasion de passer des petites annonces gratuitement si vous voulez revendre vos jeux et tout ça. Ils sont spécialisés en jeux vidéo et même d'occasion. C'est ça qui est cool, le rétro gaming. Tout ce qui est geek, gamer, goodies, cosplay, et ben faites-vous plaisir, ça se passe là-bas les amis. D'ailleurs ce soir, on va vous offrir un de ces jeux. Si jamais vous le voulez, après vous choisissez lequel vous le désirez. Il suffit de nous envoyer Énergie avec le nom du jeu que vous voulez au 78. Voilà. Et tout à l'heure dans l'émission, on va prendre quelqu'un tranquillou là, donc ouais. Énergie avec le jeu que vous voulez au 78. C'est 1€ par message envoyé et reçu. Je vous rappelle la liste, il y a Fallout 76 qui vient de sortir, Red Dead Redemption 2 qui est actuellement mon jeu préféré et j'en suis toujours qu'à 12% depuis que je l'ai commencé. Sérieux? Ouais, non mais j'arrête pas de tourner en rond, je fais quelques missions mais il est génial. Mais comment tu peux être qu'à 12%? Non, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de machins et que je vais à mon aise et voilà. Et puis surtout maintenant, bah, tu sais, c'est pas genre le voyage rapide. Enfin, tu peux faire voyage rapide mais tu peux le faire que d'un point. Ah oui, donc okay. En fait le voyage rapide un peu des couilles tu vois et c'est méga long comme jeu. Je crois qu'à mon avis je vais mettre un an pour le finir quoi. Sérieux? Tu ouais, penses? Ouais certainement. Et donc il y a Red Dead Redemption 2, Fallout, Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty ou alors Hitman 2, vous choisissez Énergie, espace, le nom du jeu au 78, 1€ par participation les amis. Tout de suite on va se faire Marshmello avec Happier. Et alors j'ai plein de messages qui arrivent. Lara elle est pas avec nous pour ceux qui ne savent pas pourquoi. Bah parce qu'elle est actuellement coincée dans le 19 a été fermé dans les deux sens à cause de, bah, des gilets jaunes. Ouais, c'est ça, ouais. Ou grâce aux gilets jaunes, hein, l'avenir nous le dira. Et donc, du coup, la situation, c'est qu'elle a une déviation pas possible. À mon avis, je doute qu'elle arrive avant 23h et peut-être qu'elle sera là pour le 6-9 sur Énergie. Donc, déjà, ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'elle sera là à genre 5h30, genre 30 minutes avant le 6-9. Ouais, grave, du matin. Normalement, ici, elle vient à genre 20h59 pour nous. Et là, ce sera genre 30 minutes avant le 6-9. Ouais, c'est ça. On l'aura pas. Et alors, du coup, j'ai plein de messages qui arrivent. On me dit, Vince, 350 policiers sont attendus. Ça, elle va se plaire, Lara. Là. Et quelqu'un nous dit, Vince, un débat sur les ovnis, ce serait cool. On en parlera dans une émission, une de ces quatre. Il n'y a pas de problème. On m'appelle l'ovni. Entre temps, voici Marshmello sur Énergie avec Happier. Je vous rappelle, on a le PPG déconné avec Marco qu'on va lancer dans quelques instants. Ça va, Marco? Ouais, ça va. Marco est dans la maison! On est dans la maison! Marco, on va téléphoner à Juliette, on va lui faire une blague, on va faire croire que t'as déconné. T'es prêt? Ouais, je suis tout à fait prêt. C'est dans quelques instants. Bienvenue, let's go. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So bienvenue tout le monde. Le soir, dès 21h. She said, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Ouais, Vince est dans la maison. Et vous aussi d'ailleurs. Putain, je suis tombé sur une info, je suis pété de rire. Il y a la police néerlandaise qui a découvert cette semaine 350 000 euros dans une machine à laver dans une habitation d'Amsterdam. Et un suspect de 24 ans a été interpellé et inculpé pour blanchiment d'argent. Tu crois qu'ils ont fait exprès quand ils ont écrit leur titre là tu crois qu'il a mis du vanille dedans? Je sais pas. T'imagines le mec qui s'est dit oh, j'ai 350 000 euros, je dois le légaliser, je vais le mettre dans la machine à laver pour le blanchir. Putain, mais oui. Non, mais c'est dans la fin. C'est-à-dire que le mec a caché soit ses thunes, tu vois, il a juste caché ses thunes. Je crois pas qu'il a volontairement fait pour blanchir son argent. Mais c'est quand même énorme comme truc, tu vois. J'ai dit ça, je comprends pas. Nous avons retrouvé 350 000 euros dans une machine à laver avec un sac vaniche à côté. Avec du Ariel qui n'a plus blanc que blanc pour que votre argent soit légalisé. L'argent semble encore mouillé pendant son interpellation. Complètement. Non, mais c'est ouf, franchement, ça me tue, moi, les trucs qu'on m'envoie. Putain, là. Mais c'est un truc de ouf, ça. Mais tellement. En tout cas, il y a plein de messages qui arrivent là ce soir. Merci à vous d'être connectés. Il y a Diego, là, il y a Nathan aussi. Il y a Kylian, Vince, si Lara chante une chanson aux gilets jaunes, peut-être que ça débloquera les embouteillages, non? Ah, c'est possible, hein, je sais pas, ou alors ils vont la garder pour elle, genre, hey, Cunégonde, continue à chanter une chanson pour qu'on on manifeste. Putain, mais c'est chaud, hein, franchement, force à vous. Ouais, non, mais vraiment, plus dans le froid, là. Ouais. Pas évident du tout. Bon, récupère Kevin rapidement, là, avant de lancer Marco. Kevin, est-ce que tu nous reçois toujours 5 sur 5? Ouais, je Kevin est dans la maison. Kevin, t'as quel âge maintenant? J'ai 24 ans. Ah, d'accord, et donc c'était il y a 10 ans que t'as fait cette histoire alors? Ouais, 10 ans. Ouais. Voilà. 14 ans, bah, oui. Donc je vous rappelle pour les auditeurs qui viennent d'arriver, Kevin, quand il a eu 14 ans, il devait simplement faire 3 km pour aller chercher un truc ou je sais plus très bien, c'est ça? Ta soeur, ouais. Tu devais déposer ta soeur, c'est ça? Hein non, aller la chercher à l'école. Aller la chercher à l'école. Et le mec, je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là. Et oui. Kevin a volé la voiture de sa voisine. Et il a crashé 3 km plus loin. Oh, oui, même pas. Chaud. Même pas. Mais alors, Kevin, t'avais pas de permis, on est d'accord? Non, j'avais pas de permis. Alors, déjà, il y a des auditeurs, ils m'ont envoyé sur WhatsApp, mais comment est-ce que t'as fait pour ouvrir la voiture? Comment tu savais que tu pouvais ouvrir la voiture comme ça? Bah, en fait, c'est la maladie de Ford Escort. Ouais, je vais pas tout dire, quoi. Mais sinon, tu mets ton genou au milieu et tu plies la porte et tu rentres. D'accord, si Ford nous écoute, changez votre système, les gars, parce qu'à mon avis, ça va se savoir. Donc, en fait, c'est ça, c'est facile de rentrer dans une Ford Escort, c'est ça que tu dis, quoi. Ouais, enfin, c'était facile à crever. Enfin, c'était les vieilles, y a pas les nouvelles. Oui, voilà, à l'époque. Non, mais avant, c'était facile de rentrer dans les Citroën AX, dans les Xara, dans les Twingo, même dans ma Smart, puisqu'on m'a un jour volé plein de matos. Ah ouais, l'été dernier. Ah merde, bon, heureusement. Putain. Ah ouais, non, mais là, c'est. Aujourd'hui, si sans faire poids lourd et tout, si les personnes m'écoutent, je m'en excuse encore. Oui, non mais t'inquiète pas, voilà, je veux dire, il y a prescription, t'as fait tes conneries et t'as payé. J'ai assumé, j'ai payé. Voilà, t'as payé ce que tu devais à la société. Maintenant, c'est quand même ouf. Et là, dis quoi la voisine quand tu l'as croisée? Parce qu'après, du coup, c'est difficile, c'est ta voisine, tu la croises tous les jours. Ouais, non, mais ça s'est mal passé au bureau de police. Je l'ai menacée encore par après, donc. Toi, une grande gueule. Toi, tu l'as menacée? Ouais. Ah oui, mais bizarre. Bravo, bah Kevin. Il menace des gens qui veulent. Ouais. Bah, j'avais des mauvaises fréquentations à Molenbeek, désolé. Ça y est, je le vois. Encore une fois, c'est Molenbeek. Allez, arrête. Allez, voilà. Et c'est reparti. Ça retombe encore sur la gueule à Molenbeek, mais c'est incroyable. Mais non, Kevin. Mais Kevin, attends, tu peux venir de je sais pas, de Villers-la-Ville, si tu côtoies des mauvaises personnes. Non, je viens de Fosse-la-Ville, mais sinon. J'avais des mauvaises fréquentations, honnêtement. Voilà, non, mais tu sais, des mauvaises fréquentations, tu peux l'avoir dans mon quartier. Voilà, dans n'importe quelle grosse ville, tu peux avoir des mauvaises fréquentations, même à la campagne. Je peux t'assurer que dans ma campagne, là, il n'y a pas de mauvaises fréquentations, il n'y a personne. Il n'y a que des vaches en même temps. Il n'y a que des vaches. Ouais, tu te fais agresser par les vaches. T'imagines, elle te coince. Donne-moi mon herbe. Alors, Vince, réfléchis, comment peut-il avoir de permis à 14 ans? Non, mais c'est ce qu'il a dit, il n'avait pas de permis en fait. Ah non, j'avais pas de permis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est vrai, en même temps, je suis con. Bien joué, c'est Michel. Fort, c'est vrai que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, donc t'avais pas de permis. Bah, bien sûr. Non, du tout, pas de permis. On n'est pas aux States. Bien joué, Michel. T'as raison, j'étais super con pour le coup, là. Salut à Geoffrey qui est là. Au revoir. Non, mais en tout cas, voilà, t'as payé ta dette, t'as fait ce qu'il fallait. Tranquillou. C'est sûr. Non, mais t'es pas le seul. Hein. Je peux dire bonjour à mon équipe, ceux qui roulaient avec moi ou quoi. Vas-y. Ouais, donc je remets un bonjour à toute l'équipe sereine. C'est ce qu'on est trop, une écoute. Donc, message. Logan surtout. Logan, il sait direct. Ah bah parfait, donc, voilà. Bisous Logan. Et continuez, vous tuez, honnêtement, vous tuez, continuez. Ouais, merci, c'est gentil, c'est bizarre de dire vous tuez, tu vois. Non, mais vous cartonnez. Si bon, préfères. On a compris, après, t'inquiète pas. Après, il va encore dire, ouais, mais j'avais de mauvaises fréquentations, Vince. C'est ça. T'imagines, il y a une mamie, elle écoute l'émission, elle nous connaît pas, elle fait, je savais bien que ce Vince et ce Nigel avaient des possibilités de commettre des meurtres. Ouais. Ça sent qu'ils viennent dans la rue. C'est plus le temps. Bon, en tout cas, merci à toi, Kevin. Hein. Ah ben, grand merci à vous et continuez ainsi, hein, ça va. Merci, allez, au revoir. Et merci, au revoir. Bon, Marco est là. Marco, est-ce que t'es prêt pour nous enjailler? Ouais, je suis là, Vince, je suis chaud. T'es prêt pour mettre du piment dans ton couple? Ah ouais, là, je pense que je vais peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave. Pire que ça, à mon avis, elle va te plaquer. Ouais, à mon avis, ouais. Parce que, Marco, t'as sorti l'artillerie lourde, là, pour ta blague, hein. Mais le pire, c'est qu'en fait, la fille, donc Marie en question, j'ai vraiment une sorte de relation avec. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, je pense que, voilà. Alors, attention, il faut préciser aux auditeurs qui est Marie. Ouais, c'est qui? Alors, Marie, c'est une amie à moi. J'ai essayé de sortir avec elle avant, justement, Juliette. Et elle est où, cette Marie? De quoi? Elle est où? Là, elle est avec moi, en plus. En fait, je suis avec elle. Grosse dédicace à Marco, le mec qui prend vraiment beaucoup de dangers. L'homme qui prenait sa meuf pour une conne. L'homme qui était polygame sans le vouloir. L'homme qui ce soir va finir sur Mythic et Tinder. Même si on annonce une blague à la radio, ce n'est pas une blague. Marco qui veut faire croire qu'il fait le bébé chez déconner, mais le pire c'est qu'il est vraiment en train de déconner. Marco, t'es actuellement avec une meuf avec qui tu envisageais de sortir, qui s'appelle Marie, et tu es avec elle en ce moment, c'est bien ça? Voilà, elle est là avec moi, et bien habillée en plus. Mais putain, oui. Mais ce mec, bah, on a un champion. Ah bravo! Alors je voudrais votre réaction sur le WhatsApp, je voudrais savoir ce que vous en pensez, mais là... Là, ça va loin, là. Mais il est fou. Alors, bisous à Lola qui est connectée. Est-ce que je suis là, Lola? Oui, Lola, t'inquiète pas, envoie tes messages. Alors, attention. Bon, Marco, est-ce que ta copine, qui s'appelle Juliette, donc, ça fait combien de temps déjà que t'es avec elle? Ça va faire 1 an et 4 mois. Déjà, félicitations pour tes 1 an et 4 mois. Alors, est-ce qu'elle est déjà au courant que tu aimais bien la Marie en question, qui est ta pote, avec qui tu es là en ce moment dans la voiture ou quelque part, je ne sais pas? Alors là, on est en ville devant un bar, on prend un verre tous les deux en plus. Oh, putain. Mais elle est, en fait, c'est compliqué parce qu'elle est au courant, elle sait que j'ai essayé, etc. Et elle est assez jalouse d'ailleurs de la relation qu'on a, Marie et moi. Mais donc elle accepte que tu sois encore amie avec une fille avec qui tu envisageais de sortir? Ben donc je vais pas, enfin disons que je vais pas vraiment laisser le choix entre guillemets. Enfin je lui dis écoute, c'est une amie, c'est fini, etc. Maintenant elle a remarqué en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une soirée d'Halloween ensemble. et je me suis retrouvé seul avec Marie et on a eu voilà des échanges de regards, etc. C'est et Juliette t'as pas aimé quoi. Mais Marco, mais c'est normal que Juliette n'ait pas aimé. Ah non. Attends, tu sais quoi, je vais te dire un truc, je suis très sérieux avec toi Marco. Si j'ose dire à ma meuf genre tiens écoute c'est comme ça, tu dois accepter que j'ai une relation avec une fille qui est une amie et cette amie là j'ai voulu sortir avec, je te jure elle me plaque, elle me pète, elle me balaye et appareil photo dans la tête, encore t'es gentil, elle prend le Mac, elle me jette dans la gueule. Ah, ouais. Et au-delà du balayage, du balayage, elle va chercher la meuf et elle pète la meuf aussi, tu vois. Ouais, à mon avis, voilà, c'est ce qui a failli arriver. Mais en fait, le pire, en fait, c'est qu'elles se connaissent depuis qu'elles ont 8 ans. Donc, elles sont. Et en plus, elles se connaissent. Après, d'accord, mais. Elles se connaissent. C'est des amis d'enfants. Non, mais lui, c'est un sketch. Mais j'ai une question pour Marco. Est-ce que ta vie est trop longue? Moi, je dis, voilà, il n'y a pas de petit profit. On prend ce qu'on peut. Hein. Oui, non, mais attends, Marco. Là, on doit être honnête. C'est-à-dire que là, on va faire une blague à Juliette. Tu vas faire un bébé, j'ai déconné. Genre, tu vas faire croire qu'il y a eu quelque chose avec la Marie en question. Donc, ton amie avec qui t'as voulu sortir par le passé. Eh, frère. Mais voilà. Si t'avais l'occasion, est-ce que tu sauterais sur le. Tu ferais quelque chose avec elle ou pas? Avec la Marie? Oui. Ah, ouais, pourquoi pas? Oh, putain, oh mais non! Bah, oh mon dieu! 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4! Attends, mais ouais. Marco! Est-ce que la Marie en question qui est à côté de toi, est-ce qu'elle a entendu ça? Je pense qu'elle l'a. Non, je ne crois pas. D'accord, ok, très bien. Alors, je voudrais savoir un truc. Est-ce qu'elle veut sortir avec toi, Marie, ou vraiment la relation de pote, vous l'avez là? Mais j'ai essayé au début, elle m'a mis un stop, donc je pense que pour nous, ça mènerait à rien. Maintenant, ce que je dis, on voit souvent des verres ensemble. Ouais, du coup, attends. Mais en fait, c'est toujours sur deux catégories, là. Mais en fait, juste ce qu'il veut clairement nous dire, c'est qu'il est en train de la ken alors qu'il est en couple. Bah oui. Est-ce que c'est ça, Marco? De quoi? T'as une histoire avec Marie, là, c'est pas possible. Bah, je sais pas s'il y a une histoire, mais c'est juste une très bonne amie à moi. Et mais tu voilà, ken avec Marie. Marco, si t'avais l'occasion, là, maintenant, de sortir avec Marie, est-ce que tu l'accepterais ou pas? Ça se réfléchit. Oh putain, mais attends, excusez-moi, j'enlève mon casque. Je ne comprends plus le monde entier, je ne comprends plus cette terre. Je vais pisser. Non, mais je me casse. Excusez-moi, Non, mais la tête, toi. Je ne sais pas quoi dire. Eddy, vas-y. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que sinon, on a un autre jeu qui s'appelle la Friend Zone. Tu pouvais la faire avec Marie alors. Il y a peut-être moyen, frérot. Non, que non, là, mais j'abandonne vraiment ce studio, hein, c'est pas une blague. Elle, mais en plus, il se barre vraiment. Non, mais attends. Attends, juste pour voir Marco. La oui. Meuf, t'as déjà ken avec elle ou pas? Non, il y a rien eu. Rien eu, même pas de préliminaire, rien du tout. Il y a pas eu de préliminaire, mais j'ai juste une fois essayé de l'embrasser et ça n'a mené à rien. Mais tout n'est pas perdu. Mais enfin, donc, je veux dire, on est devenus amis et tout ça, mais il y a toujours eu une espèce de, je sais pas, de lien un peu bizarre que Juliette avait déjà vu. Et elle m'avait déjà fait la remarque en disant, ouais, vous êtes particulier, vous partagez un truc qu'on n'a pas tous les deux. Mais ouais, gros, mais ça c'est chaud parce que tu peux pas partager. Juste une amie, mais non, mais gros, si ta meuf elle te fait comprendre que tu peux pas, enfin, que vous partagez un truc bizarre entre vous et que tu partages pas ça avec elle, c'est un peu bizarre, non? Excusez-moi, je suis parti chercher. Je m'étais dit aussi, mais voilà, je sais pas ce qui se passe. Putain, mes frères, là. Sans PLS, je suis parti chercher de l'eau parce que je te jure, je suis sous le choc. J'ai jamais, dans toute l'histoire de la radio, dans toute l'histoire de mes émissions, j'ai jamais entendu un mec qui, sans pression, veut passer à l'antenne faire une blague à sa meuf en faisant un bébé j'ai déconné qui, de base, est un canular. C'est faire croire à sa meuf qu'il est en train de déconner. Sauf que le mec, il est vraiment en train de déconner, c'est ça le pire. Il nous dit sans pression, non, mais moi, oui, je crois que si je peux avoir une histoire avec mon ami là maintenant, je le ferai. Et sa meuf là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Excuse-moi, je bois de l'eau parce que je suis choqué. Tu sais que là, en plus, ça fait 7 minutes qu'il est en train de nous raconter cette histoire. On a toujours pas lancé la blague. Ouais, mais... je suis sûr que le canular, il va durer 5 minutes. Non, mais je voudrais l'avis des auditeurs là-dessus. Envoyez-moi des notes vocales, je voudrais votre avis parce que là, je sais pas quoi penser là. Il est fou, hein. Franchement, champion, mais putain, tu prends des risques, hein, gamin. Non, mais complètement. Kevin, il nous dit quoi, Kevin? On a un message de une petite seconde là qui est arrivé là. Alors, moi, le menteur vivant, je crois. Ah, ben complètement, mais moi, donc, alors, Laurent. Et hey Marco, toi tu joues à la roulette russe avec une Kalachnikov. Vince, désolé pour vous déranger, mais c'est à cause de ce genre de connard que ma copine m'a largué. Ah bah voilà. Oh, fragile. Mais non, mais attends, non. Sérieusement, ça peut. Mais. perturber des demoiselles, quoi. Surtout quand le mec, sans pression, ah non, mais oui, bien sûr, je crois que si j'avais l'occasion de sortir avec mon ami là, je sortirais avec elle. Non, mais sa meuf, elle avait juste trouvé une excuse, elle voulait juste pas être avec lui. Non, mais c'est pas aussi simple, hein. Je veux dire, si j'avais pas eu Juliette, je serais sorti avec elle depuis. Putain, mais c'est horrible! Mais c'est horrible! Mais c'est pire! J'avais pas eu ma relation. Oh putain, je suis choqué! Attends, on voit plein de notes vocales, 0492 222 002. Je voudrais la vie des demoiselles là-dedans. Marie, elle l'a michto sûrement. Hein. Bah, peut-être, je sais pas, puisque Marie, on n'a pas eu son avis là derrière. Hein. Romain. Ouais. C'est un fils de chien. Elle a les coups d'énergie et qu'il vient déjà de se faire griller, quoi. Bah, peut-être, hein, c'est possible. Hein. On nous dit quoi d'autre encore? Moi, je pense plutôt que c'est un petit branleur et que. Au final, il va se faire plaquer par les deux. Ben, je ne sais pas, on va voir. J'espère hein. Pour lui. Alors, on nous dit vive le respect pour Juliette. Bon, alors, maintenant, nous, on est face à une situation. Est-ce qu'on fait ce bébé gilet collé ou pas? Mais clairement, c'est quelle vanne, toi. Je sais, d'adulte, tu t'en fous, toi. Mais c'est bon, il s'appelle pas Roméo, hein, ça colle pas avec Juliette, allez, c'est parti. Alors, Émilie, elle en pense quoi, Émilie, tiens? Moi, je lui coupe la bite. Bon, Marco. Oui. On va. Le temps que je respire, le temps que je bois un peu d'eau, parce que. Je te jure que mon cerveau n'a pas compris ce qui s'est passé là. Je suis choqué comme toi. On va se faire l'Algerino avec Va Bene, là, tranquille, Taxi 5. Le film le plus bizarre que j'ai pu voir. Non mais vraiment, pas aussi bizarre que Marco. Donc je vous répète, pour ceux qui viennent d'arriver sur Énergie, les amis, Marco, il veut faire une blague à sa meuf qui s'appelle Juliette. Il veut lui faire un bébé gilet déconné, genre faire croire qu'il est actuellement en train de déconner avec une autre demoiselle dont Juliette a de la jalousie, qu'elle connaît depuis longtemps, qui n'est autre que l'amie de Marco. Cette amie de Marco qui s'appelle Marie, avec qui il a voulu sortir par le passé, et qui vient nous dire « Ah, mais si j'avais l'occasion là maintenant de sortir avec elle, je le ferais », et qui nous a carrément même dit, en allant beaucoup plus loin, « Ah, mais s'il n'y avait pas eu Juliette, je serais sorti... » Non, s'il n'y avait pas eu Marie, je serais... ouais, si ça, Marie ouais. M'avait dit oui, je ne serais pas sorti avec Juliette, quoi. Enfin, ouais. Donc, du coup, on se demande si on fait la blague ou pas, on voudrait votre avis. Nigel, je connais ton avis, toi tu t'en fous, tu veux le faire. Ah, moi c'est l'avis des auditeurs, dites oui les gars. Il en pense quoi, il dit Et ce soir, ça va savoir, bonsoir. Bah, très bien, ça veut dire qu'on va le faire. Et il en pense quoi alors, Thibaut D'office qu'on le fait. Hein. Vous êtes vraiment une bande d'enfoirés, c'est incroyable. Hein. Il manque Lara dans cette émission pour avoir un peu de bon sens. Et bien sûr, comme on est dans une démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, donc on va le faire. Hein. Ouais. Oh mon dieu, je vends mon âme au diable. Comme une actrice, m'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, Martavé devant la vie. Tu veux la marier, mais faut les billets. Cagoule et gantée, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui, va venir ma belle là. Tu as marché dans ma favela. J'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, la star wake of army. Ah ouais, ah ouais. Cause tout de suite en hélico. Marseille, c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée. Les petits chez moi les font cavaler. Lamborghini Gallardo. J'bois une petite Mantaro. Ah, tu m'as vu à la télé. Gianni Versace, tu me reconnais, ma chérie. J'suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil. Quand t'es chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah oui, ah oui, va venir ma belle là. Tu as marché dans ma favela. La, la, la, la. Va venir ma belle là. Je la fais danser la macarena. Elle est pleine de manie. Elle fait la difficile, je suis loin d'être fragile. Je suis calé dans le club, mon pote, je me finis. Et vas-y, lâche une blonde, la star wake of army. Ah oui, ah oui, je suis posé seul en terrasse. Le cousin lève le témoin. Je crois que je vais finir en ferrage. Tu rends fou le compte de ta race. HLM au bord de la mer. Tu es en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux minots? Sont tous devenus parano. Ma chérie, je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah oui, ah oui, va venir ma belle là. Tu es à Marseille dans ma famille. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, that's how we go for me. Ah ouais, ah ouais. Va venir ma belle là. langue dit. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey Vince, bon, Vince dans ses pensées là. Vince est perdu. Je me parle de troisième personne tellement je suis niqué du cerveau là. Donc, alors là, je ne comprends plus rien de ce qui se passe dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est tout. Bienvenue à vous. Il est 22h. On est en direct, comme tous les soirs, 21h jusqu'à minuit du lundi au vendredi. Il y a Thibaut qui est dans la maison. Il y a Eddy également qui est là. Ils sont au standard, les amis. 0800 23456, si jamais vous voulez les appeler. Et puis, check aussi vos messages que vous envoyez sur le WhatsApp, comme Lucas qui me dit dédicace à Moussa, les 3QC et 3QC et Lucas. Bah, toi, Lucas, bien sûr. Message bien passé. J'ai reçu tellement de messages qui arrivent dans tous les sens là ce soir, notamment sur le WhatsApp, concernant notre ami Marco qu'on récupère. Je précise, il y a aussi Nigel qui est là. Attention, Nigel, ouais. Le Tog. Salut. Alors, Marco, est-ce que tu me reçois? Ouais, je te reçois. Ok, Marco, je te jure, depuis là tout à l'heure, tu cries une effervescence sur le WhatsApp. T'as pas idée à quel point. C'est un truc de ouf. Ah, bah, ok. Ah, ah ouais. Mais là, mon pote. Maintenant qu'il est 22h, je peux le dire, t'es vraiment un petit enculé. Hein. Ah, ouais, ça y est, 22h, on peut se lâcher. Ah, tu sais bon, quoi ouais. C'est vraiment du jamais vu. Mais c'est pas une blague, hein. C'est du jamais vu. Les messages qui arrivent, on a un peu de tout, là. Alors, ça va, les gens sont pas en train de te massacrer, mais ils sont en train de dire, mais c'est incroyable ce qui se passe dans l'émission. Dédicace à mon petit pingouin, le message est bien passé, tiens. Alors, il y a Wayline qui est très fâché, hein. Enculé de connard, qu'elle a écrit, qu'on lui coupe la teub, et il arrête dans les gilets jaunes, big pensée à elle. Ouais, complètement, là, salut, la pauvre. En fait, c'est plus clair, les gilets jaunes. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, elle ne nous dit pas, mais elle manifeste dans les délires, là. J'ai dû partir, comment s'est passé le canular? On l'a pas encore fait. Alors, Marco, on l'a pas encore fait pour une raison très simple. Marco, je récapitule pour les auditeurs qui viennent d'arriver sur Énergie, parce que dans quelques instants, on va te lancer justement dans ce fameux bébé gilet collé. Marco, il passe à l'antenne pour faire une blague à sa meuf. La blague à sa meuf, c'est pour dire, voilà, actuellement, je suis avec une meuf que t'aimes pas. Ouais. Ce qui est vraiment le cas, on est bien d'accord, Marco? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, cette meuf que sa copine Juliette n'aime pas, qui est actuellement réellement avec elle, s'appelle Marie. Marie, c'est l'amie à Marco depuis très longtemps, et Marco a voulu sortir avec. Ouais, et sa meuf est au courant. Et le pire là-dedans, c'est que Marco nous a dit que ça ne dérangerait pas si quelque chose pouvait se passer avec Marie. Putain. Donc, voilà, on est dans une situation incroyable. Juliette, le respect a disparu un peu comme la couche d'ozone. Et donc, du coup, Marco, on va téléphoner à Juliette. Sauf que, est-ce que t'as pas envie de lui dire la vérité, tout simplement? À Juliette? Bah oui, parce que t'as envie d'avoir une histoire avec Marie. Je sais pas, je te pose la question. Hein. Mais... Marie, j'ai voulu avoir une histoire avec, c'est sûr, j'ai essayé à fond. T'essayes encore un peu, tu vas boire des verres et tout avec elle? Mais on boit des verres en amis, c'est tout. Mais ça va aller, attends, il faut écouter la chanson de Dadju avec Jalou, il le dit. Ça va aller. Ouais, il le dit les choses dans ses paroles. On est d'accord que t'as une idée derrière la tête? Mais non, c'est juste que, enfin, pour moi, elle m'a mis un stop, donc je m'étais arrêté là, mais non, voilà, c'est... Très simplement, Marie reste juste une jolie fille. Ah oui, ok, très bien. Eh ben, tu sais quoi, je vais laisser le auditeur choisir. Est-ce qu'on l'appelle pour dire la vérité ou est-ce qu'on appelle Juliette pour autre chose, à savoir pour la blague du bébé gilet collé? Tout de suite, on lance ça, les amis. On va enfin pouvoir le faire. Il est 22h03. Vince dans la maison! Enfin, bienvenue! Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. later, bitches. Minuit. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Jadoué dans la maison. Et on dit quoi pour ça? MRC. Allez, voilà qui fait plaisir. Bon, les amis, c'est parti. On lance Bébé, j'ai déconné, puisque c'est les auditeurs qui ont choisi. Ils ont dit Bébé, j'ai déconné, mais Vince, on compte sur toi. Alors, c'est le message notamment de Ludy qui me dit on compte sur toi pour dire la vérité si on estime que ça va trop loin. Ah, bah, on verra. Bon, ouais. Marco, c'est pas mon rôle à moi de le faire, c'est à Marco surtout. Hein. Marco, est-ce que tu me reçois? T'es prêt? Ouais, je te reçois, je suis prêt. Alors, c'est parti, on appelle tout de suite Juliette pour le Bébé, j'ai déconné. Je rappelle rapidement les faits en 1 minute 50, parce que c'est quand même long comme histoire. Marco, tu veux faire une blague à ta meuf qui s'appelle Juliette. Ça fait un an et quatre mois que tu es avec elle. Tu veux lui faire croire que tu... Comment je vais t'expliquer? Tu veux lui faire croire en gros... Excuse-moi, parce que j'ai été perturbé parce que j'ai entendu Eddie parler dans le micro. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis, les gars, quand vous faites vos briefings, hein, on vous entend un petit peu. On vous entend, bande de con. Mais c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. Donc du coup, ce qui se passe, Marco, c'est que tu vas faire une blague à Juliette. Oui. Tu vas faire croire que tu es avec... Est-ce qu'il a la vérité, en fait, avec Marie. Marie, qui est une fille que tu as appréciée, il fut une époque, que tu voulais sortir, avec qui tu voulais sortir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et que Juliette n'aime pas. Sauf que tu viens de nous... En fait, c'est justement, elles s'aiment bien parce qu'elles sont amies d'enfance. D'enfance, oui. Donc mais là... elles se connaissent, quoi. Ah. Elles se connaissent. Mais là, maintenant, ça part un peu en sucette, c'est ça? Mais non, elles se doutent pas de grand chose, c'est juste qu'elle est un peu jalouse, quoi. D'accord. Mais toi, Marco, concrètement, parce que tu m'as quand même dit que si jamais tu avais l'occasion de sortir avec Marie, là, maintenant, tu le ferais. C'est ça que tu m'as dit? Oui. Alors, c'est quoi? Tu m'as dit ça pour le... comme ça parce que tu t'es emballé. Si tu devais choisir maintenant entre Juliette et Marie, tu choisirais qui entre ta pote et ta meuf? Putain, il a hésité. Putain. Non. C'est parce que la question est quand même grosse. Non, je choisirais quand même Juliette. Bah voilà, ok. Tu me rassures. T'es amoureux de Juliette ou pas? Oui. Est-ce que t'es amoureux de Juliette ou pas? Ou c'est un bouche trop parce que t'as pas eu Marie? Non, je suis vraiment amoureux de Juliette. Ça s'est passé bien plus tard et je l'aime vraiment. Ça, c'est okay. Sûr, ça. Il, quand même, son cerveau, il a fait ouf, oh putain, merde, la question. Ouais, putain, c'est chaud. Bon, allez, c'est parti, on appelle Juliette. Oh, ce bébé, j'ai déconné, tu sais, je me sens un peu. Voilà, je me sens un peu coupable. Ah ouais, t'as peur. Allez, on y va. On appelle en direct. Bon courage, hein. Appelle. Attention, ça sonne. Courage, Marco. C'est parti. Faut que ça décroche. C'est une autre paire de manches. Allô? Ah, yes. Allô, Chou? Allô? Oui, pourquoi tu m'appelles pas avec ton vrai numéro? Oui, mon petit cœur, il faut que je te dise quelque chose, en fait. Oh, il rentre dedans direct. Mais attends, maman, tu m'appelles avec le téléphone de qui? D'habitude, tu m'appelles toujours avec ton téléphone. Oui, mais j'ai eu un souci, en fait. Je t'appelle avec un autre téléphone. Le mien est mort, en fait. Je t'explique, je suis en ville, tu sais bien. Mais je voulais te raconter une histoire, j'ai un peu bu, je suis désolé. Mais voilà, en fait, c'est à propos de ce qui s'était passé à Halloween. Voilà, tu te souviens, on a été faire la soirée chez Marie. On avait été invité chez elle. Et t'avais été dormir un peu plus tôt parce que t'avais un petit peu bu. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec Marie tout seul quand on avait ramené tout le monde. Et j'ai un peu foiré, j'ai déconné sur nous. On a discuté longuement et voilà, Marie et moi on a commencé un peu à se rapprocher dans le salon, dans le fauteuil et on s'est embrassé. Eh oui. Ah oui, c'est ça, c'est encore une idée de Pierre, ça. Genre, je suis tout en pari avec Pierre. Non, il y a pas de pari, je te dis, j'avais vraiment envie de te l'avouer parce que ça fait longtemps, ça fait presque un mois, mais là je tiens plus le coup, ça va pas. Marie et moi, on en a discuté un petit peu tous les deux. D'ailleurs, je t'avoue, je suis en ville avec elle. On est tous les deux. On boit un verre et j'ai merdé. T'aurais attendu d'être sorti, d'être à 30 mètres de l'appart pour me dire ça? Mais c'est pas du tout trop long de faire ça en plus. Allez, c'est une blague, dis-le, quoi. Je veux dire, c'est pas... Non, il y a pas de blague. Je savais pas comment faire. Enfin, c'est parce qu'en discutant avec Marie, elle m'a dit, écoute, à un moment donné, faut faire un choix. C'est moi ou Juliette. Et je t'avoue que j'ai hésité. Parce que ce qui s'est passé à Halloween m'a quand même marqué. Enfin, je veux dire, Marie et moi, on s'est embrassés, on s'est bien rapprochés, on a fait ce qu'on devait faire, quoi, et voilà, c'est un truc, je pouvais pas dire ça comme ça, c'est pas possible. Marco, c'est une blague. Non, non, je me sens... Je sais pas. J'ai bu, il fallait que je te le dise absolument. Pourquoi il dit qu'il a bu? Et voilà, j'ai merdé avec Marie et je t'avoue que j'ai dit... Tu pouvais pas venir me le dire en face. Ton mec, c'est pas possible. Non. T'as préféré... Attends, t'es retourné voir Marie. Je le savais, mais... T'as attendu d'être avec elle pour me le dire par téléphone au lieu que tous les deux vous veniez m'en parler tout de suite. Mais écoute, je sais pas, je t'ai dit, je suis avec elle là maintenant et en discutant à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, je tiens plus. Et j'ai voulu t'appeler parce que je suis là avec elle, je suis bien. Ça fait combien de temps qu'en fait t'as des sentiments pour elle, hein? Ça fait des mois que ça dure. C'est le moment malaisant pour Marco parce que il avait des sentiments pour elle et on a cru comprendre qu'il les a toujours. On a eu un moment à deux, on a profité. Tu te rends quand même compte que ça fait, en août on a emménagé ensemble. Ouais. Halloween et fin du mois d'août, c'est quand même, c'est assez proche quoi. Tu vas pas me dire que t'as emménagé avec moi alors que t'avais déjà des sentiments pour Marie. Mais non, enfin c'était des sentiments, je l'aimais bien, je la trouvais. Écoute, je t'avoue, j'ai toujours trouvé Marie jolie, puis tu sais ce qui s'est passé avec Marie avant. Ça dit la vérité, là. Putain, c'est un connard. Et aussi. Voilà, à un moment donné, on a commencé à se rapprocher tous les deux, elle a quitté. Attends, Marco, c'est une blague ou quoi? Je savais ce qui s'était passé avant. Je t'en ai quasi jamais tenu rigueur. Je te laisse faire tout ce que tu veux, je te fais pas de scène quand tu sors, quand tu rentres, je te demande comment ta soirée s'est passée. T'as respect, hein. Je t'embête jamais. Regarde, écoute la musique que je vais mettre. Et je prends soin de toi, j'ai été là pendant plein de moments où t'avais besoin de moi, et j'ai jamais, jamais râlé pour ça. Enfin, tu te fous de moi ou quoi? Ça change toute ta perception. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Attends, quand qu'est-ce tu parles, je... Enfin, pourquoi? Je comprends pas. Écoute, enfin voilà, c'est tout. Tu savais bien qu'avec Marie et moi, il y avait un truc d'avant et moi, c'était un blocage, mais j'étais encore dessus. Enfin voilà, j'étais encore dans le mou et avec Halloween. Mais toi, tu te fiches de moi ou quoi? Tu me dis, tu savais très bien. Allez, t'es quand même gonflé. Si j'avais su, je serais même pas avec toi. Bah écoute, et les autres, ils étaient au courant? Ouais, le groupe était au courant, les amis, ils savaient, ils savent pas ce qui s'est passé à Halloween, c'est entre Marie et moi, c'est pour ça qu'il fallait que je te le dise. Attends, il fallait ça que je t'appelle. Fait que tout le monde le sait, qu'on se voit tout le temps, tous ensemble, trop de son. Et que personne ne me dit rien, et tu me préviens en plus par téléphone. Écoute, ne t'énerve pas, la peine de me dire ça, tu sais très bien ce genre de truc qu'il faut pas dire déjà, et de ne pas m'énerver. Marco, t'es en train de me dire que tu m'as trompé. Alors qu'on vient d'emménager ensemble et que... Enfin, allez, c'est dingue, quoi. Ah pardon, trompé de bouton. Mais il peut vraiment le sentir. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi, mais T'as toujours su et là, écoute, ça s'est passé, c'est tout. Il y avait eu un truc avant. Mais tu m'avais dit que c'était il y a longtemps, on se connaissait même pas encore. Et je suis passée au-dessus. Non, elle est trop cool, Juliette. Je croyais que c'était le cas pour toi aussi. On va désamorcer le truc, elle est trop cool. Non, laisse. Mais après, regarde comment je fous la merde. Toi, tu vas foutre la merde. Je vais foutre la merde. Je vais foutre la merde. Je t'ai dit, on s'est retrouvés à un moment donné tous les deux. Je vais demander. On va laisser parler. Ils nous entendent pas. Les auditeurs, on a besoin de votre avis. 0492-222-002. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit dire, ouais, c'était une blague, ou alors est-ce qu'il faut dire la vérité à cette demoiselle? S'il vous plaît, laissez-moi foutre la merde. Attends, parce que non, mais c'est pas notre rôle, tu vois. C'est lui. Lui, il veut lui faire une blague, mais en fait, il pense la moitié de ce qu'il a dit. Ouais, quand même, mais c'est un connard. Elle mérite un vrai Roméo, la petite Juliette. Viens d'emménager. Ah, la pauvre, elle est toute gentille. Ouais, bah oui, non. Je suis sincère. Tu sais très bien que c'est le genre de truc que je ne sais pas pardonner. Tu le sais. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et toi, ouais. Ça fait juste quelques mois qu'on habite tous les deux ensemble. Et tu me lâches ça? Alors, je peux dire que foutre de la merde, c'est dire la vérité. Faut intervenir. Vas-y, Nigel, il faut. Je sais même pas si je veux savoir quoi demain. On nous dit quoi, un message vocal? Écoute, ça s'est passé, il faut passer là. Allô, bonsoir tout le monde. Vas-y, Nigel, balance-le. C'est bon, j'y peux rien, je gère pas. Voilà, j'étais avec Marie. Dites la vérité, on nous dit, c'est normal. Et voilà, et ici... Ah bâtard, faut laisser faire Nigel. Marie, là, ce soir, t'es avec Marie, et ben tu rentres chez Marie, je veux pas... C'est un vrai petit con, il faut lui dire la vérité. Et elle mérite pas quelqu'un comme lui. Ah, c'est vous qui choisissez, les amis, hein. Et je suis très sérieuse. Alors, Eugénie. Ouvrir les yeux, mais délicatement alors. Ok, ouais c'est avec Nigel, je sais pas si c'est délicat. On en discute. Parce que je précise un truc pour les auditeurs. Là, Marco lui fait une blague. Mais il y a un peu de la réalité dans cette blague. Pas un peu, c'est de la réalité, frère. Tu remets pas un pied à l'appart, on en parle demain, mais tu remets pas un pied à l'appart. Merde. Ah, bah déjà, c'est mort. Et je fais quoi ce soir, enfin, donc, lui, il compte sur nous pour dire que c'était une blague, tu vois. Ils ont tous deux appartements et tu t'entends tellement bien avec Marie, va dormir chez elle. Mais non, mais c'est pas possible. Je t'appelais pour qu'on en discute et il fallait juste que je te le dise. Si tu voulais en discuter, il fallait me le dire en face et pas par téléphone. Mais est-ce que c'est pas. C'est parce que tu me poses la question. Est-ce que dire que c'est une blague, ça va pas à un moment donné soulager et puis après faire comprendre Non, parce que si on dit que c'est une blague. Non, on va d'abord dire que c'est une blague pour la soulager. Parce qu'il n'a pas trompé. Voilà, mais elle va tomber sur le best-of. On voit plus clair, on arrive jamais à discuter. Ah putain, il est con. D'abord, on va dire que c'est une blague. D'abord, on va dire que c'est une blague parce que ce que Marco dit qu'il a couché avec, c'est pas vrai. Faut le préciser. Donc on s'en mêle, on dit que c'est une blague. Mais enfin. Après, Nigel, je te libère. Vas-y, t'inquiète. Quand t'entends la vitre qui te pète, écoute, ça veut dire que t'as passé par la fenêtre. Rien, comme ça. C'est arrivé comme ça. Ça veut dire que c'est à toi de jouer. Si quelque chose t'aurait pu réfléchir et si t'avais senti que Juliette. Bonsoir, Juliette. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Oui, c'est vraiment toi la plus jolie. Yeah. Bonsoir, Juliette. Allô, Juliette. Oui. Bonsoir. Ça va, Juliette? Non. Ouais, je comprends que non. Je suis un pote à Marco et on est nombreux, hein, Nigel. Voilà. Sérieusement, c'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Et donc, du coup, il va se passer plusieurs choses dans cette émission. Mais en fait, tu es sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Ouais. Et c'était une blague. À 50%. C'était une blague, Juliette. Marco n'a pas couché avec qui que ce soit. Il n'a pas couché avec Marie. N'est-ce pas, Marco, dis-lui que t'as pas couché avec. Oui, non, c'était une grosse blague. C'était oui. Une énorme bah, blague. Attends ton tour. Donc, Juliette, comment tu te sens là? Est-ce que ça va mieux? Non. Non, ça peut pas aller mieux tout de suite, effectivement. Ça risque pas d'aller mieux après non plus. Ouais. Juliette, en gros, t'es sur Énergie. Je m'appelle Vince. Je fais l'émission le soir de 21h jusqu'à minuit. Et Marco, t'as fait une blague. C'est le bébé, j'ai déconné. Où, en gros, une personne appelle quelqu'un de son couple pour lui faire croire quelque chose qui n'existe pas. Généralement. Et voilà. Quelque chose à 50%. Et donc, du coup, Juliette, voilà. En gros, Marco n'a pas couché. Je tiens à le préciser avec Marie. Comme ça, tu sais, Juliette. Non, mais elle a fait d'autres bails. Attends, ta gueule. Est-ce que déjà ça te rassure un petit peu? À moitié. Bon, à moitié, bah ça va. Bah, nous aussi à moitié, en fait. Parce qu'il y a une sorte de 50% dans cette histoire. Donc Juliette, voilà. Je t'avoue que moi, je me sentais super mal parce que t'es tellement gentil. On entend qu'il y a la bonté, il y a la confiance, etc. Mais. On a duel pas tout de suite, non! Ah là là là là là! Marco! Ce soir, c'est ton heure. Non, attends. Juliette. Après, il y a Nakamura. Juliette, reste avec nous parce que Nigel a des choses à dire. Nigel, c'est mon co-animateur, je te le présente. Juliette, Nigel, Juliette. Enchanté. Hey, Juliette, je serai ton Roméo ce soir, je te sauve. Ça va? D'accord. Donc, Juliette, voilà, mon co-animateur Nigel a des choses à te dire. Ça va? Ok. Reste pas. Marco? Oui? Je pourrais pas ralentir Nigel là-dessus. Ah, frérot, c'est mort pour toi. Et c'est juste après Yana Kamura avec copine. Allez, bienvenue sur l'énergie. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. T'en veux encore, toi tu crois viser dans le mic. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Le la plus fraîche, moi. Ouais, ouais. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Bienvenue sur Énergie, Anna Kamour avec Copine, il est 22h21 et les auditeurs très fidèles savent ce qu'ils doivent m'envoyer sur WhatsApp. Uniquement les très fidèles, les autres, ils sont pas encore tout de suite fidèles peut-être. Énergie, le soir, ça se passe avec Vince. Et Vince, ouais. Dès 21h sur Énergie. Ouais, ouais, c'est dans la maison. Voilà qui fait zizir les amis, merci d'être là, merci d'être avec nous le soir. On va voir qui sont les fidèles, on va voir. On va voir. On va voir, voilà, juste comme ça sur WhatsApp, je ne vous dis rien. Il faut m'envoyer quelque chose sur WhatsApp. Je ne vous dis pas ce qu'il faut m'envoyer. Les connaisseurs savent. Là maintenant, ouais. Qu'est-ce qui se passe, Eddy? Mais du coup, Marco, s'il envoie le message, est-ce qu'il est considéré comme fidèle? Bah. Mais merci, très joli. Ah, il y a Ziara qui m'envoie. Hey, Ziara, il va falloir encore travailler. Hey. Corentin, il fait partie. Ah, Corentin, il est dans la team. Ah, alors, Corentin, il est là. Un point pour Corentin. Alors, un point pour Cédric. Un point pour Geoffrey. Ils savent de quoi ils en retournent. Déjà, les auditeurs qui savent pas de quoi on parle, je vais vous expliquer tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Alors, un point pour PNO, pour Pierre, Sébastien, Nora. Un point pour Eva. Enfin, je crois, attends, je vais vérifier parce que j'ai vu un message. Ah si, un point pour Eva, bien sûr. Un point pour Karim, Laurent, Brian. Un point pour une personne qui nous a envoyé un message pour la toute première fois. Et là, je vous dis respect sur le WhatsApp, ah ouais, numéro qui termine par 1581, qui n'a jamais envoyé de message et qui pourtant savait quel message envoyer maintenant. Ouais, même au 3018, il y a un numéro qui termine par 5878. Respect, dis donc, respect, incroyable. Alors attention, Diego nous dit quoi? Attends, je vais m'appeler sur Diego. La vérité, vous êtes des bâtards, les gars. Foutez-le dans la merde. Non, non, ça c'est pour le sujet après, on y arrive. Romain, il dit quoi? Je vous dis rien. 22h22, c'est une bonne réponse, ouais. Avec, on a qui à l'antenne? Allô, allô, bonsoir. Oui, allô, allô. Mais ça va, Lara? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oula, c'est chelou, là. Avec un gilet jaune, il y a des trucs malins. C'est une blague? Le gars me dit, il est 22h22. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il est 22h22? Eh ben, quand il est 22h22, je suis dans le studio. Oh, voilà, la blague. Je pensais qu'elle avait un problème. Ah, t'as réussi à atteindre Énergie quand même à 22h22. Bah, respect, tiens, c'est ça l'heure de la. J'ai cru qu'elle était dans une grotte, wesh. Et moi, je pensais qu'elle s'était fait kidnapper, qu'elle était sur le point de finir en gangbang dans les gilets jaunes. Ah, mais c'est cool, mais du coup, là, elle va participer à mon foutage de gueule. Ah, ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir, Lara. Putain, tu nous as pas manqué la mère. Eh ben voilà, 1h30 de retard dans l'émission. Bravo. Ouais, ouais, mais putain, les gilets jaunes, j'en ai vu aucun. Ouais, mais c'est drôle, t'avais pas vu. Par contre, l'autoroute était fermée pour toi. L'autoroute était fermée. Ils ont été évacués, les gilets jaunes, en fait. Hein. Ah, c'est ça. Là, Lara, là, elle est revenue avec une veste jaune. Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est juste moi qui ai une veste jaune. Ouais, très étrange. Mais tu sais pas quoi, ça m'a permis de voir des petits villages à côté. Arkène, les jardins d'Arkène, tout ça, tout ça. Oh, très cool, côté de la Louvière, hein, c'est du sympa. Du coup, hein. Ça a pas eu un impact politique sur moi, mais très personnel. Ah, c'est vrai, ouais. Que j'ai vu du pays. T'as pris conscience que la Belgique est belle, la Belgique est noble. Tout à fait. Et tu es là, alors à ton heure fétiche, 22h22. C'est un truc de ouf. Incroyable. Et big up à tous les auditeurs très fans qui ont envoyé tous 22h22 sur WhatsApp, je précise. Hein. Ah, merci beaucoup à vous. Et je voulais juste vous dire un truc. Oui. Du coup, j'ai écouté l'émission. Ah, ouais, ouais, ouais. Putain, c'était de la merde. Non, je rigole. Il va reste calme un peu là. Non, c'était mais trop bien. C'est drôle d'être à la place d'un auditeur. Tu sais que ça a rien à voir avec les moments où on écoute, genre, je sais pas, tu sais, oui, on fait une écoute de pige. On réécoute l'émission, on se critique, on se juge. Quand on est dans le bureau, c'est on est là, mais en fait, en voiture, ça déchire. Ah, c'est vrai, tu kiffes l'émission. Ouais, parce qu'il y a le compresseur et tout, il y a un côté. Ah, ça me donne une belle voix. Tout de suite, 21h minuit, c'est Vince. Et puis ta voix, tout. Ta voix, tu prends tout l'aspect. Et t'as plein de messages, il y a plein de messages qui arrivent pour toi. Elle sauce que Vince, je sais pas si quelqu'un a remarqué, il y a que Vince qui est saucé ici. Non, mais vous êtes tous top. Non, vous alors, êtes tous Lara, top. Alors, Lara, t'as beaucoup de Lara dans la maison, je tiens à le préciser, qui sont arrivés pour toi quand même. Il y a plein de dédicaces. C'est normal, Lara, que c'était trop bien. T'étais pas là. Non, je déconne. Oh, la punchline. Bon, Lara, on a eu des épisodes dans cette émission. D'ailleurs, je peux raccrocher ton téléphone qui est toujours dans le standard. Ah oui, pardon, oui. Et désolé pour l'auditeur qu'on a dû sortir du standard à cause de moi. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. on n'a pas dû sortir l'auditeur, t'inquiète pas. Okay. Non, non, jamais. Alors, on récupère Juliette. Allô, Juliette. Voilà, Juliette, tu prends la mesure de tout ce qui s'est passé, le canular de Marco, tout ça, c'était de la vaste blague, de la fumisterie. Ouais, effectivement, c'est une émission de radio, on est là tous les soirs sur Énergie, on fait des blagues, et voilà, Marco est un auditeur fidèle qui voulait absolument te faire une blague, Juliette, comme ça tu sais. Donc voilà, donc il n'y a pas, Marco, on est d'accord, il n'y a pas eu de relation sexuelle avec Marie, on est bien d'accord. Il n'y a pas eu de relation sexuelle du tout. Voilà, parfait. Par contre. Ouais, mais par contre, il y a d'autres choses, allez, c'est parti. Hop là. Et merci, Marco, frérot, c'est ton jugement, la tête d'homme, tu peux pas faire ça. Juliette. Il va balancer. Juliette. Je vais faire l'avocat, moi. Juliette. Oui. Tu m'entends? Oui. Ok, en fait, tu vois ton mec là, Marco. Il nous a appelé. J'ai les écoutes de piche si tu veux. Comme ça, tu peux faire des écoutes de piche avec moi, je suis ton Roméo. Eh, hey, le mec, il est venu à l'antenne. Là, il a accouté d'une meuf que t'aimes pas, qui s'appelle Marine ou Marie ou je sais pas. Bref. Ah non, Marie, je l'aime bien. Ouais, ben elle t'aime pas, on dirait. Parce que lui, il est venu nous raconter à l'antenne que si Marie voulait de lui... Oh, il va balancer, il va le dire. Il serait jamais sorti avec toi. Oh, il a balancé. Quoi? Et du coup, moi, j'accepte pas les comportements comme ça. Mais tu te mêles d'un couple. Je m'en fous, Marco, t'es un connard. Du coup, Juliette, tu mérites grave mieux. Si tu veux, je te fais écouter toutes tes écoutes de pige et tout. Non, j'ai les non, heures non, exactes non, non. Alors, attends. Quand il dit tout ça. La parole est à la défense. Marco, Marco, vous avez droit de défense sur le sujet. Alors, j'ai une défense. Je suis votre avocat, Marco. Parce que je vais faire l'avocat du diable pour le coup. Mais je vais vers l'avocat. Ouais. Quelle est la défense de Marco? Essaye de te défendre, alors, connard. Ma défense à moi, à toute l'équipe, à tous les auditeurs, c'est que j'ai fait 2 canulars en un. J'ai réussi à faire un canular à Juliette et à l'équipe aussi. En fait, non, Marie, voilà, c'est juste une amie, mais j'aime Juliette, j'aime ma copine plus que tout. Je serai jamais un canard comme ça. D'ailleurs, c'est, voilà, menteur. C'est des gens, j'avoue que je n'aime pas. Menteur. Attends, écoute. J'aime Juliette plus que tout. Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble et c'est génial ce que je vis. Ah. Mais par contre, ça me fait vraiment plaisir que vous défendiez des femmes comme ça, et c'est super. Putain, quelle haine ! Objection, alors je suis l'avocat de Marco et je me dois de m'adresser à madame la juge Juliette, hein, puisque je m'adresse à madame la juge. Alors, madame la juge Juliette... Mais non, Juliette, c'est la victime. Non, c'est la juge, c'est elle qui doit juger si oui ou non, tu vois, c'est elle qui décide, point. Vas-y, ben moi je prends elle. Donc, du coup, mon du avocat coup, vient d'arriver là, c'est mon avocat. Toi, t'es de la défense. C'est qui l'avocat L'avocate, c'est mon avocat, c'est Lara. Putain, ça va être le bordel. Ouais, alors moi, je fais objection, donc votre honneur, madame Juliette, je me dois de défendre les intérêts de mon client Marco, qui est votre mari. Il a changé sa plaidoirie entre temps, donc... Ouais. Jusqu'au boutisme, hein, c'est comme ça dans le barreau. Donc je confirme ses dires. Voilà, je confirme. Je ne suis pas de preuve. Mais... J'ai même rien entendu de ce qu'il a dit. Elle a rien entendu. Merde, parce qu'elle n'est pas sur la même insert. Ah merde, ah oui, voilà, c'est vrai, effectivement. Ah, bravo. Qu'est-ce qui se passe, il dit Est-ce que je peux juste rappeler à Juliette ce qu'il a dit? Il a dit que de la merde, en fait, c'est pas vrai. Il a dit n'importe quoi, tout ce qu'il a dit, c'était des mensonges. Hop. Ouais, en fait, Juliette, il a essayé de t'amadouer. Alors, il a dit, ouais, en fait, je vous ai fait une blague à l'équipe à l'antenne, parce que je voulais que vous défendiez la cause des femmes qui se font tromper. Alors, en mode doucement, parce que là, on improvise un truc. Ouais. La parole est également à la. Bah, ça s'appelle pas que la défense, du coup, pour le coup, ça s'appelle au jury. Le jury, il en pense quoi? Le bâtard! Comment il se rattrape de la merde? Alors le jury me donne plusieurs anecdotes, hein. Mais y'a que ta femme, hein, qui va te croire à ça. Dans le jury. Lara, t'as la maison. C'est la femme. Bienvenue Lara. Merci. Il m'a capté ta voix. Maintenant tu es venu mettre le pincé du sel. Le pincé de sel, bien sûr. Munch. Moi y'en a rien à comprendre. Marco bizarre. Corentin, il nous dit quoi? Comment il perd ses couilles. Alors Valentin de Lille, il nous dit quoi lui? Un connard, Marco. Doucement, calmez-vous. Ouais, raison, je suis d'accord. Allons-y mollo, pas d'insultes, s'il vous plaît. Il y a trop de messages là, je suis perdu. Il y a beaucoup trop de messages. Et là, tu commences à jouer le jeu. Bien joué, frérot. En tout cas, c'est vrai ce qu'il dit. Respect à vous qui protégez les femmes qui se font maltraités et qui se font tromper et tout ça. On essaye, bon, ben, c'est pas cool de se mêler d'un couple, mais... Le seul qui va péter, c'est le cul de Marie. Non, mais non. François. Ah non, François, il va falloir renvoyer le message, on n'a rien compris du tout. C'est quoi? Ah, il va falloir renvoyer le message aussi. On m'envoie des messages bizarres parfois. Hein. T'es une putain, t'as sympa, grosse merde. Bon, merci pour la parole du côté du jury. Donc, Juliette, en gros, voilà, Marco, il nous a trollé, il a voulu faire croire que. Voilà, selon ses dires. Il a pas voulu faire croire. J'adore parce que depuis tout à l'heure, Juliette ne comprend pas ce qui se passe en fait. Mais ouais, mais parce que c'est tellement réel. Pas vraiment, non. C'est pas grave, je crois que c'est bien comme ça. Marco? Oui. Je vais te laisser le bénéfice du doute, mais s'il te plaît, je te demande une chose. Ne te fous pas de la gueule de Juliette, c'est une fille extraordinaire, ça s'est entendu lorsque tu l'as fait une blague, elle a quand même expliqué tout ce qu'elle a mis en jeu pour toi, pour ce couple, etc. Et je trouve qu'elle est vraiment cool. Et surtout, elle te fait confiance avec Marie. Ouais, donc pourtant, déconne pas. Elle devrait pas. Eh, tu sais quoi, Juliette, envoie-moi ton adresse mail. Enfin, j'ai ton numéro, je vais t'envoyer les piges. Tu vas écouter ton mec, c'est un connard. Non, il a dit qu'il nous a trollé, tu vois. Non, il nous a pas trollé. Donc, Ça m'étonne pas de lui. Donc, Juliette Marco. Oui. Parlez-en en antenne et voilà. En tout cas, bonne vie dans votre couple. Et Marco, voilà, de préférence, si jamais tu veux emmener quelqu'un boire un verre. Vas-y, mais les... Juliette, hein. Bah oui, évidemment. Hein, ouais, évidemment, mais il y a qui à côté de toi, Marie? Non, là je suis tout seul. En fait, elle est crédule. Vas-y, viens, je la laisse, c'est bon. Allez, salut. Juliette, fais-toi tromper, on s'en fout, je viens plus te défendre. Alors, Lara, elle en pense quoi dans cette histoire? J'ai pas eu que le temps de prendre connaissance de ce dossier. T'as pas écouté? Si, en fait, je vais foutre la merde, là, moi? Ouais! Oui. Non, on veut ton avis, après on se fait au phone back. Je pense qu'il ne faut pas lui laisser le bénéfice du doute, il faut lui laisser le bénéfice de pute. Mesdames et messieurs, c'est Médina, merci, allez, bonne entrée, on accepte. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus chazamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis, avec Jerem et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Dile que tú eres mía. Faire quoi ce soir? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, on va tout casser! Hey, oh my gosh! On est bien assuré. Bah oui, t'inquiète pas! Vince, 21h minuit sur Énergie. On devait demander si on a une bonne assurance à Énergie au fait. Je sais même pas si avec quoi on a souscrit à Énergie. Généralement en cas de pépin, en cas de coup dur, en cas de problème. Il n'y a pas de pépin. En cas de Lara qui se fait pécho par les gilets jaunes encerclés. Michel, si tu m'entends. Open back avec Benjamin Grosso, ça s'appelle Paradise. Et c'est ce qui arrive tout de suite sur Énergie. Vos messages sur le WhatsApp, merci vraiment à vous tous d'être comme ça, autant nombreux à nous écouter le soir sur Énergie. Il y a des messages dans tous les sens. Il y a également l'Instagram où vous envoyez des messages de ouf constamment aussi. Et ben franchement, tout ça, vous n'avez pas idée à quel point. Et ben ça nous fait plaisir. Voilà, l'Instagram, c'est Vinz Radio, VINZRADIO. Je vais tenter de lire quelques petits messages là-bas. Et n'hésitez pas à parler d'émission. Parlez-en à votre famille, à votre patron. Si vous êtes le patron, ben parlez-en à vos travailleurs. Parlez-en à tous ceux que vous connaissez. Voilà, si jamais il y a des gens qui s'emmerdent un petit peu le soir, qui ont envie de faire des petits trucs, passer du bon moment, écouter des histoires drôles ou parfois même avoir des histoires sérieuses, tristes, et ben on est là pour ça, les amis. Avant ça, voici de la bonne musique avec Offenbach Paradise. 0492-222-002 sur WhatsApp. Et tout de suite, on va passer en mode sujet 2. Vers quel âge, normalement, on devrait faire son premier rapport sexuel? Les âges diffèrent. D'après vous, à quel âge est le meilleur âge pour avoir son premier rapport? À 8 ans. Toi, tu dis 8 ans, toi. Bah, toi, t'abuses un petit peu, hein. Ouais, avec une chèvre. Okay, il est encore plus fou, lui. Il est trop con, ce mec. C'est pas possible. Dis-nous quoi, là, sur le WhatsApp? Merci André pour ton message. As if you're bulletproof. You mentioned something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Bienvenue sur Énergie. Bonsoir, je m'appelle Vince. Il y a également Lara qui est là. Bonsoir. Il y a Nigel. Bonsoir. Il y a également Eddie et Thibaut qui sont là avec nous sur Énergie. Bonsoir. Bonsoir. Et ce qui est magique, c'est que comme Lara n'était pas là avec nous maintenant à 22h38, l'équipe est réunie. Il n'y a rien de mieux qu'une équipe réunie. Oh. Mais que serait cette équipe s'il n'y avait pas vous? Ce petit moment de joie, j'ai envie de le partager avec vous. Merci à Chloé qui nous écoute et qui nous a écrit sur le WhatsApp à l'instant même. « Hey, je suis revenu, mais là, je suis plus dans mon lit. Et il faut vraiment que j'ai envie de vous écouter pour aller jusque sous mon lit. Il bave des araignées. Vous n'avez pas compris le message? Moi non plus. » Presque. Merci Chloé pour ton message. Il me fait plaisir. Elle déteste les araignées. Oh my God. N'empêche Vince, je suis pas nouvelle. Je suis pas une nouvelle qui écoute Énergie. Maintenant, il y a WhatsApp, mais pas il y a 10 ans. Et ça fait plus de 10 ans que je vous écoute. Une émission anti-dépression. Je vous adore, l'équipe. Wow, merci, Caroline. Wow. Et Anaïs qui nous dit, c'est parce qu'il est trop con qu'on l'aime, Nigel. Je t'aime. Thomas me dit, hey, Mercer. Il y a Ayoub qui aussi qui est là. Vous êtes au top, la famille. Merci, Gophard. Wow. Merci pour ton message. Et courage à toi et ta famille, mon pote. La musique de quoi? Et Eden qui le dit, c'est la musique des Jurassic Park. Et Eden me dit, qui vient du Luxembourg, une demoiselle, l'âge idéal pour faire la première fois, je dirais 16 ans. Maintenant, les jeunes de nos jours sont plus précoces et matures. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. La personne doit juste être prête. Oh, c'est beau. C'est un beau, très beau message. Fais-moi une dédicace pour Anaïr. Oui, on fait une dédicace pour Anaïr. J'espère que le message est bien passé. Lara, tu m'as trop manqué. Un énorme bisou que je te fais. Hugo, je qui a écrit t'aime. Ça. Merci. Merci aux taximans qui sont à l'écoute le soir. Ils nous envoient tout le temps des messages sur WhatsApp. Ils nous écrivent. On vous aime. Nous aussi. Samy aussi dans la maison. Merci Samy pour ton... Oh my God. Nolan qui me dit, Vince, ma radio marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Énergie. Wow. Tarek me dit, le mariage pour la première fois, c'est le bon âge. Le mariage? Mais si tu es prêt à faire l'amour au mariage, mais c'est totalement respectable. Ouais. Ayoub me dit, vive Uber. Ah, la bataille des Uber et des taximans, nous vous aimons tous les deux. Ne nous mets pas dans la merde, merci. Ouais. Et Valentin de Lille qui m'envoie un message. Ils sont pas dans la maison, là? Si, si. Oui. Et merci à Giovanni aussi, merci à la famille pour toutes ces soirées. Dédicace à Valentine, l'amour de ma vie de la part de Giovanni. Oh, c'est beau. On t'aime. Oh, la famille. Ah purée, il y a mon son de Jurassic Park qui va trop fort, on n'entend pas sa note vocale, le pauvre. Attends, je réduis. Et l'équipe aussi. Merci. Ouais, on sait pas ce que t'as dit, mais c'était cool. Merci Nolan, c'est trop gentil de ta part. Oh, le mariage pour la première fois. Pas exagéré, hein. Quand t'achètes une bagnole, t'aimes bien de l'essayer avant. Eh ben justement, c'est intéressant parce que moi, si j'ai l'occasion d'acheter une Lamborghini, je me marie avec la Lamborghini. Ah, vous voulez prendre des anecdotes sur les voitures, vous voulez prendre de la métaphore de voiture. La voiture, faut l'essayer avant. Moi, on me propose une Lamborghini, je l'essaye pas avant. Je roule tout de suite avec. Bah attends. Mais parce que tu sais qu'elle est super bonne. Ouais, ma meuf, c'est une Lamborghini, tu vois. Donc voilà. Non, mais sérieusement, on va en parler. C'est intéressant. Le sujet, d'ailleurs, pour en parler ce soir, on a Priscilla qui est là. Salut Priscilla. Salut la télé. Ouais, Priscilla dans la maison. Oh ouais, yeah. J'ai pu le faire enfin parce que vous le faisiez pas quand j'étais pas là. C'est vrai, d'habitude c'est toi, c'est ta marque de fabrique, Lara, c'est toi qui dis le sur énergie. Tout à fait. D'ailleurs, et comme nous on pompe pas les jambes, on te laisse faire. D'ailleurs, à mourir de rire parce que quand j'étais à l'école à Hâte, la Ténéro Alda, d'ailleurs je les salue encore une fois. Il y a plein d'auditeurs qui sont en train de nous écouter qui sont là-bas. J'aurais fait une surprise il y a deux jours. Non, hier en fait. J'aurais fait une surprise hier. Je suis bête, moi j'ai l'impression que. Tu vis à l'envers. Le temps passe vite, c'est pour ça. Le temps passe vite. J'ai mes règles. Et donc du coup, Lara, c'est drôle parce que quand je disais vite, c'est dans la maison. Il y en a plein qui disaient sur énergie. Yes. C'était trop fort, ça chuchotait comme ça. Priscilla, tu viens de quelle ville? De Blény. Blény. Alors Blény, c'est attends. Blény près de Liège ou au-dessus de Liège, près de R, pour rien avoir. Près de Vizé, je veux dire. Au-dessus de Liège. À côté de saumon fumé. Près de Vizé, quoi. Oui. R Vesta, Herstal, plus ou moins comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Blény VDV. Non, parce qu'il y a deux Blény. Il y a Blény Trembleur et l'autre Blény en fait. Okay. Toi, tu viens duquel? Le Blény naturel, bah, où il y a de la campagne, quoi. Bah, la campagne, c'est à Blény de l'autre côté aussi, mais on est d'accord, c'est au-dessus de Liège. Oui. Voilà, t'es au courant qu'il y avait une soirée il n'y a pas très longtemps à Blény, là, à la ligne droite. Tu connais la ligne droite ou pas? Oui, Projet X. Ouais, t'as été ou pas? Non, j'ai pas pu. Oh, mais quel dommage. Il paraît qu'il y avait un super DJ qui avait des super sons, genre ça. C'était toi? Ou déjà des sons genre ça? Bah oui, bien sûr. Quelle bénédiction! Ah, c'est dommage, tu m'as raté, Priscilla. J'étais là-bas, il y avait tout le monde, il y avait tout Blény, il y avait des gens qui venaient de. Non! Mais attends, mais c'est sur l'affiche, t'es écrit sur l'affiche en grand, Vince. Et c'est tous. Mais il y en a un le 16 mars, deux jours avant mon anniversaire. Oui, et ben j'y serai aussi. C'est vrai? Ok. Non, mais comme ça, tu sais, hein. Voilà. Non, mais Projet X, soirée de ouf. Hein. On fait ça dans une salle et tout. Et on balance des tartes dans la gueule. Enfin, pas des tartes, des vraies tartes, mais de la crème chantilly. Et généralement, elle est périmée. Donc, du coup, on pue bien. C'est pour dire. On pue bien comme les poils. Comme les poils, plus bien. Oh, exactement. Attends, appelle aux auditeurs, que se passe-t-il à Liège? Énorme Sky Tracer. Ah bon? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des traces de dans le ciel. C'est quelqu'un qui te suit à la trace, mais du ciel avec un hélico? Ouais, non, c'est Sky Tracer, c'est comme Batman, quand on appelle Batman. C'est-à-dire? Bah, le projecteur qui va dans le ciel. Ah oui, mais il y en a. Ah, ok. Donc voilà. Comment qu'il y a une police? Exactement. Bah, visiblement, il y a un Sky Tracer qui est énorme. Enfin, fais-moi une photo, Pascal, du Sky Tracer, là, qui se trouve du côté de Liège. Et si vous êtes à Liège, faites une photo dans le ciel pour nous envoyer une photo, une vidéo. Visiblement, il y aura un gros truc, on sait pas trop ce qui se passe. Quelque chose? Ah, peut-être, je ne sais pas. T'imagines si c'est ce soir que les aliens arrivent. Vous voulez que j'aille voir? Ah, mais c'est vrai, t'es de Liège. Regarde un peu, regarde par ta fenêtre, tu vois. Alors, un Sky Tracer. Priscilla, notre envoyée spéciale. Fais-nous vivre les événements. Mais imagine que c'est ce soir que les aliens viennent nous dire bonjour. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette émission? Ah, mais ça serait trop bien, quoi. Je m'enferme dans ma chambre. T'as dit quoi? Moi, je m'enferme dans ma chambre. Si les extraterrestres arrivent, attends, ça sera mon sujet d'une émission une fois. Qu'est-ce que tu fais si les extraterrestres débarquent? Ah, mais je suis trop. Est-ce que tu vas les voir ou est-ce que. Moi, non, moi, je vais pas les voir. Moi, je vais grave check avec eux. Non, tu vas check avec eux. Ouais, d'ouf. Les gars, regardez. Il n'y a rien du tout dans le ciel. Tu vois rien dans le ciel de ton côté. T'es à Blény, t'es un peu au-dessus de Liège. C'est ce que tu crois. Oui. Alors, il y a des gens qui sont sur Liège même parce que bon, t'as quand même Fléron entre et tout. Donc, Ouais, j'ai oublié tout ça alors. Et Herstal aussi, c'est quand même grand. Donc, si jamais il y a des gens qui sont du côté de Liège qui peuvent nous envoyer une photo là. Ah, il y a Laurent qui nous dit c'est la lune, lol. Ah, mais oui. C'est vrai que la lune, elle est pleine aujourd'hui. Elle est pleine, effectivement. mercredi, la lune, elle éclaire toute la ville. C'est trop bien quand tu balades la nuit, quand c'est pleine lune, tu vois trop bien. Tu vois comment plein de gens. T'as envie de tuer des gens aussi. Ouais. Ça c'est vrai. C'est quoi cette histoire là? Mais quand c'est la pleine lune, tout le monde est un peu excité. Hein. Un petit côté loup-garou, c'est ça. Tout le monde, hein. Ah bon, j'ai découvert beaucoup un truc. Plus de crimes les soirs de pleine lune. Anaïs me demande c'est à quel niveau. C'est au niveau Liège, mais je sais pas très bien. Je crois Liège Centre, peut-être. Merci pour ton message. Alors Priscilla, on va revenir quand même à nos moutons. Toi, pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour faire l'amour la première fois, première relation sexuelle? Vu que mes parents m'ont toujours répété, c'est 16 ans. Mais pourquoi 16 ans? 16 ans qui est la majorité sexuelle actuelle, elle n'a pas été rabaissée à 14? Ouais, non. C'est 14 maintenant. Même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Il y a débat. Non, mais je crois qu'il y a encore une histoire de débat autour de ça. Ça, ouais. Donc pour toi, c'est 16 ans, ouais. Oui, parce que quand j'entends mes potes qui lui disent, qui me sortent, oui, Priscilla, tu sais à quel âge je suis dévergée? Ben, à 13 ans. Ah. Ok. Mais ouais. Ça existait de tout temps, hein. Alors, c'est oui, pas un truc de maintenant. C'est hein. Ça, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, maintenant les filles c'est bon, c'est 12 ans. Non, c'est pas vrai. La moyenne n'a pas vraiment évolué en l'espace de 30 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Alors je précise quand même, par rapport à l'attentat à la pudeur, parce qu'il faut en parler, majorité sexuelle, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Avant 16 ans, toute relation sexuelle, par rapport à la loi, en Belgique, est interdite. Même entre mineurs. C'est toujours pas passé. Même entre mineurs, mais c'est toléré d'une certaine manière. Mais non, si les parents sont d'accord. Après 16 ans, les relations sexuelles sont autorisées. Avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle est considéré comme viol avec violence. Ouh. Avant 14 ans. Donc maintenant, si c'est un garçon de 14 ans avec une fille de 14 ans, si les parents estiment qu'il y a eu abus, les parents estiment qu'il y a eu abus. Faites gaffe, les enfants de 14 ans. C'est un attentat à la pudeur, en fait. Voilà, ça peut être considéré comme tel. Si la fille estime que machin, etc. Ouais, de toute façon, à tout âge, hein, si jamais une fille estime qu'elle a été violée, elle a été violée. Bien point. Sûr. Mais quand tu dis à partir de 16 ans, ça veut dire qu'à partir de 16 ans, tu peux aussi avoir des relations avec quelqu'un de majeur. Ça, je n'ai pas ces infos-là précisément. Ben non, Je crois que oui. Je pense que oui. Effectivement. Je pense que oui. Je vais aller sur Infojeune, comme ça on aura plus d'infos et on pourrait je être. À partir de 16 ans, sauf que tu restes sous la responsabilité de tes parents. Oui, alors après, les infos, c'est que les relations sexuelles sont autorisées après 16 ans. Cependant, s'il y a des actes à caractère sexuel avec violence ou menace, ce sera considéré comme attentat à la pudeur. Ah, oui, Il faut alors prouver qu'il n'y avait pas de consentement de la victime pour. Apporter la charge de preuve, c'est-à-dire pour apporter des preuves. Et ça, c'est même quand t'as 30 ans. Des affirmations. Hein. Oui, mais voilà. Mais en tout cas, si je regarde bien, l'attentat à la pudeur commis avec violence ou menace sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Blablabla. Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de 16 ans accompli, le coupable subira la réclusion. Ah 5 à 10 ouais, ans. Un mineur mais de plus de 16 par ans. Par contre, moi, là, je suis sur le site officiel et il dit dès que t'as 16 ans, en fait, tu peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, avec un adolescent de 16 ans. Ou plus, ou même avec un adulte. Ah, what? Donc tes parents peuvent rien dire. Ouais, c'est la majorité sexuelle. Ouais. Voilà, elle est évaluée à 16 ans. D'où tout le bordel qu'il y a eu quand on disait, ouais, mais à 14 ans, elle va peut-être être rabaissée à 14 ans. Parce que 14 ans et 25 ans. Ouais, c'est chaud, moi je suis pas d'accord. Ouais, c'est. Moi je suis pas d'accord. Alors c'est délicat, c'est tout un débat parce qu'on me dit, ouais, mais Vince, l'amour n'a pas d'âge, on m'a envoyé. Alors moi je trouve que l'amour n'a pas d'âge, c'est vrai, à partir d'un certain âge. Un en minimum, fait. Quoi. À partir d'un certain âge. C'est quoi l'âge pour toi? Bah, je pense que dès que t'es une demoiselle, que t'as 18 ans, tu peux sortir avec un pays de qui a 15 ans, 20 ans, 40 ans de plus que toi. T'as 18 ans, t'es majeur, tu sais ce que tu fais. Il y a des demoiselles à 16 ans, elles sont méga lucides, très intelligentes, ultra matures, mais il y en a d'autres à 16 ans, elles pensent comme si elles avaient 10 ans, tu vois. Ouais, et c'est ça, elles sont naïves, ouais. Ça alors, dépend les gens, ouais. Et alors, attention, parce qu'on parle des demoiselles, on parle aussi des mecs, hein. Ça va dans les deux sens, il faut le préciser quand même. Alors, toi, Priscilla, tes parents t'ont toujours dit 16 ans, tu as quel âge, toi, maintenant? Je vais avoir 17 ans. Je considère que j'ai déjà 17 ans parce que dans ma tête, voilà, c'est bientôt. Dans 6 mois. Même en mars, hein. On reste dans 6 mois, ouais. Calmos. Voilà. Pas du tout. Ils m'ont toujours dit ça pour me protéger parce qu'on peut tomber sur n'importe qui. Et des tarés qui pensent qu'à ça et qui vous lâchent pour. Quelques jours après que. Voilà. Mais oui, mais est-ce que par exemple, toi, t'es amoureuse de quelqu'un en ce moment? Ça a été fini. Après 2 ans et 7 mois. Est-ce que la question, c'est pas de savoir aussi, indépendamment de l'âge, c'est que la meilleure manière où ça peut se passer, c'est que t'es amoureux ou amoureuse de la personne avec qui tu le fais, pas juste pour le faire. C'est vrai que quand t'es ado, parfois t'es un peu bon. Écoute, il y a une sorte de compétition. Moi, je me rappelle, c'est un truc qui m'a saoulé. Ma première fois, c'était à 16 ans. C'était à 16 ans. Voilà, bah merci, c'est gentil. Et un truc qui m'a pas mal saoulé en fait, c'est les potes qui se mettent des pressions entre eux, genre. Tu l'as pas encore fait. Ouais, mais genre il y avait des mythos là-dedans, genre ouais, moi je fais le truc avec ma meuf, etc. Alors que et en fait, Il y a tout le monde qui te met la pression et toi t'as l'impression d'être en retard en fait. Et c'est un message qui est vraiment très important à passer aux jeunes qui nous écoutent. N'ayez jamais le sentiment ou l'impression d'être en retard parce que c'est au moment où vous êtes prêt. Et je préfère préciser aussi une chose importante. Vous entendez bien avec vos potes, si vous n'avez pas de problème d'en parler, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas parce que vos potes vous en parlent que vous devez en parler non plus. C'est de quoi de fait que tu l'as fait ou pas. C'est ça exactement, ça reste privé, ça reste méga personnel. On a beaucoup de réactions à ce niveau-là, il y a Fred qui va passer à l'antenne, il y a Nico aussi. Je te remercie Priscilla en tout cas d'être passée et alors je ne veux pas savoir si tu l'as déjà fait ou non, mais si jamais un jour ça doit se passer, c'est quand toi tu le sens et surtout que rien ne t'oblige à le faire, c'est important. Tout à fait. Tu vas te sentir prête. Oui, ouais, et du coup moi j'avais une question, c'était comment ta première fois? Bravo, putain Nigel. Je veux pas le dire. C'est bien, elle a bien raison, elle a pas répondu, tu vois, c'est parfait, tu vois. C'est à cause de connards comme toi, genre, t'as quelqu'un qui arrive. Et c'était quand ta première fois devant tout le monde? Alors tu te sens obligé de répondre et t'es. C'est personnel, c'est mon jardin secret. Hein. Voilà, exactement. Laissez planer le doute, si jamais un mec ou une meuf vous demande, tu regardes en disant, tu serais pas prêt d'avoir la réponse. Et puis bam! Et voilà, et c'est tout. Et ça attise la curiosité des gens. Hein. Ouais, c'est possible, mais entre temps, voilà, tu noies le poisson un petit peu. Calvin Harris avec Promises. Bisous à toi, Priscilla, merci. Hein. Bisous. Allez, au revoir. Au revoir, bisous, Nico qui va réagir aussi, Fred. Et dites-nous ce que vous en pensez. Quel âge est le meilleur âge pour s'envoyer en l'air pour la première fois, enfin, l'amour, tout ce que vous voulez. On en parle tout de suite. Il y a plein de messages qui arrivent. On va confondre un petit peu les points de vue. Vince, la pleine lune, les gilets jaunes vont muter cette nuit. Ça va devenir des lucioles. Imagine. C'est drôle. Écoute le vocal du Sky Tracer pour expliquer c'est quoi. J'en parle tout de suite. Bienvenue sur Energy. Calvin Harris. But I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Oui, bien sûr, Vince, c'est la casa. Si, arriba. Alors, bienvenue sur Energy, il est 22h54, il fait chaud, il fait bon, c'est ce qu'il faut se dire, même si on se les gêne en vérité. Il fait grave froid. Ouais, il fait super froid, purée, j'ai eu les mains qui sont devenues toutes pâles, tu sais, comme je suis un peu de couleur, ça ne te ressemble pas du tout. Ouais, mais dès que je suis dans le froid, laisse tomber, j'ai les mains qui deviennent grises un peu, c'est trop chelou. Ça, c'est parce que tu dois mettre de la crème. Ouais, je mets pas assez de crème, effectivement. Bon, on a des infos sur ce Sky Tracer là, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai reçu 2-3 messages de gens qui disent, ouais, sur Liège, j'ai un truc géant dans le ciel, machin, c'est quoi? Alors déjà, ils ont pas pu le prendre en photo. Alors il y a un auditeur qui m'a dit, Vince, les gens se font des stress et des films pour rien. C'est au niveau du Palais des Congrès à Liège. Il y a simplement une soirée ou un truc dans le style. Et il n'y a pas que un, mais il y a six. Il y en a six des Sky Tracer. Merci pour la personne qui m'a envoyé cette photo là. C'est juste à côté de chez moi, il m'a envoyé ça. Premier message qui nous envoie le soir. Vince, des Sky Tracer, c'est les gilets jaunes en fait. Ils font briller leur t-shirt. Alors il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, Vince, des Sky Tracer, c'est parce qu'il y a la pleine lune et donc du coup en fait ils voient juste la lune à travers les nuages. Et qu'est-ce que t'as eu? T'as eu une appel toi, Thibaut? standard. Moi, on m'a dit que c'était à cause des gilets jaunes et qu'il y avait une manifestation et que ça partait en couille. Du coup, il y avait ça, mais. Alors voilà, attention, parce que vraie info, fausse info, faut faire la gaffe quand même. Parce que Gilets jaunes m'a dit, j'ai reçu quelqu'un qui me dit ouais, on est nombreux sur la E19 et tout. Non, c'est pas vrai, il n'y a plus personne. Peut-être qu'entre temps, ils sont revenus. Peut-être qu'entre temps, ils sont revenus. Donc voilà, on va pas donner de fausses infos dans cette émission. Ou alors, ils ont peut-être laissé le chemin libre pour Lara. Hein. Pour mon gros boule. Ouais. Ah, c'est mais vrai qui a que, dit que t'avais un gros boule. Bah, une vidéo sur Instagram que j'ai mis il y a quelques temps quand on était à la Military Run. Mais ouais, d'ailleurs, j'ai pas pu la récupérer. T'inquiète cette pas, je l'ai toujours dans mes archives. C'est un grand moment de ma vie. Hein. Mais complètement. Vince, pourrais-tu répéter comment on fait pour gagner les jeux PS4, s'il te plaît? Tu envoies énergie avec le jeu que tu voudrais au 78. C'est 1€ le message. C'est offert par GameLord, d'ailleurs, www.game-lord.com. Dans les jeux, donc tu envoies énergie, espace, Fallout, ou alors Red Dead Redemption. Ou alors Assassin's Creed. C'est que des mots en anglais. Hein. Ou alors Call of Duty. Ou alors Hitman 2. Mais tu l'écris comme t'as tu veux. Remarqué ouais. Que c'est que des ou mots alors, en anglais. Ouais, bah ouais, ou alors si tu t'en bats les couilles de fin, si tu veux n'importe quel jeu, t'envoies juste jeu. Hein. Voilà, c'est ça. Énergie, espace, jeu. Au 78, 1€ par message envoyé reçu. Et ça se passe comme ça. Tout à l'heure, on va prendre un gagnant. C'est au 78, hein, pas sur le WhatsApp qu'il faut envoyer Nolan. Hein. Je tiens à le préciser. Bon, les amis, on parle de la majorité sexuelle. À quel âge? Petit tour de table rapide avant de récupérer Nico et Fred. Enfin, du moins, de les accueillir. Thibaut, toi, t'estimes que le meilleur âge, c'est lequel? Dis-moi. Yeah. Ah, pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge, mais si je devais donner un âge, c'est 16-17 ans. Est-ce que tu trouves ça normal de le faire à 12 ans la première fois? Non, c'est pas du tout normal. Pourquoi? C'est vraiment de l'inconscience. En fait, je crois que les gens, ils veulent, enfin, les jeunes de cet âge-là, ils veulent juste imiter les grands. Tu penses que c'est pour ça, ouais? Ouais, je crois qu'ils savent même pas, ils sont pas conscients de ce qu'ils font, à mon avis. Je crois qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ouais, bah, alors si, ils sont si, vraiment si, très si. Matures très pas, tôt. T'es pas con à 12 ans. Non, mais tu veux essayer de tester, quoi. T'es curieux. Alors bien sûr, mais le test, je précise bien, faites-le avec quelqu'un que vous aimez et vous lancez pas comme ça l'aventure et voilà. Alors qu'est-ce qu'il en pense, Eddy, là? Non, moi j'aurais dit comme Thibaut aussi, genre vers 16, 17, même 18 ans. Mais je crois que bon, avant genre 15, 14, si t'es très mature, mais les 12 ans, tout ça, il faut laisser tomber. Hein. D'accord, ok. Moi je parle de entre 12 et 12, hein, j'en parle parce que c'est les messages que je lis, faut en discuter. Lara. Entre 12 et 12, tu veux dire quoi? Avec quelqu'un qui a 12 ans et une autre personne qui a 12 ans. Ah oui, voilà. Oui, bah oui. Je parle pas de quelqu'un de plus âgé, 12 ans, hein, on est d'accord. Nigel qui s'est fait clasher d'ailleurs, j'ai perdu le message, c'est dommage, mais il y a quelqu'un qui a clashé Nigel là tout de suite, là. Ah merde, ah, c'est dommage, j'ai perdu le message. M'en bats la couille. Non, mais c'était un message trop fort là, en note vocale. Sérieux? Ouais, ah, dommage. Vraiment mourir de rire. Et merci au numéro qui termine par 6701 aussi. Alors Lara, toi. Mais moi, un peu comme tout le monde, c'est un peu la vie générale. Je crois qu'entre 16 et 18, vous voir un peu. Enfin, en fait, quand t'es prêt. Mais c'est vrai que quand c'est plus tôt. En général, il y a des étapes à passer. Maintenant, on vous dit pas. Ça veut pas dire que tu peux pas tomber amoureux quand t'as 12 ou 13 ans. C'est ça, parce que chacun est un peu comme il est. Alors, je suis pas en train d'encourager au sexe, bien au contraire. Mais il y a tellement d'étapes à passer, faut prendre le temps, en fait. C'est parce que sinon, après, tu te retrouves à un âge où t'as tout fait. Tu vois, et tu peux aussi tomber dans un truc où tu dis, voilà, j'ai tout vu, j'ai tout fait, la vie n'a plus de goût. Il faut prendre le temps. Euthanasiez-moi. Non, mais c'est le craquage. C'est vrai, hein, un message pour Nigel qui est arrivé là tout à l'heure, parce que Nigel a demandé quand même à Priscilla, c'était quand sa première fois. Nous, on voulait pas savoir. Nigel, ouais, directement, il rentre dedans et on nous dit. Alors attends, j'essaie de passer le message là. Il nous a dit ça, tiens. Nigel, casse pas les couilles. On est tous passés par là. Allez, putain, ça se voit celui-là. Putain, Nigel, il est sérieux là, c'est un brawler ou quoi lui? Ça se voit, c'est un brawler, il est puceau. Comment tu peux demander à une petite mineure si t'es commencé la première fois, espèce de branleur, va. Oh, il est fâché. Ah. Mais lui, il est fou lui. La gênance, Nigel. Mais que gênance. Mais moi, j'assume grave ce que attends, je demande. Priscilla, elle avait 16 ans, je crois. Priscilla. Ah là-bas, elle avait 16 ans. Ah oui, elle avait 16 ans et demi, puisqu'elle allait avoir 17 ans prochainement. Putain, mais moi, je pensais qu'elle avait 12, wesh. Mais non. Ah ouais. Mais c'est encore pire. Alors Vince, moi, ma première fois à 16 ans et je suis toujours avec mon copain depuis maintenant 6 ans, félicitations Anaïs. Ouais, mais tu vois. Alors Vince, je l'ai fait à 14 ans. Excusez-moi, j'ai eu un arrêt cardiaque quand j'ai lu Anaïs. Quand j'ai lu le message et que j'ai eu un arrêt cardiaque. C'est le nom de sa fille. Ouais, c'est le prénom de ma fille, tu vois, qui a 5 ans. Donc du coup, j'ai fait oh! Et mon cerveau qui a bugué. Bah, c'est pas écrit, ouais. Anthony, Vince, je l'ai fait à 14 ans et c'était pas mal. Mais une fille doit prendre le temps, je pense. Par contre, je pense à l'inverse que Lara, c'est important de le faire assez jeune pour profiter. Genre pas à 25 ans. Ah, non, mais. Profiter, bon. J'ai jamais dit 25 ans. J'ai dit de prendre le temps et de le faire quand on est prêt. Dans l'idéal, quand t'es amoureux et que t'as une relation avec quelqu'un depuis longtemps, comme ça, il peut vraiment prendre soin de toi et tu sais que c'est quelque chose dans la confiance. Alors Nico, il est là pour réagir à l'antenne. Salut Nico. Salut Vite, salut Nico. Nico est dans la maison. Sur énergie. Hell yeah. Nico, alors toi, tu penses que c'est vers quel âge que c'est mieux de se lancer dans la première fois, là? Alors pour moi, la première fois, sincèrement, je vais viser les filles comme les garçons. Je pense que c'est mieux 18 ans. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je sais pas que je fréquente, mais je passe devant des écoles où la majorité des élèves sont âgés entre 12 et 15 ans. Et la maturité, pour moi, est de zéro, vraiment sur l'échelle je sais pas combien. Oh. Donc du coup, moi, j'évite. Franchement, je pense que c'est à cet âge-là, ils devraient éviter parce qu'ils n'ont pas encore la maturité. Ils ne savent pas prendre conscience de ce que c'est vraiment ce genre de choses. Et comme tu as bien dit avec l'équipe, si maintenant il y a abus envers la femme ou l'homme, bah, ça peut être considéré comme un abus sexuel. Et oui, ça mais peut à tous les âges, ça. Ouais, bah, c'est ça. C'est pas très gentil ce que tu dis sur les ados, ouais. Parce que à tout âge, on a l'esprit et le mental qu'on a, et c'est pas parce qu'on a une maturité de 12 ans que c'est zéro et que c'est nul. Le désir aussi, enfin, c'est le moment. C'est vrai que je peux pas généraliser tout le monde, mais je vois quand même des fois des gens, quand même des petits jeunes, 12, 15 ans, des fois, bon, j'ai parlé comme presque comme un adulte qui a 50 ans, là, qui vient de l'ancien temps, mais c'est ce que je vois. Et pour moi, 12-15 ans, pour moi, c'est pas vraiment un âge. Moi, je crois que les gens, ils oublient comment est-ce qu'ils étaient eux quand ils étaient adolescents. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, tu l'as fait à quel âge, Nico ? Je t'en pose des questions, Nigel. Ah, bah, tu vois. Non, mais souvent, les gens, ils oublient. Ah, voilà. Et ils oublient par quoi ils sont passés. Enfin, je sais pas, rappelez-vous. Bien quand sûr. Même, bah, non, quand t'es ado, le déchirement que c'est quand tu commences à avoir le désir pour quelqu'un, mais c'est un truc, mais qui t'envahit. Tu sais pas quoi faire. C'est ouais, dur. C'est amplifié quand tu compares. C'est tellement dur. C'est ça. Bah, maintenant, on vit toujours un truc un peu mal quand il y a des sentiments, etc. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, c'est nouveau. Y a c'est des, beau, c'est magnifique. Ça sort de nulle fort, part. Et en plus, t'es influencé par ce que tu vois à la télévision, t'es influencé par tes potes, t'es influencé par les réseaux sociaux. Et tu subis ton corps. Même si moi je suis influencé, je m'en fous. Moi je réponds que ça reste ma vie privée. Si je l'ai fait, je l'ai fait, point à la ligne. Mais Nico, mais aucun problème. Non, on n'est pas en train de parler de toi, que tu n'es pas dit. T'inquiète pas, mon pote. C'est un exemple que je donne. D'accord, mais en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est qu'il y a des jeunes de 15 ans qui nous écoutent en ce moment, et j'ai croisé des jeunes parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'écoles et j'ai eu l'occasion de faire des conférences et de discuter de plein de sujets, et j'ai vu des personnes qui avaient d'expérience, des jeunes de 15 ans qui avaient une maturité de personnes qui en avaient 25-26. Je connais des mecs qui ont 25 ans, c'est toujours des gamins de ouf quoi, tu vois. Donc c'est assez large, mais en tout cas c'est intéressant ce que Nico nous dit. On va voir la réaction de Fred aussi. On note encore vos réactions là sur le 0492 222 002. On arrive tout de suite sur Énergie, on a encore le Give Mo 5 qui arrive et le Kiff ta mère. Waouh, gros programme. Let's go! Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est le 6-9. Je me souviens, je fais la musique de Boom de 6ème primaire. Là-dessus ? Ouais. T'as chopé ? En 6ème primaire. Bah quoi ? C'était déjà étonnant qu'elle soit invitée au Boom. C'est le 6-9. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h, Marco, Jérémy, Frisco vous offrent 1 500 € de shopping pour profiter du Black Friday. Darkness bring out our emotions, mix them up in that life potion. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise, fix some scars we share with white light. Close my head for you. Keys to heaven now, blaze all around and the gum of my spinning. I got the keys to heaven now, blaze all around and the gum of my spinning. I got the keys to heaven now, blaze all around and the gum of my spinning. Hey. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. No more smoking, let me love that fire. I don't need no memories. Baby's broken, I'm floating higher. This madness is over for me. Memories. l'énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h sur Énergie. Mais oui, on est là, bienvenue sur Énergie. Il y a Nigel qui est dans la maison. Et merci. Il y a Lara qui est dans la maison. Et merci. Et puis il y a Thibaut qui est dans la maison. Et merci. Et il y a Eddie qui est dans la maison. Et il y a Vince qui est dans la maison. Et merci. Et voilà, et merci. La boucle, Avec plaisir tout ça là. Bon, je vais quand même monter mon casque, bien positionner mon micro. Bon, les amis, on a Taki Taki qui va arriver, Que Black avec JNI et NASA qui s'appelle Équilibré. On va continuer à parler avec Nico, avec Fred. Je rappelle aussi que dans quelques instants, on va se lancer dans le Gimmo 5. C'est le moment des pranks là. Le Kiff ta mère aussi. Yeah. Si ça décroche encore le Kiff ta mère, parce qu'on le fait très tard, le Kiff ta mère. Et j'ai reçu, avant de récupérer nos amis là, plusieurs messages, notamment une note vocale de Jimmy, très intéressante. Je la joue. Bonsoir l'équipe, bonsoir Vince. Salut Jimmy. Eh bien, je vais te poser une petite question. C'est vrai que, comme tu dis si bien, il y a énormément de maturité, quelquefois sur les personnes jeunes, etc. Maintenant, comme tu as une fille, est-ce que tu vois que ta fille a 13 ans, invite son copain chez elle et font des choses dans leur chambre du même âge, évidemment, hein, mais... comment le vois-tu, toi, personnellement ? Ben, il n'y a pas de copain qui rentre à la maison, tout simplement. Ah, non, mais ça, c'est très sympa. Alors, c'est très précis parce que, bon, c'est mes principes. Je jugerai par rapport à la maturité de ma fille. Maintenant, je pars du principe aussi que ma fille et moi, et en tout cas avec mon fils, j'essaye dans l'éducation et on ne sert pas. Parce que peut-être que demain, il y aura un accident de parcours. On n'en sait rien. Mais j'essaie en tout cas de faire en sorte qu'ils me disent des choses et qu'ils me disent ce qu'ils pensent, qu'ils me disent qu'il y ait une confiance exactement et qu'ils ne sentent pas de tabou. Genre s'ils veulent aborder un sujet. C'est la meilleure manière pour que les enfants fassent pas de bêtises. Hein. Exactement. C'est qu'il y ait pas de tabou. Ben si tu fais des tabous, que tu mets des limites, tu transgresses. Ça c'est voilà. Je pense que les interdits favorisent la transgression tout et même fait. Si les enfants ont l'air d'être 100% clean devant tes yeux, ils transgressent derrière ton dos et ça j'ai pas envie. Il a levé la main. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais réagir à ça. Moi je pense que j'aurais plus facile à dire oui à mon fils qu'à ma fille. Ah et voilà, le patriarcat dans sa grande puissance. C'est pas évident parce que j'ai un fils donc de 7 mois et une fille de 5 ans et je me dis est-ce que je dois les éduquer de la même manière ou les éduquer différemment en sachant que voilà. Je pense que quand ton fils il c'est sa première fois avec une fille, tu fais est-ce toujours. Que c'est moins important qu'une fille. Bah, c'est hyper important la première fois. Il y a toujours ça. Alors, ça dépend quand c'était le père qui considère ça ou si c'était la mère. Alors là, on rentre dans un autre gros débat. Moi, par exemple, j'estime que ma fille ne mènera à la maison qu'une personne avec qui elle aura une relation depuis un moment parce que j'estime que la famille c'est vital. C'est la famille. Et ton fils. Mais le fils c'est pareil. C'est-à-dire j'ai envie de les mettre sur un même pied d'égalité. J'aurais tendance à dire par rapport à l'aspect culturel, par rapport à mon père, donc l'éducation de mon père, qui serait. Bon, on n'est plus laxiste avec le fils, tranquille, t'as un peu l'héritage, nanana, mais j'ai envie, par contre, je trouve que ce sera injuste par rapport à ma fille, donc j'ai envie de les mettre sur un pied d'égalité. Et moi, dans mon principe, c'est, si jamais tu m'amènes quelqu'un à la maison, mais ça veut dire qu'il y aura eu une éducation qui aurait été inculquée à l'avance, du moins j'espère, c'est-à-dire que si tu m'amènes quelqu'un à la maison, c'est que tu sais pertinemment qu'avec cette personne-là, je demande pas de faire ta vie. Mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux et que c'est pas quelqu'un que je vais voir disparaître et une autre personne rappliquer dans les jours qui viennent. Mais elle peut pas savoir ça. C'est ça. En fait, j'ai envie de laisser. Si tu veux qu'elle le sache, tu lui mets une pression d'enfer. On sait pas, mais c'est-à-dire que je préférerais, à mon avis, avoir une vraie conversation avec en disant, écoute, la famille, la maison, c'est un endroit qui est précis, c'est un endroit qu'il faut protéger. Et lorsque quelqu'un rentre, ça veut dire qu'on le considère comme de la famille. Mais hyper sévère. Mais sévère non. C'est-à-dire que c'est simplement une protection de la famille. Maintenant, je suis pas en train de lui dire, je t'interdis de le faire. C'est-à-dire que si c'est pour faire des devoirs, machin, chose, etc. Ouais, des devoirs. Mais, les devoirs se passent dans le salon, ça se passe pas dans la chambre. Mais imagine, t'es pas là. Donc voilà. Je pense oui, parce que de toute façon, ça peut se passer derrière le dos. Donc, puisque ça peut se passer à l'extérieur du cercle familial, c'est vrai, tout à fait. Il faut, je pense, apprendre aux filles et aux garçons d'abord, avant de respecter le reste ou la maison, de se respecter soi-même, son corps, et puis, respecter vous dire les choses, je pense, sa petite fleur et respecter son petit rond. Parce que il faut se respecter, faire ça bien. Et puis, c'est important, je pense, le dialogue entre les parents et les enfants. C'est voilà, maintenant la sexualité des enfants quand ils atteignent les 16-17, voilà, ça te regarde plus. Mais avant, je pense qu'il faut quand même se jeter parce que on ne sait pas ce qui se passe à l'école, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Exactement. Essayer de leur parler d'amour déjà, premièrement. Tout à fait, tout à fait. Et puis ne pas faire un sujet tabou. Tu fais un sujet tabou de ça. Moi, mon père, il m'a directement expliqué c'était quoi le sexe. Il m'a directement dit les choses. Ah ouais, il me l'a dit, ouais. Très jeune. T'as dit quoi? Bah, il t'a dit, tu pointes un bitway ou tu la mets dans une chatte. Je te jure qu'il me l'a dit. Je te jure qu'il me l'a dit. Il m'a pas dit comme ça. Il m'a pas dit comme ça, mais il m'a. Mais si, mais il m'a dit, super tôt comment on faisait les bébés. Et au final, je sais pas. Bah, y a rien de grave, c'est naturel, c'est la nature. Pourquoi c'est gênant? Bah, je sais pas, discuter de avec tes parents de tes relations sexuelles. Franchement, j'ai toujours esquivé les conversations. Je remercie mon père. Franchement, je. Mais ouais, mais parce que c'est peut-être malaisant, mais je remercie franchement mon père et ma mère d'avoir été super honnête, pas avoir faire genre oui tu vois la fleur elle mutine machin, j'ai posé ces questions là, mais honnêtement ça fait que la chose enfin c'est de mon point de vue, maintenant chaque personne réagit un peu à sa manière et je dis pas que ma manière est la meilleure du monde, loin au contraire, mais en tout cas j'ai l'impression que grâce à ça qui t'ai dit la vérité, voilà, grâce à ça je savais de quoi il en retournait, et lorsque j'ai dû être confronté à ma première fois, les choses se sont passées tranquillement, relax, la vie est belle. Je tiens à dire quand même, je sais pas si on va encore parler longtemps de ça, mais les on amis pour Nico leur première fois ou votre deuxième ou votre troisième, protégez-vous, hein, avec des préservatifs. Merci de le dire. Allez faire un petit tour dans les plannings familiaux parce que voilà, ils peuvent vous écouter, mais le préservatif. Ouais, suffit d'une fois pour tomber malade ou alors pour tomber enceinte, je traîne pas précisé aussi. Mais enceinte, les gens pensent pas trop, ils disent ouais c'est pas grave, mais malade, il y a moyen. Ah oui, bien sûr. Il y a moyen de tomber très Jimmy malade. Jimmy m'a renvoyé une note par rapport à ça. Oui, mais le problème de tout ça, c'est qu'il faut une égalité, et une égalité que ça soit la fille ou le garçon, faut bien se dire que quelque part, celui qui a un fils, ouais, bien, c'est peut-être bien. Mais il faut penser aussi à celui qui a sa fille. Bah oui, parce que le donc fils, je crois un petit peu, pour en revenir à ça, je crois qu'il y a quand même un minimum d'âge, même s'il y a maturité et tout, faut un minimum de logique, un minimum de maturité, comme tu as si bien dit. Mais j'irais plus une logique. D'avoir un minimum de vécu déjà, de compréhension. Oh, tu sais quoi, j'ai changé d'avis. Ma fille, pas avant le mariage, c'est comme ça. Oh my god. Elle commence pas de casser la gueule. Ça, tu pourras jamais décider à sa place. Mais non, mais c'est une blague, c'est de l'humour, bien sûr. On récupère Nico, tu penses quoi de tout ce qu'on dit là dans l'émission? C'est pas faux. Ah, ok. Je vais un peu reprendre ce que l'équipe a dit et ce que les autres auditeurs ont dit aussi. Je vais un peu retirer mes paroles en disant que je vais faire une globalité. Merci. Non mais t'inquiète pas, c'est ton point de vue, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand même, on doit faire attention. T'as raison. De toute manière. Protéger nos enfants, quoi, c'est voilà. Sûr. Et je pense que la meilleure des protections, c'est d'avoir de dire les choses. Alors ça peut paraître bizarre, et je comprends, d'un point de vue culturel, c'est compliqué. Parfois, quelle que soit ta culture, il y a des sujets que t'abordes pas avec tes enfants, ouais, parce que vrai, ouais. On ne t'a pas appris à les aborder avec tes enfants, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses aux enfants pour que, à un moment donné, tu sais, quand tu m'as interdit sur quelque chose, genre, non, le sexe, c'est pas bien, il faut pas faire ça, etc., etc., ton enfant va le faire. Il va le faire. Et même si devant toi, il va sourire en disant, ouais, t'as raison, c'est pas bien, tu mets la curiosité sur quelque chose. Par contre, il faut pas le banaliser. Mais si tu expliques, bon, le sexe, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, comme un meuble Ikea. Et voilà. Tu vas ressentir du désir, tu vas monter en toi. Voilà. Mais je fais une comparaison parce que le meuble Ikea, tu vas l'utiliser parce qu'il va te servir. Tu vas pas l'acheter parce qu'on t'a dit, non, attention, les meubles Ikea, faut pas les acheter. Bah, tu vas être curieux, tu vas aller voir les meubles Ikea. Bah, le sexe aussi, ça sert. Bien sûr, exactement. Mais si tu parlais avec un adulte comme tes parents, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Aussi avoir des bons mots. Les parents, faut savoir à qui le dire. Non, si ton père n'a pas envie d'en parler du tout et qu'il est du genre à tirer la tête tous les jours, ça sert à rien. Oui, ben voilà, mais après, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à en parler, comme les plannings familiaux. Alors, il y a un message d'Ilias qui me dit, Vince, on est musulmans et je parle de tout sans exception avec mes parents. C'est génial, Ilias. Hein. Magnifique. C'est génial de pouvoir avoir un lien comme ça avec les parents. C'est une question de personne. Hein. Exactement, et de ne pas avoir de sujet tabou. Je trouve ça vraiment trop bien. Alors, petite question en fait, pour l'équipe, c'est un truc qui m'a interpellé pendant les 5 minutes qu'on était en pause. Ouais, ouais. Admettons maintenant, vous avez une fille, elle a, je sais pas moi, 17 ans. Mm-hmm. Elle vous dit, j'ai un mec qui a 7 ans de plus que moi. Mm-hmm. Sur cela, tout va bien, ils sont ça fait un an qu'ils sont ensemble et tout. Et là, à un moment, elle vient vers le père et tout, elle dit, ouais, papa, j'ai passé à l'acte. Mm-hmm. Comment toi, Vince, tu le prendrais si ta fille te le dit comme ça? Ben, merci. Sachant que ta fille sort avec un mec qui a 6 ans, voire même plus. Ben, tu sais, il y a une différence entre, j'estime en tout cas, qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a 17 ans et qui sort avec 24, qu'une personne qui a 13 ans et qui sort avec 20 ans. Ça devient assez malaisant. 17 ans, t'as fini ta réto, il y a une certaine maturité, etc. Et t'as une majorité sexuelle, de base. Maintenant, si ma fille me dit, je suis amoureux, et je vais donner un exemple que tu vas comprendre, ma grand-mère a rencontré mon grand-père quand elle avait 17 ans. Et ils ont passé 50 ans de leur vie ensemble. Donc, Wow. J'aurais pu, si je retourne dans le passé, je prends Time Machine, Marty McFly. Ah, c'est quoi ça, mamie? Tu sors avec quelqu'un de plus âgé que toi, etc. Ils ont duré des années je ensemble. Pense de toute façon, quand ta fille va dire je suis amoureuse et je suis d'un mec, c'est cool qu'elle me le dise. Déjà, ça va te fendre. Tu vas être là. Ah, ouais, c'est cool qu'elle me le dise. Mais elle te le dit. Voilà. Tu vas rencontrer le gars et tu verras si c'est quelqu'un de bien ou pas. C'est, ça exactement, se passe sur ça. Exactement. Mais pour tes grands-parents. Actuel, hein. Maintenant, on ne sait pas sur qui tomber. C'est pas le problème. Merci. Et je salue mes parents qui ont eu, enfin, ma mère, qui, bisous à mon papa aussi, mais 11 ans de différence. Ah oui. Voilà. Ouais, ma mère, 10 ans plus jeune aussi. Donc voilà, bah, ils ne sont pas rencontrés, genre un à 20 et l'autre à 10. Hein, je te l'ai précisé. Oh le bordel. Ah, en tout cas, Nico. J'ai un doute, Vince. J'ai un gros doute. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? Ouais, dis-moi. Dans le sens où, en fait, bon, j'ai des potes qui, eux, l'ont fait, ça, je suis d'accord. Mais moi, en fait, j'ai une philosophie que j'ai toujours eue, c'est. Je ne sais pas quand et avec qui. Quoi? Même si vraiment je suis avec quelqu'un, tranquille, tout se passe bien. Mais on n'est jamais sûr que c'est la bonne personne qu'on va le faire. Parce que moi, ah ben bah oui, bah ça. Comme dans tout dans la vie. Non mais, hey, je suis jamais sûr que j'ai pris le bon job. On n'est jamais absolument. Alors ça, c'est. T'as 40 ans. C'est une règle immuable de la life. Tu rencontres un gars ou une meuf, tu n'es jamais sûr. C'est toujours un risque, ouais, l'amour et la relation. Ça pour tout, mais même n'importe quoi. Je veux dire, tu sors avec ta voiture, t'es jamais sûr de la route, tu vois. Donc, faut pas se poser de questions. Je pense que lorsqu'on ressent des choses, il faut le faire, il faut y aller. Et parfois, effectivement, on fait des erreurs et voilà. Je pense que c'est ces échecs qu'on apprend des choses et qu'on apprend à se connaître soi-même et à savoir ce qu'on veut réellement au final. Et parfois, on trouve directement chaussure à son pied. C'est merveilleux, quoi. Donc voilà, Nico. Hein. Magnifique, merci Vince. Merci à l'équipe d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir, on est là, mon pote. À bientôt et merci à toi. Hein. Merci à vous. Et bonne merci. Première fois. Hein. Ouais. Bisous, Nico. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ah, c'est beau, pauvre Fred, ça fait longtemps qu'il est dans le standard, notre ami Fred. Ça va, Fred? Ouais, ça va et toi? Bon, ça va, mon pote. Hein. Ah là là, Fred, il voulait te parler de. Voilà, il voulait dire que ça dépend de beaucoup de choses, mais ça reste incontrôlable tout ça. On en parle avec toi dans quelques instants, ça va? Ok, ça roule. Splendide, Fred, ne bouge pas là. Et merci pour tous vos messages. Là, il y a Hello qui est connecté aussi. Quentin, Najat qui nous a envoyé un long message vocal que je vais lire juste après. On va se mettre en mode kiffe ta mère, j'espère qu'on aura le temps. Kiffe ta femme aussi. Temps, ouais. Eh ben parfait, parce que tout de suite, c'est Que Black avec Bambi et Jayanai avec NASA. Vous savez, Jayana est celui qui a fait Dem Metadon, oui, à Bamfoya, moi de Dem là. Oui. Voilà, ou la Bamfoya. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. Ah ouais. Avec NASA, ça s'appelle Équilibré. Bienvenue sur l'énergie. Vince et Dom, all right. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl, them we get some fun. And we make the girl, them giddy man bun. And look around the place, Gigi Standon. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Oh yes, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah. The girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Throw them pa ya lock the city. Equilibre. Des femmes on se gros dos et les belles filles si on des mazongos. Hey, on est trop logo. Hey. Bang bang rave en moto. Qui prend les rênes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négé c'est la street. Qui envoie de la bombe de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle, la balle c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah, ah, ah. The girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Throw them pa ya lock the city. Equilibre. Ah. See me inna the club, the girl me a fuck. Talk them a talk, but my drops them struck. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns them a knock. Mama, ce soir y'a des morts dans la queue. passe ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Mais oui, ça a le mérite d'être clair tout ça là. D'ailleurs, Najat m'a envoyé une très longue note vocale. On parlait de quel était le meilleur âge pour faire l'amour la première fois. Et Najat m'a écrit, ouais, m'a envoyé ça à 50 secondes. Attention, Najat, hein, c'est beaucoup. C'est pareil en fait, comme Ilias aussi. Moi j'ai deux filles et on communique beaucoup à ce niveau-là. Moi j'ai pas eu cette éducation sexuelle avec mes parents. Et du coup, bah, voilà, je n'ai pas trouvé de difficulté à discuter avec elles et d'en parler et de leur dire de faire attention quand même et de préserver ça et de protéger ça et de le faire avec quelqu'un avec qui elles sont bien et de faire la première fois, c'est important. Et comme j'ai dit, il ne faut pas banaliser les choses. La vie sexuelle, c'est important et que aussi, en fait, c'est un passage très, très, très, très, très délicat et il ne faut pas, en fait... passer ça comme ça. Et aussi par rapport aux parents, je pense qu'en fait ils doivent eux aussi discuter avec les enfants, parce que moi j'ai des connaissances qui ont donné la pilule ou le préservatif et puis basta quoi, ils n'ont pas discuté et je trouve ça choquant. Oui, bien sûr. Ah, il faut un échange effectivement. Magnifique, c'est... Najat. Bravo Najat. Oh, joli, joli. Tu as tout dit. Mais il y a plein de messages. Abdel nous divine, j'ai un fils de 3 ans, une fille qui va naître bientôt. Félicitations. J'ai un fils de pute. Il y a jeune, il y a que dans ton cerveau qu'on t'entend ça là. Et je compte les éduquer de la même manière et pour éviter qu'ils n'attrapent une maladie ou qu'ils aient un enfant trop jeune, je pense les emmener dans les hôpitaux voir les gens atteints de maladies sexuelles et aussi dans les maisons d'accueil où il est trop il y a trop de jeunes parents qui abandonnent leur bébé il veut sensibiliser carrément là. Et il nous dit quoi d'autre Jimmy là? Et oui, c'est surtout ça le problème. Et on en revient toujours à l'âge. Quand on est jeune, on pense être au-dessus des lois, au-dessus des capotes, au-dessus des préservatifs et tout ça. Il a pas tort. Et parce que le message s'est arrêté de manière un peu brutale. Sinon, ça va pas m'arriver, mais bon, ça arrive. Et Ruben, ouais, il dit quoi, Ruben? Salut toute l'équipe, merci pour cette soirée. Je voudrais seulement dire que mes parents, ils ont commencé à parler de sexe quand j'avais 2 ans. Et voilà, quoi. J'ai beaucoup appris avec eux. Et grâce à eux, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Ah, grâce à tous nos parents, effectivement. Et Morgane dit, Vince, pour moi, la sexualité, il faut en parler depuis le plus jeune âge, simplement par la connaissance de son corps et ensuite, petit à petit, en grandissant, expliquant sans tabou ce que c'est, ainsi que les relations hommes-femmes. Ma première vraie relation a duré 6 ans. J'étais bien dans ma tête et dans mon corps et j'ai su attendre le moment venu. Et tout ça grâce aux explications et discussions avec mes parents. Grâce à cela, la première était magique. Ah, les parents, mais c'est la base. Attends, mais les gens sont merveilleux. T'as vu, on a déjà 3 messages là de personnes qui font hyper attention. En fait, c'est répandu ce dialogue. C'est magnifique. Totalement, je trouve ça super fort. Ouais, c'est répandu, mais est-ce que c'est respecté par tout le monde? Non mais déjà que ça soit dit, c'est ça qui est important. Ouais, après tu gardes pas tes enfants en laisse non plus. C'est sûr. Et un petit message de Leïla aussi. Et moi ma mère, elle m'avait acheté le guide des zizi sexuels, c'était trop génial. Ah bon? Et je l'ai gardé, je pense que je le donnerai à mes futurs enfants. Ah bah je ne connaissais pas ça, tiens. Petit œuf. Ah ouais, bah oui, c'est juste le guide des zizi sexuels. Mais j'ai pas lu, mais je vais regarder, tiens. Et tiens, quelle heure est-il? Madame Sardine. Ah 23h23. Émergé. Émergé. 23h23. Lara, la femme pas superstitieuse du tout. La femme qui n'avait pas peur des chiffres ronds et carrés. Elle adore les chiffres miroirs. Comme ça, elle peut se regarder dedans. Elle adore quand les heures se frottent et se piquent. Comme un cactus. Sexuel. Alors, Quentin qui me dit, Vince, moi mes parents ont fait l'unif, la guindaille, les chansons cochonnes, etc. Donc forcément, sujet loin d'être tabou à la maison, depuis petit avec mes deux frères, et idem, guide du zizi sexuel, au top. Et Valentin dit quoi? 23-23. Exactement. Rapidement, on parle avec Fred, puis on va cuire Cisco et Martin dans le standard, là. Allô Fred? Oui. Yo, mon frère, les enfants. Alors, Fred, on va clôturer le sujet avec toi parce qu'on a beaucoup. Oh, putain, il est chaud là. Oh, putain. On va clôturer le sujet avec toi. Tu voulais nous dire quoi par rapport à cette fois de la première fois, justement? Bah, la première fois, je pense que 16-17 ans, c'est bien parce que ça reste toujours les histoires, les premières histoires d'amour et tout ça. Mais là, je dis pas non plus qu'il faut le faire avec la première personne venue, mais voilà, il faut le faire avec quelqu'un de confiance, avec qui on se sent bien, avec qui on est depuis un moment. Et c'est pas sauter sur le premier venu, histoire de dire on a été le faire avec les potes et tout. Allô. Excellent. Merci Fred, pour ton intervention. Fred, la suite, Fred. Oh, mais, je croyais que c'était une note vocale. Non, non, ça veut dire qu'on est en ligne. Mais sauf qu'on l'entend plus, là. Enfin, je crois que lui, il nous entend plus, Fred. Ah merde, ouais, on a perdu. On a perdu Fred. Mais c'était bien ce qu'il disait. Complètement, c'était super intéressant. Voilà, pas le faire pour le faire, mais le faire dans, voilà, avec de l'amour. Et les avec amis, une histoire. Nous allons clôturer ce sujet avec une note vocale, celle-ci. J'en connais un qui va taper sa bite sur son oreille aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est cette note vocale. Moi, mon père, il me disait de cracher sur ma bite pour entrer dans sa chatte. De son père. Ah. Mais non. Hein. Son père lui a donné comme conseil, mon fils, plus tard, il va falloir que tu voilà, c'est bah, tout. C'est un bon conseil. Oui. C'est une manière, hein, je sais pas, une petite note vocale. Mais t'es où? Ah sérieux Vince, je te connais depuis Fun Radio. Ouais. Et franchement, j'ai zappé. Je suis trop content d'être retombé sur toi. Et Lara, oui. T'as une voix qui m'a trop manqué. Hey, oh merci mon pote, et c'est merci. Bon ça. Oh, wow. Ah oh là là, moi dans ce genre de cas, tout ce que j'allais dire c'est Living My Best Life. Hey. Ça c'est le genre de message qui fait plaisir, tu vois. Hey, je fais un coucou à ceux qui nous découvrent le soir là, qui nous connaissaient pas, ceux qui nous ont connus avant sur d'autres radios et qui débarquent là et qui kiffent. Merci à toi Jérém pour ce message, c'est vraiment très sympa là. Première fois qu'il envoie un message à la radio directement en note vocale, hein, wow. Faut le dire. Et ben c'est cool. Bon, on va peut-être faire le qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien après peut-être parce que là là c'est high level hein, ce qu'on a là. Bon, par contre on a Cisco dans le standard. Salut Cisco. Ouais, salut. Oh, Cisco, oh, dans la maison. C'est l'équipe, tranquille. Mais ça va et toi mon pote, comment la vie? Ça va. Tranquille. Tu viens de quelle ville, dis-moi? Nivelles. Oh tiens, Nivelles. Et merci, c'est dans le patelin, mais n'a rien à voir, Nigel. Ah, je rigole. La tartale Jot, représente ton patelin. Vas-y, ouais, défends ton. Il y a quand même pas mal de Nivelles. Hein. Défends ton patelin, il a dit les consanguins, le fou, là. Thibaut, ouais, vas-y, défends. C'est pas grave, ça fait pas longtemps que je suis ici, je suis pas de Nivelles, moi. Ouais, t'as bien raison, frérot, reste pas longtemps là-bas. Après, bientôt, tu vas acheter des chiens par la fenêtre. Mais t'es sérieux, rencontrer derrière chez moi en plus. Attends, tu sais ce qui est ouf, c'est que tu t'appelles Cisco, on est d'accord? Non. Ah, c'est ton pseudo alors? Ah. Ouais. Ok, moi j'aime bien Cisco, tu sais, ça m'a fait penser à un vieux truc. Alors, ceux qui ont plus de 25 ans, ils vont savoir. Que plus de 25 ans, oui. Ah, tu connais toi? Mais sans blague. Ouais, t'avais 4 ans. Et qui connaît ça là? Et c'est pour toi Cisco. Check it out. Dress up scandalous. Hey! Whenever a nigga can handle it. So you're shaking that thing like who the ish. With a look in your eyes so devilish. Moi, tout ce que j'entendais dans cette chanson, c'est lush, lush. Ah oui, lush. C'est vrai qu'on ouais, c'est vieux, j'avais 12 ans. Je crois que ça date de 2000, 2001, un truc dans le genre. That's the what, really bad. And it's the game. That's like chop. That's like what, all night long. Let me see that thong. Baby. String. Ouais, c'est ça en fait. Il dit string en fait, c'est la chanson du string là, en traduction. String. T'imagines, on fait une chanson du string, on ferait un bad buzz. Quelle est la couleur de ton string? Un string color. T'as dit quoi, Cisco? Ça c'est mieux ça. Ouais, on va faire la version française, ça va être spécial. Excellent. En tout cas, bisous à Fred et courage à toi, mon pote. Je sais pas si c'est toi le Fred. Est-ce que vous pouvez appeler Fred pour lui dire qu'on a perdu le pauvre? J'ai pas envie qu'il croit qu'on lui a raccroché au nez ou un truc dans le genre. Ce serait pas cool. String. Ouais, c'est ça en fait. String, en fait. Ali, tu dis quoi, Ali? Ah non, Ali, il a juste enregistré la radio, c'est tout. Bon, les amis, Cisco contre Martin ce soir. On va faire le jeu du Give Me Five. Cisco, tu veux faire équipe avec qui ce soir? Tu as le choix entre les pauvres, ils ne jouent jamais. D'ailleurs, faudrait un peu penser à eux. Thibaut et Eddie ou alors Nigel, Lara et moi. Cisco, tu choisis. Je vais prendre Eddie. Eddie, ah, eh ben c'est bien, ça fait plaisir ça. Et on a Martin merci. Qui est là. Salut Martin. Salut l'équipe. Yo Martin, salut, dans la maison. Martin, ça vient. Alors ça vient de quelle ville, Martin? De Hatt. Hatt. Ah ben c'est cool ça. On a Hatt qui est dans la maison. Ouais. J'ai pas encore la chanson de Hatt. Il va falloir que j'en trouve une. Ouais, on va trouver, t'inquiète. Prochainement. Alors Martin, tu as quel âge, dis-moi? J'ai 15 ans. 15 ans. Tu viens de quelle école? Bah, Lara. Ah, bah, bien sûr! Tout le monde vient de Lara. Big up au gang. Big up Lara. Merci. Non, pas toi. Là. C'était lourd, Bing. Merci t'as quand même. T'as kiffé, mon pote? De ouf. Ah, mais c'était magique, hein. Je m'y attendais pas non plus, hein. Ouais. Tout ce bordel, à mon dé. T'étais dans le public, t'étais où, toi? T'es en quelle année? Quatrième. Vers les bas. Vers les quoi? On était coupé. T'as dit quoi? J'étais près de Sacha Malice. Ah merde, putain. Attends, ah ouais, Sacha Malice, c'est le DJ qui est derrière. Qui est un ancien de l'école. Et d'ailleurs, Martin dit t'as vu le bordel quand j'ai dit ouais, rapprochez-vous, je croyais qu'il allait y avoir des morts à un moment donné. Quoi? Ouais, c'est et quand j'ai dit rapprochez-vous tous, bah, parce qu'il fallait serrer pour faire une photo, ah ouais. Genre il y avait tous les petits devant, ils se sont fait écraser. Ah ouais, mais ah ouais, ouais, alors du coup j'ai dit non, mais c'est bon, reculez. Et ça a reculé direct. Donc c'est cool, ça a obéi. Ouais, franchement, non, mais superbe école. Hein. Et big up à ta directrice, elle est cool en plus, ta directrice. Hein, ouais, ouais, est... je l'appelle Stéphanie de Monaco. Elle est bonne? Elle est sympa. Ah ouais? Elle est sympa. Ah, t'as dit qu'elle est dégueu. Non, arrête, Dieu, elle ne manque pas de respect. Putain, j'ai bientôt rendez-vous avec elle et toi, tu me fais ça. Mais moi, j'ai pas rendez-vous professionnel. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, fous pas le bordel. Sur un canapé. Martin, ça te dirait qu'on revienne et qu'on fasse quelque chose de très très sympa dans ton école? Ouais, grave, du coup. T'inquiète pas, on est en train d'y bosser là. Il y a des échanges de courriers avec ta direction, t'inquiète pas. C'est la meuf. L'école vers le haut, toi-même tu sais. Bon, Martin, tu as le choix de faire équipe avec Thibaut, Lara, moi ou alors Nigel. Tu as le choix. Ah, moi je prends Nigel. Ah, hein. Oh, merci. Hey, une petite fight Eddie contre Nigel, c'est bon ça. Ouais, comme d'hab. Une petite fight des familles, tranquille, on va se faire plaisir. Et vous savez quoi, ça va arriver juste après Taki Taki. Je le joue après Taki Taki, Nigel, taki, hein, on est d'accord. Ouais, hein. On est d'accord. Ouais. Taki voilà. Taki. Parce que sinon, Taki Taki dans ton équipe. J'ai personne. Taki Taki. Oh putain, j'ai capté la blague. Oh, merci. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider, Vince. Oui, bon, je dois dormir. Hein. 1h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. H24 pour t'aider, je veux bien, mais laissez-moi quand même mes petites heures de repos. Martin contre Cisco au Gimo 5. Et on a encore le kiff ta mère. J'espère qu'on va avoir l'occasion de le faire tranquillement ce soir. Et bien, c'est tout de suite sur Énergie. Soyez les bienvenus. On est en live. D'ailleurs, juste un truc comme ça que je veux vous dire. Vince est dans la maison! Dès votre réveil, c'est Marco, Jérém et Frisco dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez chaque jour jusqu'à 500 euros cash en écoutant Énergie à 8h05. Jusqu'à 500 euros cash en jeu tous les jours sur Énergie à 8h05. Pour jouer, c'est simple. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Duel par SMS au 78 et rendez-vous sur Énergie à 8h05. 1 euro par SMS envoyé et reçu. Issues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed, little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild. Loving you was cool and hot and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. From loving you was sunshine, but then it poured and I lost so much more than my senses. 'Cause loving you had consequences. Vince est sur Énergie tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Et ouais, je ne finis jamais à l'heure. Paolo qui m'envoie une petite note vocale. Salut à tout le monde et bonsoir les gars. Et merci Paolo. Allez, c'est parti, DJ Snake, Taki Taki sur Énergie. Báilame como si fuera l'última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bébé. Taki Taki, Taki Taki, rumba. los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Veux délirer avec Vince en direct? Appelle maintenant le numéro gratuit 0800 23456. 0800 23456. Oui, c'est standard et en plus il est gratuit, c'est toujours très sympa. Yeah. Et ça permet de donner un petit peu du boulot à Eddy, à Thibaut. N'hésitez pas, hein, si jamais vous n'avez pas WhatsApp, ça marche aussi. Et puis le 3018 aussi, ça fonctionne si vous n'avez pas WhatsApp, les amis. En tout cas, sympa tous vos messages qui sont arrivés ce soir, il y en a vraiment eu beaucoup, beaucoup. Thibaut, tu peux mettre le téléphone en charge parce qu'il est en batterie faible. Je sais pas, il reste combien de pourcents de batterie là? On a combien là sur le WhatsApp? On a 14. 14? Fais gaffe, putain, il va passer de 14 à 2%, tu vas rien comprendre ce téléphone. Surtout quand on va commencer à lancer le mot de la fin. Alors, j'ai une proposition pour qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Sauf que je me demande si on le ferait pas demain. Parce qu'avec le mot de la fin, on n'aura pas le temps de le gérer correctement. Donc, Damien, si tu nous écoutes, ce sera pour demain. Comme ça, tu sais. Bon, c'est parti. Tout de suite, Give Me Five sur Énergie avec Cisco et Martin. Cisco qui fait équipe avec Eddie, Martin qui fait équipe avec Nigel ce soir. Et les mots d'Eddie sont, les mots de Cisco sont portique, bandage, anxiété, lutte. Et c'est quoi le dernier que t'as, Cisco? J'arrive même pas à lire. Libido, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Putain, on dirait qu'il a écrit libéral, Thibaut. Thibaut, il écrit chelou quand même. Il y a une écriture de fille, Thibaut. Sérieux? Il doit cacher des choses. C'est une pute. Ouais, non, bien, Nigel, putain, directement lui. C'est parti, on appelle pour. Vince. Ouais, dis-moi, Cisco. T'as dit lutte? Non. Libido. Libido. Non. Hutte. Ah ouais, hutte, c'est une hutte, pardon. Hutte, hein. Ouais. Hutte. Mais lui, on dirait qu'il m'a écrit lutte, c'est ouf quand même. Ouais, c'est hutte. Voilà. Un pizza hutte, quoi. Bon, allez, c'est parti. On y va, on appelle pour Cisco, on appelle un hôtel au hasard. Il faut tenter de placer ces 5 mots en moins d'une minute. Précise que le gagnant repart avec du beau cadeau. On a des jeux console. Oula. On entend mal. Oui, allô, bonsoir, je serai pour un renseignement. Voilà, est-ce que si maintenant on arrive encore à votre hôtel, il y a un code portique? Pardon, monsieur? Laisse-moi. Y a-t-il un code portique? Portique, ouais. Portique. Ah, bravo. Ouh, j'entends rien. Ah ouais, mais nous non t'entends plus. J'entends plus rien. Ça coupe quand vous parlez. On peut peut-être lui donner une chance à appeler un autre hôtel, non? Attends, ouais, parce qu'il n'y a pas de réseau l'hôtel. On va appeler un autre. Ouais, Cisco, on a eu un problème, je sais pas, sur la ligne, là, on ne le captait pas, donc on va être super cool. On te propose de recommencer. Bah, nickel. C'est parti. Est-ce que c'est possible de faire l'émission depuis l'arrêt? Je vais commencer à votre service. Oui, bonsoir, je serai pour un renseignement. Oui. Voilà, et Frédéric, ce serait pour savoir si en arrivant tard chez vous, il y a un code portique. Il n'y a pas de code portique, mais s'il y a toujours quelqu'un. D'accord, et alors voilà, j'ai un peu d'anxiété. Vos chambres sont pas trop étroites? Non, pas spécialement étroites. Et alors, petit truc embarrassant, voilà, j'ai une grosse libido, je me blesse souvent, et ce serait pour savoir si vous avez des bandages en secours. Non, oui, ça passe bien pas. Sûr. Ah, ça passe pas. Et ça fait 3 sur 5, Cisco. Ouais. Parce que tu as dit bonjour monsieur Hutte, est-ce que c'est possible d'arriver au portique, un truc dans le genre. Donc tu as placé Hutte et portique dans la même phrase. Libido et pansement dans la même phrase. Exactement, aussi. Libido et bandage. Donc du coup, je ne peux en valider que 3 puisque l'anxiété a été placée parfaitement. Ah oui mon pote. J'avais pas compris comme ça hier quand il m'a expliqué. Ah ouais, non mais t'inquiète pas, je sais qu'il parle une langue étrange notre ami Thibaut, c'est pour ça. C'est qui a briefé? Pourquoi tout de suite moi? C'est qui a briefé? Eh c'est pas vrai Cisco, de un je suis dans ton équipe. C'est toi Eddy qui a briefé. Je lui ai bien dit tu mets pas deux fois un mot dans la même phrase, tu dois attendre qu'il réponde. Non mais c'est pas au pire, il est dans ton équipe donc attends, tu devras le sauver. Deux fois un mot dans la même phrase, ça veut pas dire tu peux pas mettre deux mots dans une phrase. Hein. C'est ça que je voulais, c'est exactement ce que je lui ai dit hier. Non mais on peut tuer une fois 1000 personnes, mais on peut pas tuer 1000 fois une personne. J'adore comment j'ai. J'adore comment j'ai accusé le pauvre Thibaut là directement. Moi c'est pas grave. C'est pas grave Cisco, t'inquiète pas, t'as fait 3, il y a pas de problème. Par t'inquiète. Contre, les gars, faut rappeler Martin, je sais pas si vous avez remarqué hein, ouais. On a plus Martin en ligne hein. Voilà, ça par contre ça c'est la faute à Thibaut ça. Je te taquine, oh là là, le pauvre Martin il m'a envoyé un message, ça a coupé, ce que c'est me rappeler le pauvre, t'inquiète pas. Oh Martin. On s'occupe de faire ça. À savoir que ça fait 3 sur 5, c'est bon, il est là. On a récupéré Martin. Martin, t'es prêt? Ouais. Ouais, c'est parti. C'est parti. On y va. On appelle. Bon courage, mon pote. Tes mots sont charlatan, cellule numérique, grenade et hermaphrodite. Putain, c'est chaud comme mot. Moins d'une minute. Ouais. On y va. Éclos Hôtel Le Mans, mon père, à votre service. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ce serait pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Comment? Ce serait pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'aimerais avoir quelques informations rapides avant. Oui, donc, est-ce que vous pouvez d'avoir des appareils numériques? Comment ça? Dans la chambre. Et oui, vous avez la télé? Ah, très bien, parce que la dernière fois, je tombais sur un reportage sur les hermaphrodites, c'était assez gênant, vous comprenez? Ah, oui, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait des boissons un peu exotiques, comme du jus de grenade, par exemple? Du tout. Ah, bon, très bien, je préfère que vous me disiez à l'avance, parce qu'une fois, il y a un charlatan qui m'avait dupé, et en fait, il n'y en avait pas, vous voyez? Oui, d'accord, je vois. Ouais, ces gens-là, faut vraiment les mettre en cellule. Hein. Si vous le dites. Ouais. Et vous voulez réserver une chambre? Non. Bah, du coup, comme il n'y a pas le jus de grenade, non, merci. Bah, écoutez, bonne soirée. Ah, il est vif. Merci, au revoir. Ah, il est vif. Oh là là, Martin, joli. Ah, Martin est très fort. Oh. Représente la RA. Hâte. Eh ben, dis donc, ça rigole pas, la Ténée Royale d'Ata. Hein. Ah, il est bien. Ça travaille dur. Hein. Ah, ça gère de ouf, hein, purée. Si, je sais pas quel prof vous apprend à faire des trucs pareils, mais. Vince. Eh ben, merde alors. Mais en tout cas, bien joué, puisque ça fait 5 sur 5 pour la team Martin Nigel. Et merci, frérot. Alors, Eddy, un frérot, au niveau des points, c'est à toi de jouer. T'es prêt, Eddy? Ouais, bien sûr. Est-ce que moi, je prends la première liste là ou la deuxième? T'as le choix, tu veux choisir quoi? Dans les deux cas, les mots sont super compliqués. C'est vrai, donc on va prendre. Ouais, non, mais franchement, Thibaut il a mis des mots, frère. Je sais pas ce que c'est ça veut impossible dire. De les passer. Genre, il met monocle. genre, monocle, on sait que c'est un verre, tu vois, pour la vue. Ouais. Après, mais caravelle, frère, c'est un bateau, ouais, n'importe quoi. Ouais. Il a mis embouchure quand même. Hein, ouais, en fait, d'habitude, c'est Lara et Vince, ils ont toujours trop facile. Du coup, j'ai voulu corser un peu le mais truc. Mais c'est facile ça. Un jour, on va passer à un autre level, on va mettre des phrases. Ça va être bien hardcore ça. Ouais, mais pas tout de suite. Eddy, tu vas le prendre, alors du coup, tu veux quoi? Je vais prendre la première. Eh ben parfait. Embouchure, plénitude, mais lui, je vais le taper. Dans un hôtel, t'attends souvent la plénitude. Oui, c'est vrai. Rimmel, asexué, et c'est quoi l'autre là? Souricière. Je dis sourcière. Non, il y a une souricière. Souricière. C'est un truc avec plein de souris dedans. Par contre, ils lui font un style à lui. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme style? L'antillais. Bah non, mais l'antillais. J'ai déjà eu la dernière fois. Il est antillais déjà. Ah ouais, c'est vrai, c'est nul. C'est stigmatisant du coup. Ouais, j'en ai marre de votre racisme. Ouais, vraiment, c'est un cliché. Bah très bien, tu sais quoi, tu vas faire l'accent indien, l'accent hindou. Voilà. Tu sais, Bollywood et tout là. Ok, bonjour, my friend. Okay. Ouais. Amigo, ça. Tu vois. Ah oui, l'indien de. L'indien, est-ce que c'est l'indien des Night Shop d'ici ou pas? Ouais. C'est extrêmement stigmatisant. Ouais, je sais. Extrêmement désolé. Cliché aussi. Est-ce qu'on peut appeler? On y va, c'est parti, on appelle. Ne parlez pas en même temps, les amis, c'est important. Allez. Oui, bonjour, my friend. Je m'appelle Vishnu et je voudrais savoir si il y a moyen de réserver une chambre. Oui, il y a la moyen. Il y a toujours moyen. Merci beaucoup. Oui. Et ben, en fait, j'aimerais bien atteindre la plénitude dans cette chambre. Du coup, est-ce qu'il y a des décorations indiennes? En fait, vous pouvez venir dans l'hôtel ici, on peut réserver ici, on peut discuter. Ok, merci beaucoup, mais parce que j'ai pas beaucoup le temps de venir, parce que ma femme met beaucoup de rimmel sous ses yeux, du coup, ben, elle prend un peu de temps, j'aurai pas le temps d'arriver jusque là-bas. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que vos chambres sont asexuées? J'aimerais pas de couleur rose ou bleu parce que je suis un garçon et aussi une fille. Je suis binaire. Vous n'aimez pas les couleurs bleues en fait? Voilà, pas de problème. Mais du coup, est-ce qu'il y a une embouchure pour arriver jusque chez vous? Parce qu'il y a beaucoup de trafic, tout ça, c'est un peu compliqué. Bah, en fait, là, il est 23h45, vous avez que les trams. Pas de problème. Et aussi, est-ce que vous aimez bien les souris? Parce que moi, j'ai une souricière et j'aimerais bien laisser mes souris dedans. Est-ce que vous avez des souricières ou pas? Non, on n'a pas ça. Ok, bonjour. Ben, merci beaucoup. C'est gagné! Bravo! Eh là là, 5 sur 5, wow. Ça remonte les points à 8. Acha, acha. Je t'avais dit, Cisco, on va le faire ensemble. Allez, il est pas en ligne là. Mais il a répondu, je crois. Ouais, il a répondu, ouais. La musique est lourde, hein. Elle passe bien, hein. Et vous connaissez quoi comme titre bollywoodien? Mais Bolé Choudian. Bah quoi? Bolé Choudian. Bolé Choudian. Choudian. Moi j'ai Bolé Chouria. Ah, Bolé Chouria, c'est oui, ça. Voilà, Chouria, soit. Alors, Bolé Choudan. Ah, attends, on va écouter à quoi ça ressemble le Bolé Chouria là. J'adore. Je suis curieux là. Bolé Chouria. Bolé Kangana. J'adore. Bolé Kangana. Tere Sanchera. Oh, c'est magnifique. Tere Sanchez. Ah, mais c'est connu ce truc. Ah, oh, ouais. Leja, Leja. Leja, Leja. Bolé Tandoori. Tikka Masala. Et il y a le MC Punjabi. Ouais, bah c'est ça, classique. Et puis Tikka Masala. Et il y a arrête. Chicken Vindaloo. Très piquant. Ça fera 34 euros. J'adore les mecs derrière. Je sais pas comment ils font pour bouger leurs épaules comme ça dans les danses de Bollywood. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Leja, Leja. Leja, Leja. Ah, ils sont quand même forts en chorégraphie, faut l'avouer, hein, et en vêtements aussi. Bon, attention, on nous dit Eddie à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Vichelou. Vichelou. Bon, attention, Martin qui a fait 5 sur 5, Nigel, tout dépend de toi maintenant. Ouais. T'as mis combien de points? Là, tu dois mettre 3 points pour faire égalité, 4 points pour gagner. Ok, ça marche. Il y a Caravelle, Monocle, Aérosol, Rhododendron et Eunuque. Ouais, Eunuque. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, on appelle. Et attention, le style d'abord de Nigel. Dites-moi. Oh, je sais pas. Pas un accent. Pas un accent. Quelque chose d'autre. Allez, dites-moi un truc drôle. Ah, les mecs, ils manquent d'idées. Un type qui répète chaque fois la dernière syllabe de ce qu'il dit. Ok, très bien. C'est pas mal ça. C'est quoi une syllabe? C'est parti, on appelle, attention. Tu vas répéter la dernière syllabe, oui. C'est ce qui va se faire que tu te fais cible. Le dernier son, là. Le dernier. Une syllabe, quoi. Une syllabe, c'est. Nigel, Jol. Nigel. Voilà, et Jol, c'est la dernière syllabe. Ah, je rigole avec vous. On y va. Ouais, genre. On coupe le micro, on écoute. Oh le, qu'est-ce qui se passe? Ça décroche pas là. Je rappelle un autre. C'est quoi ça. Le surnom que l'auditeur avait donné à Nigel? Il y a Raymond Régueul. Nargueul. Nargueul, Nargueul. Nargueul. Ouais. Hôtel Ibis, le Mont Est, Nigel, bonsoir. C'est l'hôtel Monocle, Ocle? Pardon? Non, en fait, c'est pour savoir, c'était pour réserver une chambre. Et en fait, est-ce qu'il y a des eunuques dans votre hôtel? C'est quoi? Il n'a pas compris. Est-ce que vous avez des plans de rhododendron dans l'hôtel, elle? Non. Ah, ok. En fait, moi, je voulais savoir, parce que je voudrais réserver une chambre, mais j'ai peur qu'il y ait des tableaux avec des caravelles dessus dans votre réception. Non. Ah, ok, est-ce qu'il y a peut-être des monocles de vue? Et en fait, parce que j'ai un petit problème, parce qu'il y a mon fils qui a besoin d'aérosol sol dans la chambre, du coup, voilà quoi. Et quelque chose d'autre, c'est tout? Non, est-ce que le prix de la chambre est élevé? Oui, trop élevé. Ah, ça coûte combien, bien? 200 euros? Oui. Non, c'est quoi une cuisse? C'est quoi une cuisse? C'est pas deux fois, une seule fois. Ah, donc euros. C'est 200 euros? Non, 200 euros, c'est une seule fois. Une seule fois, fois? Oui, non. Une fois, mais pas 15. Fois. On peut deux fois, mais pas 15. Trois fois, mais pas 15. Et ça, a raccroché. Bon. Et merci. Non, mesdames et messieurs. J'ai l'impression non. qu'il y en a un qui compte pas. Non. Ouais. Pourquoi? Non. En fait, il devait répéter la syllabe du réceptionniste. Non, on n'a pas gagné. Bah quoi, bon, ça veut dire que t'as passé combien de mots? Va lui faire un bisou. 5. Non, s'il te plaît, putain, si je fais un bisou, là, je sais pas. T'as du rouge à lèvres. Ça fait 5, ce qui veut dire que ce soir, oui, c'est la victoire à raison de 10 points de Martin. Bonjour, ouais, Martin. Avec Cisco qui s'est quand même très bien défendu ce soir. Bravo à toi, Cisco, hein, mon pote. Bien joué, Martin. Ouais. Merci, mec. Il a mieux fait que toi. Voilà. Eh, Martin, lui dis pas tranquille, gros. On s'en bat les couilles. On a gagné, on est des vainqueurs. On est des perdants. Ah là là là là. Ah, va dormir à Cisco. On aurait dû l'inviter. Hein? On aurait dû l'inventer. Hein? S'il n'avait pas existé, on aurait dû l'inventer. Putain, mais si. Hein? Par contre, si quelqu'un le veut, je donne avec plaisir. Hein. Ah, donc c'est comme ça. Non, poser vos candidatures. Non, je vais dire à nadjol@gmail.be J'allais le dire, ouais. Wanadou. Avec deux mots. Wanadoudou. Ouais. On te fait un bisou, en tout cas, Cisco. Merci d'être passé dans l'émission. Salut à l'équipe. Continue comme ça. C'est gentil. Merci. Merci, mon pote. Bye bye. Continue d'être dans la défaite. On t'appelle. Bah, arrête, nadjol. Putain, tu casses les couilles. Oh là là. Ouais. Laisse-le, voilà. Il faudrait plus de gens comme ça. Ouais, allez, vas-y, casse-toi. Rédécoutez. Je suis désolé, Cisco, mais voilà, Nigel, voilà, c'est, on ne peut pas le changer. Non, mais c'est. Pourquoi on rigole ? Il ne faut pas le changer, il ne faut pas. Voilà, il faut juste l'ignorer. Mais tout le monde l'aime, ce con. Ouais. C'est ça, ah, attention, tout le monde l'aime. Il faut être intelligent. Alors, quand j'étais dans l'école, il y a des gens qui disaient, ouais, on kiffe Nigel et tout. Par contre, il y a une meuf, elle m'a fait, non, c'est un vrai connard. Il y a une éducatrice, à un moment, elle me dit, ah, j'adore votre émission, mais par contre, le Norgueul, là, excusez-moi. Alors là, lui, je sais pas trop, c'est votre ami. Et moi, c'est désolidarisation totale. Non, écoutez, je ne le connais pas. Voilà, c'est. Avec cette émission, j'ai un but social, effectivement. Et donc, du coup, c'est le CPS qui me l'a envoyé. Donc, clairement. Hein. Franchement, je suis grave content d'être perçu comme ça, parce que le jour où on le verra que j'ai un master plus 5, elle va pas comprendre. C'est clair. Comme quoi, les gens qui ont des masters, c'est pas des connards. C'est clair. Allez, bisous, Cisco, à bientôt. Hein. Ciao, ciao, l'équipe. Et Tong Song, bisous, ciao, ciao. Et merci, Martin. Martin, on se retrouve bientôt dans ton école, hein, ça va? Ouais. Et je sais pas de quelle éducatrice il parlait, mais dis-lui que quand je viendrai, ça va être sa fête. En fait, c'est la secrétaire, en fait, de l'école. Wow. Bon, et bisous, Martin, quand tu veux. Hein. Salut, les gars. À bientôt. Allez, mon pote. Ouais. Ouais, vas-y, fais ta dédicace. Tu veux une dédicace à Ryan, toi, je le sens. Ouais, bah déjà, ouais, Ryan. Je savais. Il a ri et tout, parce qu'en plus, ça récite son anif aujourd'hui. Il s'appelle comment t'as dit, Martin? Aristide. Aristide. Mais respecte. Bon anniversaire, Aristide. C'est ouf, Nigel. Il a été conçu pendant l'armistice. Aristide. Tu sais quoi? C'est comme ça que les choses commencent à l'école, parce que là on est en train de feinter sur son prénom et demain tout le monde va appeler Armistice pour mais le faire chier. Mais moi on m'appelle bien Nongueul, donc je comprends pas. Non, Norgueul, c'est pas pareil. On fait un bisou à Aristide là qui est à l'écoute. Bon anniversaire, mon pote. J'adore, il y a Cédric qui me dit Aristide, génération premier baiser là. Mais peut-être c'est un nom composé. Aristide. Aristide, Aristiles. Je suis mort. Et Martin, on lui fait un bisou et également bisou à Ryan, là. Enfin, big up plutôt à tes potes de l'école. À bientôt, Martin. Allez, salut Vince. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao, mon pote. Bon, kiff ta mère, est-ce qu'on attend ou on le fait demain, le kiff ta mère, les amis? Mais je sais pas pourquoi tu nous poses la question. Non, c'est parce que pour savoir si les personnes sont encore disponibles ou pas, en fait. Pourquoi vous étouffez? Regarde. Vous voulez faire genre, on a l'émission plus tôt, non, c'est ça? Il y a le mauvais œil sur lui, regarde. Ouais, Véronica vient demain en plus. Ah, demain, Véronica dans la maison, tiens donc. Ouais. Donc, si vous avez des questions à poser à cette voyante bizarre, 22h, elle sera avec nous. Elle a des pouvoirs, il paraît. Ouais, elle m'a fait rater deux vols d'avion. C'est vrai, mais c'est t'as clair. Pas fait rater, elle a deviné que t'allais rater ton vol. Ah, ça, c'est ce qu'on dit, c'est deviner. C'est une question de point de vue. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, Damien? Il me dit pourquoi tu ne passes pas plus mes notes vocales. Mais Damien, mais relax, toi aussi, t'es pas seul. Ok, bah pour ça, je vais bien la passer 10 fois alors. Hein. Non mais j'adore, mais franchement le cri est génial. Et tu sais quoi, on va faire un concours de cris, gros what the fuck en fin d'émission, un concours de cris. Envoyez des cris en note vocale. Alors ça c'est Damien là. On va voir qui a le meilleur cri ce soir. T'imagines, tu ponctues toutes tes phrases par Salut tout le monde, bienvenue sur J'ai pas de ponctuer ma phrase pour le coup. On dirait les petits jouets pour les chiens. Ah ouais, grave. Bon allez, on va sur le son d'Ignorant. Sur Énergie là, tranquillement et Et ça y est, attention, ça va partir en sucette là ce soir. Oh, génial. Et t'as réveillé les monstres. Ah non mais là je vais avoir ces notes vocales. C'est la pleine lune en plus. Et attention les amis, je vous rappelle. Musique cliché. Stigmatisation. Pas du tout, hommage. Récupération culturelle. Je salue. Alors il est peut-être pas encore rentré chez lui. C'est une blague. Parce qu'il est encore sur la route. Mais les gars, putain, c'est pas de l'humour là, c'est très sérieux en plus. Attends, on t'écoute. Grosse dédicace à Gigi Lou. Pourquoi rigoler, putain, merde, arrêtez. C'est toi. C'est parce que j'ai mis cette musique, hein. J'aurais dû faire un truc genre. La musique de vélo. Ouais, voilà. Il était avec nous sur Énergie, Gigi Lou et ouais tout. Et bah non. Ouais. Et moi, comme un gros, rien. Il est avec nous sur Énergie, Gigi Lou. Pourquoi est-ce que la musique ça fait tout dans un truc, ouais, je comprends pas. C'est bizarre. Alors Gigi Lou c'est qui? C'est... Putain ça y est, je suis perdu c'est là. Frère avec de Gilo. C'est l'homme qui c'est a frère pu. De Gilo. Non sérieusement, Gigi Lou pour c'est ceux qui en ont entendu parler, il s'appelle Jun Jilou. Oh merde. C'est le mec qui a, c'est le chinois qui a parcouru 15 000 km depuis Shanghai, qui est arrivé à Bruxelles et qui s'est fait piquer son vélo. Quelle vie. Gare du Midi et tout, et il a fait le buzz, tout le monde en a parlé, et on l'a accueilli dans l'émission. Ensemble, on a fait une cagnotte pour lui. C'est lui, c'était sa volonté. Ouais. Où chaque personne devait verser 1 euro pour lui permettre d'acheter un nouveau vélo pour continuer son trip. Et d'ailleurs, respect à lui puisque on vous avait atteint la somme de 1 700 euros. 12. Combien? 1 712 euros. 1 712 euros, alors qu'en fait ça s'arrête à 1 400. Vous avez continué à donner. Il a vraiment demandé que ce soit 1 euro par personne. Et en plus de ça, il a demandé que ça s'arrête à 1 400. Mais comme beaucoup de crowdfunding, tu ne sais pas imposer, mettre une limite. Si jamais non, ça dépasse, ça dépasse. Et donc il était super cool et noble en disant que donc lui va récupérer l'argent pour donner à ses parents, hein, ouais, ça, parce ouais que c'est ses parents qui lui ont vite envoyé l'argent pour pouvoir s'acheter un vélo pour continuer son périple de 15 000 km. Là, il va rentrer sur Shanghai et il va repartir pour faire un tour du monde. C'est le vélo de la Belgique. Il tenait à nous remercier, à vous remercier aussi, les auditeurs. Il y en a beaucoup qui ont participé à ça et je trouve ça génial qu'on ait atteint cette somme. Voilà, ce crowdfunding, ce qui a été fait, on l'a fait sur Énergie. On voulait juste le faire pour faire plaisir et tout. Et voilà, et au final, on est super content. Il a repris la route, il est en chemin vers Paris, il en a pour 300 km, il va le faire en 2-3 jours. Lundi, son visa expire, donc il devait vraiment arriver à Paris lundi, sinon le mec, la Chine, ça rigole pas quand t'expires ton visa et que t'es pas rentré. Ah, la Chine, c'est le Bronx, hein. Junji Lou from the Bronx. Junji Lou from the Bronx. I'm still Junji from the Bronx. Non, mais par contre, ce qui est cool, moi je tenais vraiment à le remercier, c'est que le crowdfunding, je l'ai fait à mon nom. Du coup, merci frérot pour les 1712 Nigel. Sans peur et sans reproche. L'arnaqueur à l'état pur. Récupérateur de buzz. L'homme qui arnaqua tout un pays avec des yeux caramélisés. Nigel, même Julien Courbet ne l'a pas arrêté. Il n'a pas percé mon crowdfunding. Nigel qui va faire du détournement d'argent, du blanchiment dans la machine à laver. Ouais. Nigel, que certains surnomment Nogel. Non mais précise blague à part. Attends, je remets la musique, qu'est-ce qui se passe? Nigel, le cousin de François Fillon, rend l'argent. Alors blague à part, je précise que cet argent va vraiment être versé à une association. Vous avez toutes les preuves sur la page VNZ sur Facebook. L'association s'appelle Nigel Iceberg. Non, franchement, merci à vous pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment génial. L'association, c'est manger chez Energy tous les jours. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Hein. C'est génial, merci pour tous vos commentaires. Les commentaires dans l'émission en direct, Corentin. Oh génial, j'adore ces commentaires. C'est... Et Fred du Luxembourg, ils nous ont quoi là? Oh yeah. Ah mais c'est son cri, il est pas mal, il est mignon. Qu'est-ce qu'on voit encore là? Mais wesh. Putain, c'est quoi ce cri là? Ouais. Hey, je vous ai demandé des cris chelous, bah là, voilà. Hein. Ok. Il y a 500 personnes, fallait être là. Montello, Montello. L'histoire de Hugo, t'as cassé l'ambiance. Sa mère, pourquoi elle se lisse les cheveux? Elle lui dit pour qu'il soit plus long. Et après, une semaine après, chez le docteur, il y a le docteur qui demande au garçon « Explique-moi précisément pourquoi tu t'es brûlé le pénis. » Vous avez compris? Oui, on a compris, ouais. Non, j'ai pas compris, moi. Mais si, mais c'est débile. Non, j'ai pas compris. Et... Attends, on va pas... Je dois tirer la chasse? Non, oui. Okay. Ouais, un peu, ouais. Ok, je tire la chasse. C'était bien essayé. Non mais merci Hugo quand même. Mais merci, en fait le problème Hugo. C'est parce qu'il fait ça sous sa couette. Donc du coup on l'entend pas. Il bien. Il a pas dynamique quoi. Ouais, la prochaine fois ferme ta gueule. Ouais, franchement il y a tout le monde qui m'envoie des cris chelous maintenant. 0492-222-002. On va faire le concours de cris. C'est pas, mal, pas mal. Django. Je trouve ça relou. Et nous on trouve ça drôle. Son cri c'est normal. Voilà. Ok, ah, ouais, c'est classique. Pour l'instant, c'est difficile de dépasser le level de... On arrive sur Énergie, bougez pas, on est en direct comme tous les soirs, jusqu'à minuit et peut-être même plus, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça va être ce soir, hein, je l'ignore complètement. Vous savez quoi d'ailleurs, le jingle peut-être qui va nous le dire. Bienvenue, on arrive. Vince est sur Énergie, tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, il est minuit, faut rendre l'antenne. Vince ! Ah bah je crois que je parle dans le vent là. C'est bon Vince, tu peux terminer quand tu veux. Vince, tous les soirs de 21h à... Je sais pas quelle heure, sur Énergie. Eh, vous avez décidé l'heure. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus shazamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis, avec Jérém et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Oh oui, oh oui. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. Vingt ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Oh oui, oh oui. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Platin au plomo. Tous les jours je vais péter le mago. J'ai toujours un flic dans la vague. Ta WhatsApp, ça tombe bien. Vince aussi. 0492-222-002. Écris-lui pour vérifier s'il est bien en direct. Later, bitches. Hey, welcome sur Énergie. Vince dans la maison. Minuit 25, les amis. On est toujours dans notre concours des meilleurs cris, là. 0492-222-002 sur WhatsApp. En note vocal, bien sûr. On a un petit peu de tout, hein. Je note ceux que vous trouvez drôles, hein. Ah putain, il est pas mal ça, original plutôt, hein. Y a Jadou qui m'envoie quoi là? Wow. C'est sexy, c'est sympa, c'est voilà. On dirait Ster dans les Pokémon. Ah ouais, quoi. Oh. Il est excellent celui-là. Jack, ça se Wow. Ouais, ouais, ouais. Alors, on nous fait des trucs super originaux. Hein. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est étrange. Jusqu'à une heure. Mais ça la il a pas tardé dans notre vocal. C'est wow. Chocolat. Bientôt, bien, bien. Ce soir, je suis en grève. Pourquoi ? Parce qu'on m'appelle notre jeune. Je suis en grève. Non, on t'appelle Norgle, c'est pas pareil. Ah, ça va alors. Oh. Voilà. Oh, pas mal, je suis là, très sympa. Ince, Lara, ce soir, c'est minimum une heure et demie. Hein. Oh là là, une heure et demie, ouf, ah, c'est dur, c'est dur. Allez, voilà. 2 heures, les gars. Ouais, allez, 4 heures. Allez, c'est énorme. Bonsoir, Vince. 6 heures. Écoute, tu nous demandes souvent de dire à notre entourage qu'il y a une super émission qui passe sur l'énergie le soir, que voilà, c'est Vince sur l'énergie. Ah bah oui. J'ai fait ça avec un collègue aujourd'hui, et alors je lui dis, bon voilà, tu sais, j'écoute vraiment une super émission le soir en rentrant pendant mon heure de route. Franchement, je me marre. Mmh. Et il me dit, ben, sur quelle station ? Mais je dis, ben, Energy en Belgique. Ah bon ? Vous avez Energy en Belgique, vous ? Et ouais. Mais il... français. Bah bravo ! Bah bravo ! Putain, quelle anecdote de merde. Bravo. C'est vrai qu'on a cru qu'il allait nous raconter une ouais. fin, on attendait une chute. Genre, de ouf. On attendait de l'amour. Mais écoute, c'est bien pour l'info. Bah, tu, comme ça, il a découvert un truc, tu lui as appris que oui, il y avait Energy en Belgique. C'est tout. Ce qu'il peut faire, s'il a son truc Bluetooth dans la voiture, si vous êtes en France, c'est très facile. Tu le mets sur ton téléphone, tu prends l'application ou tu vas sur energy.be/player et du coup, tu l'entends dans ta radio. Exactement, ouais, c'est aussi simple que ça. C'est canon. Et piano là. Wouhou. Oh, c'est mignon. C'est n'importe quoi celui-là. Oui, franchement, pour l'instant, numéro 1. Ah ouais, non. Il faut l'avouer hein, quand même. Hein. Bon les amis, vous êtes prêts ? Le mot de la fin ? Exactement, pour le mot de la fin, mesdames et messieurs, le mot de la fin de cette émission. Il va falloir tenter de deviner le mot que j'ai en tête. Je prends une petite feuille. Non, la feuille est partie. Tant pis, je prends une autre feuille. C'est bon. C'est bon, les gars, un vous bon mot, pas, hein. Un bon mot. Ah ouais, un truc. Hier, il était compliqué déjà le mot. Il hein. était parfait hier. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Eddy ? Est-ce que c'est avec les nouvelles règles, genre tu peux changer le mot au milieu du jeu et tout ça ? Toujours. Ouais. Ah, ok, ça. Voilà, comme ça, vous savez. Non, non, je vais pas changer le mot. Pas déconner non plus. Bon. Mot au hasard. Je vais taper mot au hasard. C'est le boss, hein ? Mot au hasard sur Google. Voici des mots aléatoires. Je prends. Oh, il est pas mal. T'as regardé, Nigel, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, c'est dommage. Putain. C'était lequel ? Ouais. C'était quoi le mot ? Je vais pas le dire. Ouais. C'était démocratie, je change. Facile, ça. Ouais. Non, trop facile, celui-là aussi. Arrête de tricher, Nigel. Trop facile. Arrête, Norgueil. Oh, purée, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Oui, il met la pression, celui-là. T'as beaucoup de Norgueil. Ouh là là, j'ai de la Norgueil pour toi. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Allez, c'est parti. Nous aussi, on t'aime. Nous ? Nous, c'est le goût. Il est pas difficile. Il est vraiment pas difficile. Vous êtes prêts tout le monde ? Oui. Grave. Allez, c'est parti. Let's go. Faites vos propositions. 0492 222 002. Il n'est pas difficile, t'as dit. Il est... Non, pour moi, il est facile ce mot. Ouais, mais des fois, la simplicité, c'est exactement. La difficulté. Ça, c'est. C'est comme dans l'art. Tu veux faire simple, c'est très très dur. C'est bien vrai, ça. Michel, qu'est-ce qui se passe, Michel ? Ah, ça, c'est les chats qui ont des ébats. Merci Michel. Alors 0492 222 002 sur WhatsApp, les amis, il faut ajouter le numéro à vos contacts. Et dès que le numéro est ajouté à vos contacts, eh ben, c'est super. Vous pouvez nous envoyer un message. On commence avec Norgueil. Vas-y Nigel. Orgueil. Orgueil, pas mal. C'est froid. Lara. L'espace. L'espace et le temps. Et le time. C'est froid l'espace. Oh Thibaut. Technologie. Technologie, c'est chaud. Oh, bien pour une fois. C'est bien, merci. Restez calme, restez calme. On se calme, on se calme. Merci. Et Martin.